bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de Comics Discovery, un numéro autour de Suicide Squad, puisque nous allons revenir un peu sur le film. Je vais prendre mon fil rouge parce que sinon je vais être perdu. C'était pas écrit donc il le sait pas. On va quand même, dire bonjour aux gens. Qui, le mec, il commence à peine. Il est même pas. Ça y est. C'est même pas la première minute du podcast. Commence déjà. Ça y est, il est énervé. Ça y est. Bon, salut Maxime. Salut. Comme il y avait une caution film dans le dernier épisode, je serai la caution Tie and Die. D'accord. vous l'avez aussi entendu. Il y a Mathieu avec nous. Salut Mathieu. Ouais. Salut. Salut à tous. Et il y a aussi Thomas. Salut à tous. Donc, c'est le petit Thomas. C'est pas. Voilà. Pour les intimes. Et on fait un petit coucou à Gilles. Devait venir, mais qui finalement n'a pas pu venir. Mais en fait, c'est un peu comme les amours de vacances, il nous pose un lapin, mais il nous le dit pas. D'accord. Ouais, on fait surtout un gros bisou à la Game Taverne qui était fermée normalement. Et nous sommes, en fait, pour vous raconter la petite histoire, la petite anecdote de début de podcast, j'arrive à 18h, parce que c'est l'heure où on enregistre d'habitude, et j'arrive et je vois Mathieu qui attend, et on voit marqué fermeture annuelle sur la porte. Merde, putain, on fait quoi ? Et en fait, j'avais envoyé un message, il y a 2 semaines en disant oui, on va enregistrer. À telle date, et il m'avait dit oui, il n'y a pas de problème. Et du coup, là, j'ai dit merde, on va faire comment, on va aller où et tout. Et il y a un des patrons qui ouvre la porte et qui nous dit bah, vous pouvez rentrer, vous pouvez venir, posez-vous, on vous laisse les clés, et puis vous faites ça, vous faites comme vous voulez. Donc, nous avons la Game Taverne pour nous ce soir, et c'est vraiment cool. C'est plutôt sympa. On va faire péter les bières. Voilà, ouais, ils nous ont laissé les clés, les fûts de bière, donc, le podcast va durer. Après, il va y avoir un after. Voilà, le podcast va durer 8 jours. Exactement. Un grand merci, un grand merci à la taverne de nous accueillir. Ouais, merci, super sympa. Super. Ouais. Et c'est cool. J'ai noté cette fois, j'ai été corporate et j'ai noté l'adresse pour les gens qui voudraient venir. Rue Condol à Montpellier. Ouais, c'est 22 rue Condol à Montpellier. Donc venez, vous pourrez boire des bières et vous pourrez jouer à des jeux. Et c'est cool. Et on va enchaîner avec le fil rouge. Qu'est-ce qu'il fallait que je parle donc vous allez avoir notre avis sur Suicide Squad à la fin de ce podcast. Mais avant, si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo de Faye de l'Amicale du Geek qui a fait une vidéo sur Suicide auto-promo, Squad. Auto-promo. Exactement. Donc, j'ai une petite anecdote sur cette vidéo. Piston. Alors, on est dimanche, la vidéo sort. Elle sort approximativement vers 10h du matin. Non, elle est sortie à midi. À midi, pardon, excusez-moi. Elle est sortie à midi. Pile. Donc, à midi 20, j'ai un message de James qui me dit oh, tu sais pas ce qui s'est passé sur ma vidéo? Et moi je dis là quoi, qu'est-ce qui se passe? Je dis ils t'ont striké la vidéo parce que. J'ai dit ils t'ont striké la vidéo parce qu'ils ont pas aimé ton avis parce qu'elle est un peu cassante quand même. Il me dit non, ils ont monétisé la vidéo. Et puis je dis ouais, mais c'est bien, tu leur files de l'argent. Il me fait ah ouais, je file de l'argent à Warner et tout, c'est trop bien et tout. Oh non. Le vendu. Ils ont monétisé la vidéo pour leur gueule. Le vendu. Une anecdote là-dessus, il y a un de mes amis qui. Enfin, il y a un joueur du grenier qui a sorti une vidéo aussi sur. Le joueur du grenier est un des amis. Non, je vais revenir dessus après. Mais en gros, Georges du Grenier a sorti une vidéo sur Suicide Squad où il a déglingué le film. Il a déglingué le film, mais pour des raisons débiles. Enfin, le mec a adoré Teenage Mutant Ninja Turtle 2 et il déteste celui-là. Mais Laisse-moi raconter mon anecdote. Vas-y. Et donc, du coup, mon ami avait vu la vidéo alors qu'il n'y avait que quelques vues, vers 100 ou quelques vues par là. Et la vidéo s'est fait striker quelques minutes après par la Warner, justement. Et du coup, il a re-uploadé, je pense qu'il a dû enlever des images de la Warner ou quoi que ce soit. Je sais pas, il y avait des images dedans, je me souviens plus. Je sais pas. Bah, il en met des fois, mais du coup, il a dû les virer. Je pense qu'il a dû les virer et re-upload sa vidéo après. Donc voilà, petite anecdote sur la Warner qui. Warner fait pas mal chier sur YouTube. Mais moi, j'avais mis un cadre et tout, je me suis fait chier parce que d'habitude, si tu mets un cadre. Tips ouais. Sur YouTube, si tu mets un cadre, normalement tu te fais pas niquer par. Tu te fais forcément niquer. Il faut mettre un cadre et mettre les images en miroir. Et là, normalement tu te mais fais pas niquer. De toute façon, sur YouTube, la notion de. Les droits d'auteur, de toute façon, sur YouTube, c'est très mal expliqué parce que c'est pas pareil aux États-Unis qu'en France. Donc, du coup, ça crée plein de problèmes par rapport à ça. C'était le point juridico, les gars. Voilà. Alors Maxime va vous faire un tableur Excel pour vous expliquer les différences entre le droit américain et le droit français. Ceci était le bruit de la Game Taverne qui ferme. Dans 5 minutes, il y a les putes et... qui arrivent. L'after va bientôt commencer. Bon, on va continuer sur notre fil rouge. Merci à Thomas pour sa super anecdote. De rien. Ah oui, mais je... Est-ce que Pierre Grenier. Moi j'ai une question. Non, est-ce que Pierre... c'est mon pote qui avait vu que c'était fait censurer, c'est tout. Est-ce que Pierre Grenier, c'est le frère du joueur du grenier? Pas du tout. Je sais même pas qui c'est Pierre Grenier en fait. Mon père Pierre Grenier, c'est le mec qui fait Albizobiz. En fait, il s'appelle Pierre Grenier. Et lui, il m'a demandé est-ce que c'est le frère du joueur du grenier? Mais genre, serious business. En mode, c'est son frère, ça se trouve et tout. On enchaîne. On enchaîne pour ce petit moment de honte pour Maxime. C'est pas grave. Je voulais passer à un deuxième truc. On est dispo sur Podcloud, mais aussi on est dispo sur iTunes et Podcast Addict. Et je voulais vous appeler à aller nous mettre 5 étoiles sur les différents classements. Parce que plus on aura d'étoiles, mieux on sera référencé dans iTunes et dans Podcast Addict et dans tout le reste. J'enchaîne avec un deuxième truc, c'est que vous voyez qu'on a une équipe sympa, mais on va devoir virer, par exemple Maxime, au bout d'un moment on va devoir le virer, il fait un peu trop chier. Donc si vous êtes sur Montpellier et que vous aimez les comics, vous lisez des comics, et si vous êtes de sexe féminin surtout, ce serait cool d'avoir des filles, histoire d'élargir un peu les opinions. En plus il y a beaucoup de célibataires dans... Non, il y en a un. Bon, on a commencé à la bière directe, hein, donc va y avoir si des conneries. Moi, je bois pas d'alcool. Il n'y a que James qui n'a pas bu, il est au Coca Light, le pauvre. Si vous aimez les comics et que vous avez envie de venir discuter avec nous, avec une petite équipe sympathique, et comme je le redis, hein, franchement, si vous êtes de sexe féminin, ce serait cool, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de filles qui parlent dans ce milieu, et quand tu regardes même les youtubeurs, il n'y a pas de youtubeuses qui parlent de comics, je trouve ça vraiment dommage. Donc moi j'aimerais bien mettre en avant ce côté-là. Ah, du coup ma partenaire Ruby n'a pas pu encore venir parce qu'elle est toujours en vacances. Mais bon. en fait c'est moi, c'est ma deuxième personnalité depuis le départ. Donc si vous voulez rejoindre l'équipe, il vous suffit de laisser un post sur le comics à Montpellier, le groupe Facebook, ou sinon tout simplement nous envoyer un mail à comicsdiscovery, tout simplement @gmail.com, l'adresse mail du podcast. Donc voilà, c'était tout à peu près, et après on va commencer peut-être dire ce qu'il y a au programme. Peut-être on va faire 2-3 news, je vais faire 2-3 news, parce que j'ai préparé des news. Maxime, de quoi tu veux nous parler? Je vais vous parler de ce chef-d'œuvre qui est Batman The Killing Joke. Je crois que c'est la seule personne au monde qui n'aime pas Killing Joke. J'ai dit que c'était un chef-d'œuvre. Oui, mais tu ne le penses pas. C'était ironique. Je vois la tête ironique quand tu parles. Thomas, de quoi tu veux nous parler? Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Le Deuil de la Famille. A Death in the Family en VO. Off Family. Et comme vous l'avez pu constater avec les deux premiers titres, c'est un podcast thématique. Autour de Batman ou de Suicide Squad. Mathieu, de quoi tu veux nous parler? Moi, je suis la caution rebelle, donc pas de Batman, pas de Suicide Squad, non, je vais parler de Rumble. D'accord. Chez Image Comics. Et toi, James, quelle est ta review? Et moi, j'ai pas fait de review parce que j'ai fait des news. Et tu vois, ça prend tant de temps, donc voilà. Donc, on va commencer de suite. Après ces reviews, on va faire un petit point ciné. Normalement, c'était Gilles qui devait. Qui est la caution cinéma, je le rappelle. Qui devait être la caution quiz aussi. Et comme il n'est pas là, il n'y aura pas de quiz. Et après, on va faire un point ciné et on va couper parce que voilà. On a des shots de tequila à boire. Exactement. Et ça y est, ils sont partis, on est tout seul, c'est bon. On va partir dans les news et on va commencer. Mes news sont très ciné sauf la fin. On va parler beaucoup de ciné. J'espère que ça vous dérange pas. Est-ce que ça vous dérange pas? Moi, ça me dérange de le faire sans la caution ciné. On va choisir ces matchs. Je suis la caution ciné. Je veux l'être. Non, s'il te plaît. Chacun son tour. Toi, tu serais la caution prépubère. D'accord. Voilà. Bon. Tu veux être la caution Biectol et... On va parler d'un film qui va marcher, à mon avis, chez les prépubères, justement. C'est Gambit, pas de Simon Kinberg, mais c'est Simon Kinberg, le producteur de la Fox, d'à peu près tous la franchise X-Men, qui a parlé autour de son film Gambit. Est-ce que vous êtes hypé par ce film? Un tout petit peu, pas du tout. Moi, j'ai rien à dire. Shining Tatum. Ouais, ça a l'air d'être un film qui a des gros problèmes de production quand même. Il a été repoussé. Pas qu'il a été repoussé, en fait. Soi-disant, ils avaient écrit le scénario. Enfin, ils avaient écrit le scénario, mais en fait, pas du tout. Et Simon Kinberg rappelle que le film donc, qui était avec Channing Tatum, qui allait jouer le Frenchie. Rémi Lebeau. Ouais, voilà. Le plus Frenchie de Rémi Lebeau, c'est hyper cliché comme prénom français quand même. Ouais, mais c'est trop loin, ça. Non, mais par contre, moi je suis pas trop hypé par ce film parce que Channing Tatum a une tête d'enfant. Channing Tatum a vraiment. Taylor Switch, non, Taylor mais Switch. La version X-Men Origins c'était pour Av. Qui Taylor Kitsch? Bah. Qui jouait, Taylor non, mais. Oui, c'est Taylor Kitsch qui jouait. Gambit est en soi pas un personnage qui me. Moi j'aime bien Gambit. La caution X-Men, je pense que ça va être Maxime. Ça va être Mathieu. Caution, oui, présent, caution X-Men. C'est comme tout, c'est-à-dire que pourquoi pas, tu peux très bien avoir un film avec ambiance Bayou, ambiance Louisiane, un truc un peu nouveau, un peu que t'as pas vu. On va parler tout à l'heure dans Suicide Squad parce que c'est peut-être moi ce que je reproche justement au film. Si c'est pour se retrouver encore avec un truc mainstream et la tranche à Channing Tatum, j'ai rien contre. Hein, le gars peut être honnête. Mais s'il faut qu'ils arrivent, c'est comme tout, il faut qu'ils arrivent à trouver un angle. Il y a de quoi faire qu'Américain Rémi Lobo. Il y a quoi de faire un truc vraiment, ouais, vraiment coolos. D'ailleurs, t'as Belladone, t'as les clans des voleurs, t'as le clan des assassins. Tu peux avoir pas mal de trucs mystiques aussi. Il faut, voilà, c'est tout. C'est comme tout. Il faut qu'ils prennent des risques. Il faut qu'ils sortent un peu des sentiers battus. Problème, Kinberg, il a fait un peu tout et n'importe quoi, et souvent c'est pas trop hype, hein, donc ça, et puis effectivement le fait que c'est quand même pas une production super solide, moi je suis... Le film devait sortir en octobre déjà, mais en fait, voilà. Ils l'ont annoncé genre quand dès tous les sorties, ah au fait Gambit il est repoussé. En ouais, fait, puis ils n'ont pas écrit le scénario parce qu'ils disaient oui, Deadpool a mis 10 ans à être affûté au niveau du scénario pour sortir un truc avec un film aussi. Parce qu'il dit que son film Gambit aura un ton un peu à la Deadpool, un truc spécial et unique. Et apparemment, il dit qu'il va falloir un peu plus de temps à Gambit pour trouver son scénario et ce ton assez spécial et unique. Et c'est ce que je me demandais avec ce genre de déclaration, est-ce que ça voudrait dire que la Fox, en vue du carton qui a été Deadpool, parce qu'on est d'accord que même moi qui n'ai pas trop aimé le film, c'est quand même au niveau des trucs super-héroïques de cette année, c'est un des meilleurs trucs qu'on a eu, et ça a quand même cartonné. Mais disons que tu vois, s'il y avait un tableur Excel, genre il sera affolé, tu vois, en mode Deadpool. Et les succès assez mitigés du très très moyen X-Men Apocalypse, est-ce que la Fox se dit bon, bah c'est là-dedans qu'on doit aller, on doit prendre un truc. Moi je me dis, ça pourrait être cool que la Fox se dise. Bah, du coup, ça serait cool parce que chacun aurait une entité, tu vois. Warner, ça devrait être plutôt dark. Marvel, c'est Kikoulol, allez, c'est la foire à la saucisse. Et la Fox, tu vois, c'est des trucs un peu complètement à contre-pied, complètement barrés. Du coup, ouais, ça serait cool. Enfin, du coup, il y aurait une vraie concurrence, il y aurait un vrai. Ça serait bon pour tout le monde. Enfin, moi, si c'est ça, je signe. Ouais, moi aussi. Ouais, juste la caution droit aussi, est-ce qu'ils nous font pas les 4 Fantastiques avec le fait qu'on fait des films avec des franchises, sinon on perd les droits. Ça n'a pas marché, les 4 Fantastiques, ils vont pas le refaire. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, ils ont fait un film parce qu'ils étaient à la rue, que si jamais ils faisaient pas un film, ils allaient perdre les droits des 4 Fantastiques. Après, ils commencent à se rapprocher de Marvel, parce que du coup, tu vois, genre le deal de Sony, ça les a grave intéressés. Et tu vois, Legion, c'est canon, c'est dans le MCU, tu vois. Mmh. Et c'est produit par la Fox, et c'est produit par Kinberg. Enfin, pas par Kinberg, par l'autre, la pédophile, la. Singer. Du coup. Mais oui, moi je... Ouais, oui, il avait 2-3 soucis avec la justice. Donc, mais oui, moi je ma main a coupé que dans quelques années on avait X au cinéma, quoi. Et oui, du coup, tu vois, ils vendent les droits, ça leur coûte rien. Enfin, ils vendent les droits. Ils louent les droits, ça leur coûte rien. Le petite anecdote, on parlait tout à l'heure avec Mathieu devant la Game Taverne et il me disait ouais, ça se trouve dans 10 ans on aura le droit à Avengers versus Justice League ou un truc comme ça. Mais lorsque les actionnaires s'apercevront qu'il y a du public et ça fera du pognon, on aura tout ce qu'on veut. Mais c'est ce que je disais, mais ça n'a jamais été bien, même en comics, comment tu veux que ça soit bien. Ça a toujours été nul, mais bon, jusqu'à présent... Je ne sais pas s'il n'y a pas un problème de droit, à un moment donné. Il a dit qu'il y a du pognon à se faire, le droit, ouais. Et on peut s'arranger. Ouais, hein, ouais, écoute, mais du coup, qui tu fais gagner? Qui tu fais gagner? Ah ben personne, ouais, comme ça au moins tu voulais faire d'autres films. Et puis à la fin, t'as un méchant qui arrive. Je suis d'accord, pour une fois, je vais être d'accord avec Maxime. Cette idée de faire un truc un peu arty, un peu indépendant du reste et un peu lol, ce serait... Bah, je trouve que le ton de Deadpool est très proche des films Marvel en soi. Hein. C'est pas aussi trash que ça devait être. C'est un peu plus trash quand même. Trash, c'est plus un peu plus. Je trouve que Kick-Ass avait un côté bien plus indépendant que Deadpool, par exemple. Ouais, mais c'est pas la même chose. Ouais, mais c'est un peu le même ton qui veut se montrer. Je trouve pas, tu vois, autant de... Enfin, Kick-Ass, tu vois, je l'ai traversé et ça m'a rien fait, tu vois. Autant Deadpool, j'ai passé mes 2 heures. Ouais, je suis désolé, Chloé Moretz. Ouais, mais est-ce que Ryan Reynolds se fait enculer dans Deadpool? Dans Kick-Ass? Non, voilà. Ah, tu préfères entre les petites blondes et les deux... Bah, pour ce qu'il a fait à Green Lantern dans mon cœur, il mérite ça. Attends, on a changé de caution pédophile là ou quoi là? Parce que Chloé Moretz a plus mon âge que son âge. Hein. Ouais, mais moi je n'ai pas parlé de Chloé Moretz. C'est lui qui a parlé de Chloé Moretz. Ah, James. J'aime les blondes. Le fanboy de Spider-Man et Batgirl, c'est pas moi. Enfin bon, c'est pas grave. Du coup, Emma Stone. Caution acceptable. C'est vrai qu'Emma Stone, ça va. Et Jennifer Lawrence. Allez, on va toutes les faire là, c'est parti. Jennifer Lawrence, j'adore. Enfin, on à la base, Kat Johnson est. Surtout quand c'est quand ses photos on leak. Je ne saurais plus commenter. Il y a quelqu'un qui écoutera peut-être ce podcast. Et je ne peux Faye, on pense à toi. On sait que ça sera coupé au montage. Ouais, donc on s'en fout. On va passer à quelque chose d'autre, à une news un peu plus d'actualité. C'est peut-être que Warner Bros. Aurait dans ses projets un film Man of Steel 2, et peut-être que toute la, le planning DC Universe Extended allait, va être complètement chamboulé par ce, l'arrivée de ce Man of Steel 2, puisqu'à priori on, était, on est parti sur... Mais ils l'avaient annoncé déjà. Mais ils n'ont pas annoncé le film... Mais ils en avaient parlé à un moment. Oui, ils en avaient parlé, mais il n'était pas dans le calendrier officiel. Wonder Woman, Justice League, et après, direct après, pour capitaliser sur, sur Superman, qui va revenir dans Justice League, on est tous d'accord, un petit film Man of Steel 2 serait apparemment en production, selon certaines... Ouais, mais je sais pas s'il était prévu dans le calendrier de base, Il me semble, hein. Il n'était pas prévu, hein, ouais, prévu il me semble qu'il... Parce que du coup, dans le après, le calendrier était bizarre, hein, parce que du coup, là, dans le calendrier, il y avait un film qui s'appelait Flash Green Lantern. Ouais. À un moment, moi, je te dis, le calendrier, déjà, il n'était pas canon. C'est vrai. Donc, Je pense qu'on reparlera ce genre de ce genre non, de choses après quand on parlera du site. Non, mais c'est pas clair du tout leur calendrier. De ouais, il est pas clair. Ils ont. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est quand même pour Justice League, ils ont spoilé le retour de Superman vu qu'il est sur les affiches. Oui, le truc est carrément spoilé en fait. Et tout le monde savait. Oui, bah, tout, non, mais genre, savait, tout le monde le savait. Genre, c'est carrément spoilé. Au début, puis après, il va revenir. Bah, genre, tu vois, pour ma compagne qui n'y connaît rien et genre qui pense que Thor est encore dans les dans la Justice League, tu voyais. Donc c'est dire le niveau, c'est la caution grand public. Et genre à la fin elle me dit mais genre j'ai montré la bande annonce de et des trucs, elle me dit mais il est pas mort Superman. Elle était là en mode mais qu'est-ce qui se passe, on le voit pas dans la bande annonce, on le voit juste dans les... Non mais je lui ai montré le poster, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe, il se passe quoi là, pourquoi il est là. Et elle me dit mais c'est un autre monde, mais franchement ils font chier avec leur truc de timeline discontinue, franchement ils font chier, ça part comme Doctor Who là. Et donc du coup j'étais énervé, et donc je me dis si ça fait ça sur le grand public, ça va puer. Non, en vrai elle a servi à quoi finalement la mort de Superman dans BVS? Rien. Tout le monde savait que c'était... Bah, du coup Doomsday ne servait à rien, mais ouais, je te laisse parler. Oui, non, si, elle servait, si je me rappelle bien le film, à ce que Bruce Wayne prenne le flambeau derrière. Oui. Ah oui, qu'il arrête d'être un tueur psychotique. Voilà, ouais. Et après, pour revenir sur Man of Steel 2, c'est pas rassurant quand même. J'ai, vraiment, Warner, j'ai l'impression qu'ils sont en panique totale. Ils savent plus quoi faire. Ben, en même temps, BVS. Après, c'est leur film qui leur. Ouais, c'est leur. C'est leur. Je vais parler chiffres, mais c'est leur film qui a le plus gros taux retour sur investissement. Hein. Bah, visiblement, c'est ça. Bon, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de Suicide Squad, mais ça leur suffit on pas. On va enchaîner sur une autre news. Ça va, sinon ça va empiéter sur... Sinon on va faire Suicide Squad en premier. Ouais mais non, c'est pas ce que je voulais faire. C'était pas dans, dans le plan. Et j'aime qu'un plan se déroule sans accroc. Et vu qu'il y a beaucoup de lumière, je galère à lire mes fiches. On va parler un peu comics quand même. Et on va parler d'un truc qui pourrait être un peu triste. C'est le départ de J. Michael Straczynski des comics. Qu'il a dit qu'après bon et loyaux service. Ouais voilà. Une carrière assez longue dans le comics, et pas que dans le comics, puisqu'il a fait aussi du ciné, il a fait aussi de la télé, puisque c'est lui qui est à la tête de Sense8, une super... D'ailleurs, je vous la conseille, c'est une super série de Netflix, et aussi c'est lui qui a écrit le scénario de L'Échange, le film de Clint Eastwood, je crois. Juste une série télé, pas oublier Babylon 5, qui était peut-être un petit peu vieux maintenant, mais qui en termes de... C'est l'une des premières séries, moi, que j'ai vues, où il y avait des vraies saisons. Il y a 5 saisons de mémoire, il y a un début, il y a une fin... Les SFX sont un peu vieillis, mais c'est ultra bien construit, c'est vachement bien fait. Moi, je conseille si jamais personne l'a vu. Pour les gens qui ne connaîtraient pas Straczynski, c'est lui qui était, il a fait un run qui est vachement connu sur Spider-Man. Sur Spider-Man avec ce tâcheron de Romita Junior. Mais non, franchement, c'était excellent. Non, vraiment le. Ouais, c'est peut-être, je pense, le. Tu l'as, toi, non ? Moi, je l'ai. Il est sorti en icône chez Panini, c'est excellent. Ouais, c'est je pense que c'est peut-être un des meilleurs runs de Spider-Man. C'est le meilleur run de Spider-Man. Parce que du coup, ça part pas dans les délires. Ah, j'ai 8 clones. Mais c'est plus, tu vois, Peter Parker, c'est vraiment au quotidien. Il y a vraiment un volet Peter Parker et un volet Spider-Man. Et du coup, c'est. Et ça parle aussi de la mythologie de Spider-Man. En fait, il crée toute une mythologie autour de Spider-Man. Ouais, bon, ça, par contre, c'est un peu dispensable, tu vois. Et justement, il intègre le personnage de Morlum qui a été après repris par Dan Slott dans le Spider-Verse. Mais vraiment, il a fait un truc superbe sur Spider-Man. Il a fait aussi du Justice League et il a aussi du Creator Own. Il a travaillé sur Superman aussi. Ouais, et il a fait Rising Star aussi et Midnight Nation. C'est deux trucs qui ont été rachetés d'ailleurs pour faire une série. Mais du coup, il reste sur les séries par contre. Non, il va faire du théâtre et il va faire. Ok. Il va faire de la poésie. qui va lâcher, il lâche. Bientôt Spider-Man, la comédie musicale. Par dire Michael Straczynski. Ça va partir en mode Harry Potter. C'est un grand monsieur. Ouais. Même, oui. De quoi ? Ah oui, pardon. Et du coup, il suit. Saison 2 de Sense8, il n'y est plus. Il laisse les sœurs. Mais la saison 2 de Sense8 pue un peu parce qu'il y a une des deux sœurs Wachowski qui est partie déjà. Oui. Qui a dit I'm out. S'il n'y a plus Straz et qu'il n'y a plus l'une des deux sœurs, qui peut-être se retransforme. Ouais. Des sœurs Wachowski. Maintenant. C'était non, deux frères, deux maintenant, c'est... maintenant c'est deux sœurs. Lana c'est et Lily. C'est un sœur, une frère, après maintenant c'est deux sœurs. Alors c'est pas simple. Hein. Donc ouais. Ah oui, bon, mais si, il est peut-être pas sur la série. Regardez Sense8, c'est vrai. Tu l'as vu toi, Sense8 ? Non. Sense8, faut quand même passer les 6 premiers épisodes. Une fois que les persos sont en place. Il y a combien d'épisodes ? 9. Il faut accrocher les 6 premiers. Le 9ème, il est génial. Non, non, c'est vrai qu'au début, juste pour rappeler le. Pour rappeler le pitch, donc c'est quoi, 8 personnes qui sont connectées entre elles. Donc au début, effectivement, qui sont vraiment très différentes dans des mondes. Il y a un univers, vraiment, il faut arriver à comprendre l'univers tout ça. Après, visuellement, c'est Wachowski, c'est pas inintéressant. Ouais. Et puis Wachowski plus l'écriture de Strass derrière, ouais, moi je conseille aussi, mais ouais, ça prend son temps quand même. Par contre, ouais, fin de saison. C'est Wachowski, mais plus en mode Claude Atlas qu'en mode Speed Racer. Oui, qui comprendrait. On va passer à une autre news. C'est Aquaman qui a trouvé ses scénaristes au pluriel, puisque le film qui est de être réalisé par. Le grand et le beau James Wan, qui est un super acteur, un super réalisateur de films d'horreur. Qui a fait Saw 1, Insidious, qui a fait The Conjuring. Vraiment, Conjuring. Un des meilleurs. En fait, il a fait beaucoup de films d'horreur, du coup, ça va être. Il met tous ! Il met tous ! Non, mais je crois qu'il est très bon dans d'autres genres. Ouais, il est très bon dans d'autres genres, James Wan. Il a fait que ça, à part Fast and Furious, il a rien fait d'autre. Il a fait que des films d'horreur à part Fast and Furious, qui est bien à ce qui paraît. Du coup, on avait appris pendant la CDC que c'était Will Bill qui a travaillé sur le scénario. Mais il y avait Lord et Miller aussi qui avait fait un scénario pour Aquaman. Bah apparemment ça a été viré. Parce que c'est Will Bill. J'ai mis qu'il allait travailler et en fait j'ai pas noté le film sur lequel il a bossé. Donc c'est un mec qui a la bouteille apparemment et qui devait travailler sur le scénario. Et on a appris que James Wan et Geoff Johns, qui est maintenant président de DC Entertainment, donc Geoff Johns c'est un grand scénariste surtout DC. Mainstream hein, beaucoup. Ouais mais c'est super bien ce qu'il fait. Oui, enfin, voilà, j'adore vraiment ce mec. Et apparemment ils ont fait un pré-scénario sur lequel va devoir bosser. Donc il y a 40 pages de ce que doit être le film selon James Wan et Geoff Johns. Tout ça pour vous spoiler que le père de Aquaman s'appelle Thomas et que le père de Bruce Wayne s'appelle Thomas et que du coup ils vont s'engager. Ils vont se réserver. Non mais de toute façon les réalisateurs chez la Warner, j'ai l'impression qu'ils peuvent jamais aller au bout de ce qu'ils veulent faire finalement. Bah on sait pas, hein, peut-être que maintenant ils ont. On va en parler sur Suicide Squad aussi, mais sur ouais, Snyder, j'ai l'impression que. A priori, à faire ce qu'il veut. A priori. Il y a un gros cahier. On en parle après. Non, mais on peut parler sur BVS par exemple. Il y a un gros cahier des charges demandé par la Warner. On en parle après. S'il te plaît. Et du coup, qu'est-ce que j'avais noté ? Après, c'est des sorties VF. Donc, ça va être beaucoup de la sortie. J'essaie de faire un peu de comics parce que je trouve que quand je regarde mes news, au final, c'est beaucoup de cinéma. Et en fait. Mais après là, il y a trop rien, c'est l'été, hein. En sortie VF, il n'y a pas grand-chose à part septembre. Mais là, j'ai pris un peu des news d'un peu partout, je suis allé voir... Genre, c'est le mois où, tu vois, moi, Planète, il a pleuré. Hein. Genre d'habitude, je suis pour 110, 120, 130. Là, il m'a tout sorti mes trucs, il m'a dit 47. Il m'a regardé, tu vois, j'ai vu une larme. Et le mec était salé un peu, tu vois. Le mec m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais Laurent est en vacances. Ah oui, donc, bonnes vacances, Laurent. Ouais, bonne puis en plus, j'ai pris ma remise à 10 euros. Du coup, il était là en mode qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Donc, j'avais news. Je sais pas si vous connaissez Ghost World. C'est un petit truc très très connu au niveau de l'indé. C'est de Daniel Klaus. Et ça a été réédité début juin par un éditeur VF. Et apparemment, c'est vachement bien. Donc, vous avez de ça dispo si vous savez pas quoi lire. J'enchaîne avec Urban qui va rééditer en intégrale ce qu'on avait parlé dans le dernier podcast, un titre de Jason Aaron et de RM Gara, donc Scalp, qui va ressortir une édition complète intégrale qui ça va être des doubles volumes, donc pour 22,50 vous aurez le droit d'avoir Ils ressortent Green Lantern aussi. Ils ressortent Green Lantern. Tous les 10 tomes de Green Lantern ressortent en intégrale. Ça, c'est cool. Du coup ça c'est cool pour 22,50 J'ai une question. Urban est classé combien dans les éditeurs? Ça varie. Le tableur Excel. Alors, que... je parle de tête et je m'étais embrouillé avec le mec de Panini pour ça, mais dédicace à toi sur Twitter. Alors, il me semble qu'en part de marché, ils sont deuxième. Ouais. Et alors, le premier, c'est Delcourt, non? Non, le premier, c'est... Enfin, sur le comics, hein, on parle. Oui, sur le Walking Dead, je crois que c'est... Non, alors, en part de marché, c'est Panini en premier et c'est Delcourt en troisième. Et là, tout le truc change. Et en volume, donc en truc les plus vendus, c'est Delcourt, Panini, Urban. Ah ouais, quand même. Ah, parce que Delcourt, ils ont Walking Dead. Du ils coup, ont Walking ça... Dead, ça vend. Ça Walking tout Dead. Monde, tout le monde lit Walking Dead. C'est... Pourtant, c'est une chiffre. Non, le mec est un hater professionnel. Ah, mais moi, je veux. Est-ce que tu les échanges contre les. Est-ce que tu les échanges contre les 3 tomes de Batman et Robin plus mon Minuteman? On en parlera après. Donc ils ne sont plus à vendre. Oui, donc juste pour revenir sur Sculpt, ouais, c'est vraiment, vraiment très très bon. Moi j'ai lu le conseil, c'est glauque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le pitch, c'est du un... rêve, c'est du truc très très indé. C'est, hein. Ouais, c'était chez Vertigo, chez DC Comics. C'est un peu comme Witches? Non, c'est rien à voir. C'est beaucoup plus réaliste. C'est slice of life, comme on dirait. Ouais, c'est un ancien. On me l'a dit parce que je fais une petite dédicace. C'est un pitch. Donc, si tu nous écoutes, Wolf, je vais leur dire. Parce qu'il m'a dit ils font pas dire speech parce que speech et pitch, c'est pas la même chose. Donc, tu dois dire pitch. Pitch, ouais. Parce que speech, c'est un discours en fait. Un speech, ouais. On s'en bat les couilles. Oui, on s'en bat les couilles. C'est juste pour te faire chier en fait. Donc, le pitch. Alors, ouais. Le pitch, quel est le pitch? Le de pitch, le pitch donc ça. Oui, moi j'ai lu. Ouais, ça, j'ai lu le premier tome. Ça se passe dans une réserve indienne aux États-Unis de nos jours. Et en fait, c'est un ancien membre de la réserve indienne qui revient dans la réserve après des années d'absence, sous couvert d'être un membre du FBI. Mais le mec était en taule, il a accepté une mission pour infiltrer cette réserve qu'il connaît bien parce qu'il est né, qu'il a grandi, pour pouvoir faire tomber le chef de la réserve qui est un mafieux local. C'est pas son père, le chef de la réserve? Voilà, t'as spoilé le tome 1. On coupe au montage. et en fait, c'est très, très, très glauque. On voit vraiment la réserve est un personnage à lui-même, quoi. On voit bien les gens vivre. Il y a énormément de pauvreté, de drogue, d'alcool, de prostitution. C'est très, très, très sombre. Les personnages sont vraiment très, très bien écrits. Il n'y a pas un personnage qui est manichéen. Ils ont tous des défauts, des qualités. C'est très violent, mais... une violence crasse, vraiment, vraiment réaliste. C'est vraiment une grosse tranche de vie. Il doit y avoir peut-être 9 volumes en VO, en TPB. Alors là, s'ils en font 2, ça fait 5. Ouais, là, c'est en 2 ou en 3, je crois. Donc, ouais, donc c'est peut-être 4 ou 5. C'est vraiment une qualité constante. Jusqu'à il y a une vraie fin, en plus. Parce que des fois, dans les comics, on ne sait pas trop. Et là pour le coup, si on aime un peu si on aime l'ambiance, vraiment, vraiment, c'est anxiogène, pardon, que ça n'en peut plus. Mais après, c'est Jason Aaron, quoi. C'est un peu la caution de qualité de ces 5 dernières années. Ouais, moi j'aime bien Jason Aaron. J'aime bien les trucs un peu indés comme ça. Un peu... Non, mais j'ai lu que son mainstream à lui. Hein. Ouais, parce qu'en plus le dessin, c'est pas du tout cartoonier. C'est vraiment. RM Guerra, non, c'est réaliste. Tu parles pas dans ton micro, ça va. Hop, pardon. Donc, du coup, pour rappeler qui c'est Jason Aaron, pour situer un peu le truc, celui qui scénarise Star Wars, qui est sur Thor aussi. Et Wolverine. Sans Thor, c'est de la balle. Non, Thor c'est génial, Wolverine and X-Men j'ai pas du tout aimé, je sais pas pourquoi. Et Star Wars il est bien. Et Star Wars il est génial aussi, vraiment. Mais après c'est pas un truc de ouf non plus, ça révolutionne pas le comics, mais c'est. Après c'est ce que vous disiez dans le podcast précédent, que du coup c'est dans les. Ils restent dans les cordes, ils font pas des trucs des folies, et du coup Jason Aaron il est cantonné à ça, tu vois. Mais que c'est sur vraiment divertissant. Que moi, franchement, son Thor c'est un peu de la balle. Hein. Disney doit lui dire. Génial ça, Thor. Ça, il doit avoir des Thor c'est génial. Aussi. Son Thor, celui où il y a les dieux qui se font tuer un par un. Le truc avec Ezra Drabik. Les dessins étaient géniaux et le scénario, franchement, là, il était un peu révolutionnaire. Petite anecdote, Ezra Drabik, il y était. Il était à la Comic Con. Il était à la Comic Con et en fait, j'avais pris mon temps exprès et j'ai oublié de. Non, t'as pas pris ton temps. Il y a eu un moment où on est arrivé, il y avait deux queues. Il y avait Sarah fucking Pichelli. ou Isaac Rivik. Et on s'est regardé en mode c'est qui ce PD, et on est allé voir Sarah Pichelli. Non, on n'a pas dit ça, mais on a dit triste, non, mais on va voir Pichelli. Pour la petite histoire, on a eu la chance d'ailleurs, s'il nous écoute, je pense pas qu'il nous écoute, mais on remercie. Non, je pense pas qu'il nous écoute. On remercie Roméo Carroz pour qui est un des staffs de la Comic Gun qui bosse avec, si vous connaissez pas, d'ailleurs, petite pub pour. James Rounder de Comic Talk, qui est un super site. Je crois que c'est le meilleur site sur. C'est pas de l'actu, mais il parle de. Le mec est vraiment bon. Enfin, ses dossiers sont géniaux. Moi, je trouve vraiment qu'il a. C'est fouillé. Il y a vraiment un talent d'écriture et tout. Enfin, allez sur Comic Talk, c'est vraiment génial. Et donc, cette personne bosse aussi sur Comic Talk. Et on a eu le droit d'avoir des passes pour entrer à la Comic Con. Et comme quand on a un passe presse, on peut rentrer avant. On est arrivé avant tout le monde le matin et il y avait la file de tous les gens, de tous les gens qui attendaient pour les dédicaces. Et Sarah Pichelli faisait combien Sarah Pichelli faisait. Alors, faisait 20 en tout, 20 dessins en tout sur tout le week-end. Donc 10 le samedi et 10 le dimanche. Et on a eu la chance d'avoir les deux premiers. Et puis elle m'a trash talk. Vous voulez l'anecdote? Et moi, elle m'a regardé comment pas vas-y. Alors, du coup, je lui dis. Alors, du coup, je lui dis, ah machin, je veux une Spider Gwen. Donc, elle me dit, ah putain, c'est trop cool, c'est pas une Spider Gwen et tout. Donc, elle me la dessine et tout. Oui, c'est vrai, je suis là en mode, putain, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Vous avez son speed drawing sur. Et c'est trop beau. Et du coup, j'étais là, mais genre pendant les 10 minutes où elle dessine, je suis là, mais putain, c'est trop beau. En plus, on lui a pas parlé, on a pas osé lui parler tellement. Ouais, et du coup, la meuf, elle en imposte, tu vois. Et à la fin, tu vois, elle me dit, bon, je le mets à quel nom? Et elle me dit Maxime, alors tu vois, je lui dis en anglais M-A-X. Et elle me dit, ah, avec un I, mais je pensais que c'était pour les filles, ça. Et du coup, je me suis fait rire, tu sais. Non. Et moi, j'arrive juste derrière, donc déjà, elle venait de lui. J'arrive juste derrière, je fais bonjour, je voudrais un Star-Lord. Et avec un accent, enfin, je parle pas bien anglais et tout. I want a Star-Lord. Et j'ai celui des films, s'il vous plaît. Et lui, pas le vôtre, celui des films. J'ai pas dit que ça. Quand j'ai demandé celui des films, elle avait les yeux sur ce qu'elle était en train de. Enfin, sur. Elle était en train de ranger des papiers et tout. Quand j'ai dit celui des films, elle a regardé, elle a monté les yeux comme ça, elle m'a regardé en mode, t'es vraiment un gros con. Mais en tout cas, elle m'a fait un super dessin. Mais dédicace au gars qui était derrière nous qui a demandé. Une Léa. Non, il a demandé. Si, il avait demandé une Léa. Non, il a pas demandé une Léa. Il a demandé une Ahsoka Tano. T'es sûr? Ah, c'est lui qui est fan d'Ahsoka Tano. Oui, c'est lui. D'accord. Est-ce qu'il y a des fans d'Ahsoka Tano? Ben, il y avait ce gars. Il y avait ce gars, il est allé voir sa réplique. Il a dit bonjour, je veux une Ahsoka Tano. Ouais. Et du coup, tu vois, en plus, il a cherché son téléphone, l'image, il lui a montré. Ah, mais c'est pas celui qui est venu nous voir après? Si, c'est celui qui est venu nous voir après. Parce que celui qui est venu nous voir après, tu dois te confondre. Non, c'est toi qui confonds. Bon, il va montrer de Léa. C'est pas grave, on s'en fout. Et peut-être juste pour finir sur Jason Aaron, si jamais vous lisez Scalp et que vous aimez. Non, le mec est tellement sérieux business. Le fil rouge, quoi. Putain, on récupère un peu là. On s'en fout dans un anecdote pourri, quoi. Merci. Non, voilà, si jamais vous lisez Scalp et que vous aimez ce qu'il fait en indé, donc ce qui sort, il y a Southern Bastard qui a été primé par les Eisner Awards. Hop, rappel du podcast du coup d'avant. Avec, ce mec est la caution corporate du podcast. On est surveillé avec Jason Latour au dessin et The Good Dame avec le même RM Guerra qui sort chez Image, que j'ai pas encore lu mais qui a l'air assez barré aussi. Quoi. Ok, c'est cool. Et on va rester sur les Urban qui réédite des trucs super cool on va vous parler de Urban qui réédite, en fait qui avait repris une édition qui a été un peu bizarre, surtout au niveau de la VF, c'est 100 Bullets parce que au début c'était Semic qui avait le truc, donc ça avait commencé à être édité par Semic. Après Panini a repris le truc, donc ils ont édité la suite. Et après Urban a racheté la licence et du coup malheureusement c'était en plein milieu de la... Panini n'avait pas fini son édition, donc Urban a eu l'intelligence de garder le même format pour faire la suite. Tu étais à cette édition-là, toi, non? Non, moi j'ai le TPBVO. Ah, ok. Apparemment... Le mec t'a recte. Exactement. Voilà. Urban va rééditer... Moi je suis à la source, moi, tu vois. Exactement, tu as raison. Urban va rééditer ce super comics de Azzarello et de Edoardo Risso qu'il faut avoir lu, parce que j'ai eu la chance de lire les premiers, c'est vraiment ouf. Donc je pense que je vais acheter cette édition. Donc, une nouvelle édition, je trouve ça cool. Quoi. Ouais, c'est d'Urban de ressortir. Pour le pitch, rapidos, ouais, c'est, bon, c'est pas forcément super simple à expliquer. Ça, c'est dans le milieu de la mafia. Il y a un ancien homme de main très très mystérieux au début qui offre une arme avec 100 balles, 100 bullets, et à des gens quasiment des inconnus, en fait, en disant, voilà, cette arme et ces 100 balles ne sont pas tracées. Tu fais ce que tu veux avec, tu peux tuer qui tu veux, tu peux faire absolument ce que tu veux, jamais la justice ne t'embêtera. Et donc, dans les premiers numéros, tu tombes sur des mecs lambda qui ont en général des griefs contre un tel, un tel, un tel. C'est du, bah voilà, c'est du one shot. Ouais, au début, c'est du one shot. Et petit à petit, il comble son univers. Tu revois des anciens. Voilà, les personnages reviennent. Tu t'aperçois que ce mec-là est beaucoup plus un plan sur le long terme qui est beaucoup plus creusé que juste filer un flingue et des balles à des mecs dans la rue pour qu'ils désinguent le voisin d'à côté. Et ça part dans un fil rouge de toute la deuxième partie qui est vraiment, vraiment prenant. C'est très, très bien écrit. C'est du, ouais, c'est une espèce de thriller. Azzarello, ouais, c'est quand même bien ficelé. Il faut s'accrocher quand même. Hein, si, voilà, c'est pas le machin à lire un tome tous les ans, s'il y a moyen, si je sais pas combien. Il y a 100 numéros. Ouais, je crois, à peu près, il y a 100 numéros. Donc, par contre, ouais, c'est quand même solide. Il y a une fin qui a été plus ou moins appréciée, mais encore une fois, il y a une vraie, vraie fin. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment costaud dans le genre, tentaculaire. Là aussi, assez glauque, assez sombre. C'est vraiment bien. En plus, Risso, c'est super beau. Quand même. Risso, c'est magnifique quoi, en plus. Je pense que même ça te plairait à toi qui aimes les trucs un peu mainstream, un peu lisses. Je pense que ça te plairait. Même si mais il m'a hypé, tu vois, avec son. Ouais. Tu vois, ce mec, c'est vendre des comics, tu vois. Contrairement à moi, c'est ça que je fais. C'est la caution part de la caution part de marché. Parce que tu vois, lui, il aurait dit. Toi, tu aurais dit. Mais tu vois, alors là, à la fin, il tue sa mère. Bim. Fin du truc. Du coup, le lisez pas. Non, c'est pas vrai. Du coup, j'en étais où dans mes sorties? Est-ce que ça a un peu hypé, toi? Non, ouais, moi, ça m'a hypé. Ça m'a bien donné. Et ça va sortir chez Urban, du coup. Ouais. Mais c'est déjà sur Urban, il y a plein de tomes. Ouais, mais il n'y a pas le début en fait, parce que tu dois acheter le début chez Panini. Et en fait, Urban a sorti là. Tout est lié, c'est les Illuminati qui ont fait ça, non? Ça pue le caca, acheter ça en deux éditions. Il y a une version qui est cartonnée normale, comme les éditions de Panini. Et de Urban, ouais. Excusez-moi. Et comme Panini avait sorti tout un bout avec une édition souple, ils ont ressorti à côté en même temps les éditions souples pour que les gens qui avaient le truc chez Panini qui n'était pas fini, malheureusement, parce que le comics n'était pas fini à l'époque. Du coup, ils aient dans leur bibliothèque, ils aient tous le même truc. Ça, c'est cool. Je trouve que c'est cool de la part de. Bon, du coup, il y a tout chez Urban aussi. Il y a une certaine histoire. Il y en a plein qui sont épuisés. Tu peux pas tout avoir. Et là, ils ressortent tout en version intégrale. En version cool. En tout cas, ça a l'air pas mal. Oui, ça vaut un peu du rêve. On va parler un peu de Valiant parce que je vous en avais parlé au premier numéro. C'est le moment où j'éteins mon micro. Exactement. Alors, donc moi je vous parlais après The Valiant et Bloodshot Reborn qui étaient vraiment cool, dont je vous ai parlé dans le premier numéro. et après Quantum et Woody qui sont sortis après. En septembre, vous allez pouvoir retrouver Ninjak, donc un personnage que vous aviez, qu'on a vu dans The Valiant. Et t'as oublié de dire que il y a Divinity qui est sorti. Tu ne sais pas celui que tu t'avais hypé. C'est celui qui m'a hypé, puis je l'ai ouvert à la planète et ça m'est tombé des mains. Ah ouais? Les dessins. C'est... Ce mec a un problème avec. Il n'arrive pas à faire abstraction du dessin. Enfin bon, c'est pas grave. C'est un. Sous Libermero. Mais qu'est-ce que tu as avec Libermero? Viens, on s'explique maintenant. Libermero est très bon. Batman a le Joker. Spider-Man a le bouffon vert. Moi j'ai Libermero. Il lui a dit. Il est allé à la place. Ouais, bien sûr, bah oui. En tout cas, Ninjak qui a l'air très très cool. Donc c'est scénarisé par Matt Kind. Et au dessin, vous avez Clayman. Et c'est le premier tome qui arrive le 8 septembre. Donc vous pouvez lire ça a l'air très très cool. Et il y a Divinity qui avait été repoussé à cause du succès des trucs. Parce qu'ils ont dû rééditer leurs anciens titres. Et du coup, vous pouvez avoir Divinity qui est sorti, je crois, fin juin, je crois. Et après, j'avais un autre truc. C'est Mark Millar qui va publier. C'est Panini qui va publier deux titres de Mark Millar, dont un qui me hype pas du tout, parce que déjà, je n'aime pas du tout Mark Millar en fait. Putain, vraiment un hater, c'est. Non, mais Mark Millar, ce mec fait que de la provoque gratuite. Bon, enchaîne, on s'en fout. On peut débattre là-dessus. Donc, ils vont sortir Starlight, c'est une espèce de version moderne de Flash Gordon, avec Goran Palov au dessin. Le fameux, oui, qu'on connaît, on s'en bat les couilles. Je suis désolé pour Grand Parlov. Tu les écoutes, on t'aime bien quand même. Et un autre truc qui me hype un peu par contre, mais qui me hype pour une seule chose. Vous êtes vilain avec Parlov, il a fait du Punisher et du Ghost Rider qui était cool. Ok, mais en fait je connais pas du tout ce mec. Je pensais que t'allais parler de Reborn. De quoi, de Reborn? Bah avec Mark Millar et Capullo. Non, pas du tout. Il sort quelque chose. Ah, excuse-moi, ça sort chez qui ça? Mais ça va sortir chez Panini, je pense. Oui, c'est VO pour l'instant. Pour l'instant, c'est VO, mais. Moi, je parle de titre annoncé par Panini. Comme quoi bah, ils vont l'annoncer dans 3 mois, c'est pareil. Bah oui, mais... Faut être un peu à la page, mec. Soit dans le futur, un peu. Bon, dans le podcast 6, on parlera de Reborn qui sort chez Panini. C'est directement aussi, ça. Donc, Chrononaut avec Sean fucking Murphy. Je l'ai écrit tellement ce mec est un, et un fucking Murphy. Je l'ai écrit sur mon fil rouge. Ses coups sont ouf. Les coups sont méga belles de ouais. Chrononaut. Mais apparemment, il y a beaucoup de voitures. Mais c'est mon problème avec Sean Murphy, c'est que le mec dessine que des motos. Ou ouais. Des voitures. Mais ces motos sont super belles. Ouais, elles sont super belles, mais t'en as vu une, tu les as toutes vues, quoi. Celle dans Tokyo Ghost, justement, comme disait Mathieu. Moi, j'ai pas trop aimé que Tokyo Ghost. Bon, ouais, mais la Batmobile de Sean Murphy. Ah mais est-ce que vous avez vu qu'à la PCE il y avait des planches originales de oui. Sean Murphy, c'était oui. Trop beau. Et ça coûte approximativement une maison et deux voitures. Oui non mais c'est vrai. Le truc, la planche, je sais pas si vous avez vu celle qu'il avait fait pour Batman contre Superman, il y en avait fait une qui coûtait 15 000 balles à peu près. Je fais ok, mais en même temps c'est tellement beau. C'est hyper beau. Pro tip, il y en a un qui est pas trop cher, c'est Alex Maliv qui a fait pas mal de Daredevil. C'est pas très très cher. Alors, si vous voulez ça parler, coûte que 500 000 balles. Si vous voulez parler commissions et planches originales, il faut parler avec Maxime. Le mec connaît tous les bails. Voilà, si vous voulez faire un placement dans des planches originales, rémunérées à 2% à peu près, je suis votre homme. Bon, moi j'ai fini mes news, je vous ai parlé un peu de toutes les sorties. Comme il l'a dit, on en était, il n'y a pas grand chose. Il y avait vraiment beaucoup des beaucoup de news cinéma et beaucoup de tours. Ce mois-ci, il y a le Flash qui est sorti. Et après, ça reprend en septembre avec Star Wars, Obi-Wan, Anakin. Et... Ouais, et Obi-Wan et Anakin, il y a beaucoup de trucs, mais autour de Suicide Squad, et comme on va en parler après, bah, je sais pas, c'est intéressant d'en parler en news. Donc, et puis, c'est pas intéressant à lire. Oui, quand tu vois la 50e mini news, c'est Jared Leto qui dit « Oh, on m'a coupé le truc !» Ah, et t'as pas parlé du truc que je t'ai envoyé ce matin? Bah oui, j'ai pas regardé. Je regarde plus que tu m'en veux. Ah, merci, ça me fait plaisir. De l'interview, l'interview de Jesse Eisenberg. Oui, vous écoutez ou vous êtes dans votre conversation à vous? On faisait une conversation sur Marco Cecchetto. Marco Cecchetto. Marco Cecchetto. C'est un italien. Bah tiens, je vais en parler du truc. Il m'a envoyé ce matin une petite image d'une interview de Jesse Eisenberg à qui on demandait est-ce que vous pouvez nous expliquer la scène. Pourquoi tu joues comme Heath Ledger alors que t'as pas le talent pour. Non, est-ce que vous pouvez nous expliquer la scène post-générique de BS? Alors, avant que tu continues, c'est surréaliste. Mettez-vous dans une ambiance où c'est surréaliste. Ouais. Le mec, il était en mode ah non, je sais pas, j'ai joué devant un fond vert et on m'a même pas dit ce qu'il y avait. D'ailleurs. Et le mec, il dit mais tu l'as vu? Mais parce que elle est bien au moins, j'ai bien joué, ça va? Parce qu'il dit, moi je l'ai jamais vu. Hein. Le mec s'en bat les couilles. Le mec d'ailleurs dit, ils étaient même pas sûrs de ce qu'ils voulaient mettre, je crois. Ils allaient changer. Ou C'est dire le niveau Marvel, le niveau Warner. Non mais moi après, moi. Bah, c'est avec quand il est là et qu'il y a Steppenwolf qui arrive. Ouais, voilà. Il y a Alors, Mathieu a dit hors champ et hors micro. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette scène? Et donc, en fait, il y a. Mais c'est quoi dans la version longue? Et ben du coup, c'est Luthor et il y a Steppenwolf qui arrive. En fait, t'as Luthor, il y a Steppenwolf. C'est pas le truc avec Batman, du coup. Il non. Okay. Tu sais, quand il est dans le. Quand il démonte les Mother Box. Il démonte les Mother dans le vaisseau. Et du coup, le mec, il l'a. Mais. Ah, il y a quoi dans cette scène? Tu l'as vu? Elle est bien? C'est dire. Il était quand même dans l'eau, non? Ça doit être dans. Ouais. Non mais il fait des fonds verts mais même dans l'eau. Après j'aime bien cet acteur mais je l'ai pas du tout aimé dans BVS. J'ai regardé, enfin complètement hors sujet, je suis allé voir Insaisissable 2 hier, n'allez pas le voir. Allez avance, j'avais pas aimé. Avance, hein, on coupe. Allez on avance. Allez. Conduis le hype train du podcast. On passe aux reviews. On va passer à la première review où on va essayer de trash talk un peu Thomas qui va parler de. C'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Ok. Donc moi je vais vous parler de Le Deuil de la Famille sorti chez Urban Comics, donc qui est scénarisé par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo. Non, par Greg fucking Capullo. C'est vrai que c'est un dessinateur de ouf. Du coup c'est dans le run de Scott Snyder. Mais pas Capullo qui veut. En gros après la cour des hiboux, qui a un très gros run de Batman qui est déjà un classique maintenant et qui reconnaît Scott Snyder comme un putain de scénariste de Batman. Bon tout le monde n'est pas d'accord là-dessus mais... Moi, en tout cas, oui. Ceux qui reconnaissent pas sont des connards. Alors, si vous n'aimez pas Snyder et Capullo, dites-nous où vous habitez, on arrive. Et donc, du coup, après, il s'est attaqué au retour du Joker qui avait disparu depuis un an. Et donc, du coup, oui, on l'avait pas vu dans tout le... Ouais, on l'avait pas vu depuis super longtemps, le Joker. Et c'est donc Scott Snyder qui s'en occupe de faire revenir le Joker dans une version beaucoup plus hardcore et dégueulasse. Et du coup, le Joker, le pitch, c'est que le Joker a disparu depuis un an et il refait surface et il compte s'attaquer à la Bat Family. Et du coup, le deuil de la famille fait référence à un deuil de la famille de lorsque... Lorsque c'était comment, Jason Todd qui ouais, crève Todd. Par le Joker. En fait, c'est la mort de Jason Todd et l'arrivée de Tim Drake. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, au scénario, on a Scott Snyder. Donc, Scott Snyder a travaillé sur American Vampire. Enfin, je trouve que c'est pas mal, American Vampire. Oui, c'est cool. C'est cool. Est-ce que tu l'as lu avant de dire ça? Oui, j'ai lu le tome 1. Mais je trouvais ça pas mal. Non, c'est vraiment cool. Après, il a travaillé sur Witches et Swamp Thing que j'ai pas lu. Mais... C'est bien. La critique est bonne en tout cas. Voilà. Witchy, c'est pas mal, il faut adhérer quand même. Les dessins de Joke. De Joke sont. Ouais. Et donc après, Greg Capullo qui a travaillé du coup sur Spawn, mais moi j'ai lu que. Je l'ai lu que sur Batman. Il aurait pas fait Haunted aussi? The Haunted? Si, bah oui, exactement, je voulais en parler c'est juste pas après. Son créateur Haunted en plus. Moi j'aime pas trop les petites, enfin je trouve ça un peu... Et du coup il va travailler avec Mark Millar comme on l'a dit sur... Enfin il travaille avec Mark Millar en ce moment. Ouais parce qu'il a quitté Batman depuis... Ouais. Il a fait ça, quoi, ça fait 5 ans qu'il était sur... Oui il a tryhard sur Batman comme pas possible quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Batman, c'est du coup en premier lieu les dessins. Dessins sont oufissimes. C'est comme dire que le ciel est bleu quoi. Exactement. Ouais, vraiment c'est ouf. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le Joker. Cette version du Joker est vraiment excellente. Elle est beaucoup plus torturée et j'apprécie beaucoup les dialogues entre le Joker et Batman, qui essaient d'approfondir un peu plus la psychologie du Joker. On en apprend un peu plus et il y a vraiment des vrais dialogues qui sont intéressants. Au moment où il revient, c'est tellement ouf en mode. Ah oui, c'est. Il fait vraiment flipper. Le Joker fait flipper vraiment quand il s'attaque. Dans l'une des premières scènes où il s'attaque au commissariat, le Joker a un truc beaucoup plus flippant et c'est terrorisant. Pas là où il y a tout le commissariat qui est dans le noir et on entend. Si, oui, c'est ça. Ouais. Et il terrorise James Gordon et Scott Snyder approfondit la psychologie autant de James Gordon que de Batman et du Joker. Et, c'est... et du coup, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Greg Capullo a fait quelques références à d'autres comics de Batman. Enfin, par exemple, il y a une scène où Batman se rend à Arkham Asylum et du coup, on a une petite référence à la couverture de... Je sais plus qui c'est qui avait fait la couverture. Enfin, le dessinateur de Arkham Asylum, justement. Et genre, du coup, tu vois Arkham avec Batman qui rentre. Même dans... c'est pas dans... Putain, merde. C'est dans Year One où il refait la couve du premier de Detective Comics. C'est possible. Il y a même des références à The Dark Knight Returns où il y a justement il est dans l'asile d'Arkham, Batman, et il a un cheval à un moment. Ça m'a... Enfin, il y a plein de petites références comme ça que j'ai bien kiffé. Bon, après, pour en venir au petit point faible de ce comics, c'est que beaucoup lui ont reproché de ne pas avoir beaucoup de répercussions finalement. Sans spoiler, ouais. Du coup, c'est des arguments qui sont valables. Genre quand tu le lisais en single VO, tu vois. Ouais. Genre. Tu vois, si tu fais vraiment l'ordre de lecture chronologique, c'est-à-dire que tu fais Year Zero Year, La Cour des Hiboux, et après tu fais Death in the Family et Endgame, mais le truc, ça t'explose l'esprit. Honnêtement, parce que du coup, t'es là en mode... J'ai toujours pas lu Endgame. Mais, du coup, tu lis mais... ça et ça, mais en fait, tu vois le juste après Death in the Family, il revient en arrière. Oui, ouais, c'est Zero Year. Après, ça arrive à Zero Year et après... T'as pas de conséquence. Et du coup, tu vois, tu te dis, ah, mais vas-y, il a fait son PD et tout, là. C'est et puis... Endgame qui a la conséquence. En fait. Et oui, et après, et tu lis Endgame, mais ton cerveau, il fond. Ça coûte. C'est juste que j'ai pas les moyens financiers en ce moment, mais je vais lire Endgame. Moi, je les ai fait en single, de mémoire, pas très loin, en même temps, éditorialement parlant, t'avais Batman Eternal qui est sorti. Oui, il y avait Batman Eternal en même temps. Moi, Eternal, c'est le problème, c'est que ça sortait toutes les semaines. Quoi. Ce qui m'a... Du coup, si tu veux, ils font des numéros pour faire du numéro, tu vois. Oui, après, moi, je l'ai vu, Eternal, Mais pour le coup, c'est ce que je regarde vraiment dans le run de Snyder, c'est qu'ils n'ont vraiment pas pris ça comme la pierre angulaire du de l'univers. Et derrière, tu fais tes séries plus ou moins annexes. Tu peux faire des trucs en annexe avec ça. Quoi. Et c'est peut-être en ça que les mecs ont fait. Moi, ce qui m'a vraiment déçu dans le deuil de la famille, c'est plus qu'ils n'aient pas eu les couilles de... Enfin, on nous menace depuis le départ qu'Alfred va peut-être mourir et qu'ils n'ont pas eu les couilles de le tuer ou tuer au moins un des membres de la famille. Et je trouve que ça aurait un peu mieux porté son titre. Ça sert à quoi de tuer un personnage pour tu sais qu'il va revenir, quoi. Tuer un personnage Je sais pas. Non, mais après, c'est, tout le monde attendait des grosses répercussions, une mort d'un personnage. En fait, la grosse répercussion, elle est dans Endgame. Tu vois, du coup, tu m'as teasé une game comme pas possible. Je veux pas survendre une game, tu vois, je lisais les critiques au fur et à mesure, et le mec dit putain, c'est pas génial, on sait pas où il va, il nous fait des trucs, et puis il les oublie. Et genre, après, quand tu le relis, tu vois, dans l'ordre où lui a la pensée, c'est-à-dire Zero Year, la cour des hiboux, Endgame, et du coup, Destiny Family et Endgame, mais. Peut-être que ça aurait été. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'est super construit. Sur les critiques, moi j'ai cru comprendre à un moment donné qu'il y a pas mal de personnes qui, curieusement, n'avaient pas bien compris le titre du run, qui en anglais est Death of the Family, la mort de la famille, et qui attendait un. Une mort de. Ouais, c'est. Ouais, mais c'était une référence au titre quand même. C'était... Après, si tu lis toutes les séries du Batverse, ça sort en même temps que le Batman et Robin Requiem. Et là, tu la sens, la mort de la famille. Ou Batman, genre, dans Batman et Robin, ils sont tous là, ils viennent, ils lui font allez, Batman, allez, viens, quand machin est mort. Ouais, voilà, et quand du coup, ils sont là hey, allez, viens, on est des poteaux et tout. Batman and Robin. Ouais, faut que tu les lises conjointement. Ouais, après, j'aimerais d'abord lire le run de Grant Morrison avant de lire ça, en fait. Non, mais oublie le tour de Grant Morrison. Grant Morrison, c'est chaud. C'est chaud, et puis t'as 17 titres. 17 titres fois 17, tu vas lisser des plumes, tu vois. Thomas Hickson, ouais. C'est génial. Thomas Hickson, ok. Je suis les conseils comics de James et Maxime. Je le redire. C'est le seul comics qui m'a fait pleurer. Et pour de vrai, je lisais mon truc et j'avais les larmes qui coulaient. Bon, si t'as des couilles, tu rigoles, tu vois. Si t'as des couilles. En fait, t'as je spoil un tout petit peu, mais les gens savent que Damian Wayne meurt. Oui, Damian Wayne meurt. Et en fait, t'as les conséquences de Batman Inc. Donc quand Damian Wayne les conséquences quand Damian Wayne meurt. Dans Batman et Robin, et t'as tout un épisode de Batman et Robin qui est muet, où tu vois Batman qui essaye de faire face à la mort de son fils et qui arrive pas à faire face à la mort de son fils, et c'est super émouvant. Et là, tu m'as donné envie de chialer, là, vraiment. Et franchement, l'épisode est muet juste à la fin où il prend le costume de son. Du coup, c'est bien, c'est que tu le lis en 2 secondes. Les pages. Il prend le costume de son fils et qui se met à pleurer, et c'est ouf. Bon, du coup, ça m'a bien teasé le truc. J'ai bien envie de lire. Il y a les 3 tomes de... Non, mais je préfère me les acheter moi-même. J'aime bien avoir bien dans ma bibliothèque et les voir. Et être fier de les avoir, tu vois. Pour les Walking Dead. Du coup, j'aimerais revenir sur un autre point faible, qui est pas, enfin, un tout petit truc que j'ai relevé et que d'autres fans ont relevé. C'est un moment, le Batman se fait prendre par le Joker sur un pont. Il se fait attacher comme ça et il a ses gants, et puis la minute d'après, il a plus ses gants, ou un truc du genre, un truc assez bizarre dans les dessins de Capullo. Ouais, un faux raccord dans les dessins, ce qui était plutôt chelou. Bah, après, c'est vraiment une petite incohérence de merde, tu vois. Mais après, tu lis c'est au montage. mais je trouve que parfois, chez Capullo, ça m'est déjà arrivé sur que. Non, ça m'est déjà arrivé que sur des. Sur Scott Snyder, faut vraiment regarder tous les dessins en détail, parce qu'il y a des trucs que parfois on peut rater. Non, mais des fois, il y a des trucs qui s'enchaînent un peu mal. Par exemple, genre à un moment, je viens de le relire à l'instant, tu vois. Du coup, il y a un moment où il y a des Batman et des Joker qui dansent ensemble. J'explique pas pourquoi. Et en gros, ils sont dans de l'eau et ils risquent de se faire c'est compliqué à dire. Et Batman. Électrocuté. Et Batman lance un truc pour absorber l'eau, mais genre, tu le vois même pas. Tu le vois même pas balancer les trucs. Et du coup, c'était un peu bizarre. Enfin, il y a des cassures de rythme, des fois, chez Capullo, bien qu'après son style soit vraiment énorme. Tu sais combien ça coûte une case de Capullo? Bon, et maintenant je vais aller faire un petit pipi parce que. D'accord, ce serait. Ah, parce qu'il a bu une bière et qu'il voilà, en peut il plus. Il a bu deux tiers de bière et puis. Puis si jamais tu veux la revoir, ta bière, tu ferais mieux de la prendre. Hein, parce que... Alors, on a fait une petite pause et on revient. On a fait une petite pause stripteaseuse et blackjack. Ouais. L'after a commencé. En fait, il est 5h du matin. On a dormi ici. Et dimanche, il est dimanche en plus. On est le troisième jour. Justice League sort demain, on y va. Bon, donc on vient de finir la, bah attends. La review. Thomas, tu as des poils qui ont poussé? Ah, oh mais comment je m'en prends plein la gueule. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas non plus de réseau, donc on sait pas, on n'a pas de contact du monde extérieur. Écoute, je suis fier de repeupler l'espèce avec vous les gars. Bah bon, si tu m'entends. C'est quoi le pire entre ça et... Bon, du coup. Donc Thomas vient de finir sa review, si on peut appeler ça une review. C'était la meilleure de toutes. Non, c'est rien. Et on va passer à Maxime qui voulait nous parler de Killing Joke. Vas-y, parle-nous de Killing Joke. Alors, tu m'excuseras, Mathieu, parce que tu es pour James un des gardiens du temple. Mais je vais chier sur toi et ta confrérie. Parce que. Non, les gardiens du temple. Tu viens de te faire insulter là. Mais c'est quoi les gardiens du temple? Alors, James, explique-nous ce qu'est un gardien ouais, du temple. Ouais, pardon, là, j'ai pas suivi. En fait, la dernière fois, je discutais avec. Avec moi. Avec lui, et c'était la fou. Je t'avais proposé de partir au podcast, et tu m'avais dit oui. Et du coup, j'ai dit ah ouais, c'est trop bien, on va avoir Mathieu. C'est bien d'avoir quelqu'un qui a lu. Non, tu as dit c'est bien d'avoir un gardien du temple. Non, j'ai pas dit un gardien du temple. Si, non, c'est toi qui l'as dit. Si, c'est toi qui l'as dit. La pire insulte que j'ai jamais entendue de ma vie. J'ai jamais utilisé cette. C'est pas vrai. Je disais que tu es quelqu'un qui a lu beaucoup de comics. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc tu es. Tu as une culture comics. Parce que je pense que moi et Maxime. Oui, je suis vieux, c'est ça. Qui avons commencé les comics il y a. À peu près en même temps. Juste avec les New 52, on n'a pas cette. Ah, mais j'ai commencé à lire des comics en 1992, monsieur. Et voilà. Quel mois, s'il te plaît? Donc lui, Avril, il faisait beau, c'était cool. 3 mois après, je naissais. Bon, tu vas mourir de suite. Et donc, ce qu'il a. Non, toi, ta gueule, le petit jeune. Oui, non, t'en. On est toi, putain de merde. Pardon. C'est bien, on peut crier, tu vois. J'aurais pas pu crier d'habitude. Oui, il y a personne. Et donc, du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que Maxime, quand je lui ai dit ça, m'a dit « Oh putain, ça fait chier, ça sert à rien, les gardiens du temps. » Parce que je te comparais à toi qui écoutais les podcasts de Comics Blog il y a longtemps comme moi, Jeff de Comics Blog, qui avait un peu ce rôle-là, qui était celui qui connaissait, qui avait une vraie culture comics. Là, c'est trop d'honneur. Alors, voilà. Tu vois, vous voulez l'autre version? James a dit, ouais, il nous faut un gardien du temple. Quelqu'un. Il a dit, il nous faut quelqu'un qui est légitime, quelqu'un qui s'y connaît et tout. Voilà. Et moi j'étais là, oui, mais bon, on peut quand même s'en sortir, on a quand même lu plein de trucs et tout. Il me dit, non, il nous faut un gardien du temple. Et donc, du coup, tu es de la confrérie des gardiens du temple, sache-le. Ah, donc, du coup, je suis. Plus légitime pour parler de comics que nous. Du coup, je suis obligé de dire que vous êtes des petits cons et que vous avez rien lu. C'est ça. Putain. Et moi, je suis considéré comme quoi, moi, maintenant le toi, néophyte. Toi, même pas, tu le vois, le temple. Je m'en prends plein la gueule. Moi, j'ai fini, c'est exactement ce que j'allais dire, je vais finir ma bière. Il y aura peut-être 3 pôles qui sont poussés en plus entre-temps. Exactement. Alors, donc, du coup, Mathieu a commencé les comics en avril 92. Quatre ans avant, sortait The Killing Joke, qui est un graphic novel écrit par Alan Moore et dessiné par le majestueux et talentueux Brian Bolland. Alors, pour parler du pitch, dédicace à toi, Wolf. Grosso modo, c'est une lutte idéologique entre Batman et le Joker. Le Joker, en fait, dès le début, veut prouver que si on a une mauvaise journée, on peut devenir fou. Et du coup, il prend comme exemple le commissaire Gordon. Et du coup, il va lui faire passer la pire journée de sa vie. Je sais pas vous, mais moi, ça me tente pas, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'on devienne ma fille. C'est vraiment un grand plaisir. Tiens, tu m'as spoilé le truc. Donc, du coup, en fait, il s'en prend à Barbara Gordon, il débarque chez elle, il lui tire dans la colonne vertébrale, la laissant du coup paraplégique. Elle deviendra par la suite, après, Oracle, avec sa chaise et tout. Oui, parce que Barbara, pour les gens qui. Elle était Batgirl et maintenant, du coup, elle est Oracle dans le Batgirl. Sous-entend que. Et du coup, c'est sous-entendu qu'elle est violée par ses sbires. Par les sbires, parce que lui prend les photos. Ah, c'est vrai qu'on peut pas faire les deux en même temps. Je l'ai lu il y a approximativement 2 heures, donc tu vas pas me ninja sur ça, tu vois. Pourtant, dans l'animé... donc ensuite, animé. Du coup, il capture Gordon, il le déshabille, il le place dans une cage, il lui montre les photos de Barbara Gordon à poil, des trucs sympathiques. Au final, Batman arrive, casse des gueules et sauve Gordon. La morale, du coup, c'est que le Joker a tort. Batman, du coup, Joker, il en peut plus. Il est là en mode, putain, tu me casses les couilles comme un peu toi et moi, tu vois. Ah, et il lui dit, attends, je vais te guérir. Ma Némésis, c'est Liber Mero. Donc un peu comme Liber Mero et moi, tu vois, il lui dit, attends, je vais te guérir. Je vais te guérir de la folie. Et du coup, et bam, ça se coupe. Enfin, le comic se finit sur ça. Une fin ouverte. Est-ce qu'il a tué le Joker ou est-ce qu'il ne l'a pas tué ? Du coup, dans ce petit graphic novel, il y a en plus, du coup, on parle sur les origines du Joker, que du coup, c'est un comédien qui pourrait avoir un peu de blé, enfin, que c'était un ingénieur qui est devenu comédien et pourrait avoir un peu de blé, commence à tremper dans la mafia, et au final, Batman arrive et il tombe dans une cuve d'Ice Chemicals, et du coup, il sort. J'ai une question pour toi, est-ce qu'il plonge dans la cuve ? On en reparlera après. Du coup, comme tu disais il y a 2 minutes, il y a une grosse polémique sur la fin. Est-ce que Batman tue le Joker ? Est-ce qu'on voit du sang qui coule ? Ouais. Un liquide rouge ? Non, on voit rien. On voit pas un liquide rouge ? Non. D'après Monsieur Grant Morrison, Alan Moore est un génie. Je le cite. En fait, il a fallu des années pour que les gens s'aperçoivent que le Joker meurt. En effet, le rire du Joker s'arrête parce que du coup, le rire de Batman, c'est des ha ha ha. Non, des hé, enfin bref. Et le rire du Joker, c'est des ha. Il y en a un des deux à un moment qui s'arrête. Il y a 4 cases noires. Et du coup, il y en a un des deux qui s'arrête. Donc il dit en fait, le Batman a brisé la nuque du Joker. Waouh. Sauf que d'après la continuité. Ah oui, après voilà, d'après la continuité, le Joker est toujours là. Sauf si tu as lu Rebirth. Ah oui, c'est vrai. Si tu as lu Rebirth. C'est plein de continuité. Mais en vrai, je trouve que l'idée de Rebirth. Non, en gros, on peut spoiler ou pas ? Enfin, on l'a déjà fait dans les autres émissions de toute façon. Ouais, non, mais non, on va éviter, on va attendre que ça sorte en VF. Mais en fait, du coup, c'est dans Justice League 52, en fait. Mais c'est sorti, en fait, du coup. Non, Justice League 52, c'est pas sorti encore. Ah, ok. Vas-y, killing joke. Du coup, ben en fait, ça va te surprendre. Mais avec les conséquences de Rebirth, ça devient acceptable. Acceptable. Ah voilà, alors du coup j'ai une édition, vous voyez, qui est un peu consanguine, qui a été même avec Panini. Putain, je vous aime Panini, mais me faites pas des merdes comme ça, bordel de merde. Alors en fait, vous voyez, c'est pour ça que je vais chier sur les gardiens du temple. Parce que en fait, vous voyez, j'ai pris les comics à New 52, donc je me lis mon run de Capullo, et puis je me dis, ah vas-y, ça serait bien quand même que tu t'intéresses à autre chose que les New 52, et que tu prennes les trucs vraiment... Les classiques. Vraiment, les classiques. Les trucs à voir. Si t'as pas lu ça, t'as raté ta vie. Donc, du coup. T'as lu Silence. T'as pas... non, c'est pas Silence que t'as pas aimé. C'est. Putain, merde, le truc de Jeff Lubb et. Un long Halloween. Ouais, voilà. Ouais, tu peux pas ne pas avoir aimé un long Halloween. T'as vu les dessins, c'est pas du tout. Ouais, mais les dessins, c'est pas pour moi, tu vois. Donc, oui, mais c'est Tim Sale au dessin. Donc, du coup, c'est excellent. Je me dirige vers mon comic shop. Qui était encore album, et j'y vais, je lui dis, écoute, voilà, je me suis enjaillé sur Batman, sur la Justice League. Qu'est-ce qu'il faut lire ? Donne-moi-en d'autres, donne-moi de la cam, tu vois. Et le mec t'a dit, Leaking. Et le mec me dit, écoute, ça va, c'était Salim. C'était du... S'il nous écoute, à mon avis, il nous écoute pas, mais... Donc le mec me dit, écoute, t'as un peu de culture et tout, je pense que c'est abordable pour toi, vas-y, prends Killing Joke, tu vas kiffer. Je maudis ce mec tous les jours. Mais donne tes arguments. Parce qu'en fait, avoir du coup, voilà, parce que du coup, pour moi, c'est un truc. Pour tout le monde, on est d'accord ici, c'est un chef-d'œuvre. Oui, pour moi, du coup, déjà, c'est pas canon. Du coup, si t'es un petit nazi comme moi et que t'aimes que le poil de cul de Barbara Gordon qu'elle a posé sur la chaise, il soit retourné, et que tu le retrouves dans 6 comics plus tard, c'est mort, tu vois. Donc, du coup, tu vois, genre, c'était en plus. Voilà, c'était la sainte conduite. Et mais c'est hyper perturbant quand tu commences et que, genre, tu vois. Tu lis les New 52, on dit bon, il y a. Tu lis chez Mark Millar. Oui, mais parce que du coup. C'est génial. Ouais, mais parce que du coup, c'est hors continuité. C'est un homme contradictoire. C'est un aussi, tu sais très bien que c'est hors continuité. Non, on te le dit pas. on te le dit pas. Et puis, donc, et puis tu vois, après, on se dit, ça fait partie de la on te dit, après. Ah, mais en fait, tu vois, regarde, les conséquences de Killing Joke, Barbara Gordon qui devient Oracle, c'est canon, tu vois. Mais le Joker est mort. Ça peut pas être ton... Oui, mais ils le disent dans New 52 ça... qu'en fait, ils ont trouvé une puce et qu'elle est guérie. Mais ça ne peut pas être ton seul argument contre non, mais... Killing Joke. Après, du coup, j'aime pas spécialement les dessins. Oui, il aime pas. Oh. Après, il a un problème avec les... j'ai un vrai problème avec les dessins. Après, du coup, tu vois, tout le monde dit putain, c'est une histoire qui est, qui est choquante, qui est. Oui, elle était choquante en son temps. Voilà, c'est choquant en son temps, tu vois. Mais du coup, maintenant, d'en faire un canon, je trouve que c'est un peu. Et puis, tu vois, c'est 50 pages, c'est un graphic novel, et je suis là, mais. Et on te dit, c'est canon, et t'es là en mode, mais ok, ça t'a rien contextualisé. Où est Superman? Où est Flash? Et on te dit, mais c'est canon, on tu vois. Et t'es là. De ça, c'est une histoire entre Batman et Joker. Ouais, mais du moment où tu dis que ça fait partie du DC. Quand tu lis, par exemple, un deuil de la famille, tu te demandes pas où est Superman. Non, mais parce que tu sais que tu vas, quand tu vas lire tes autres séries, tu sais que Batman, enfin que Superman en ce moment-là. De ce côté, est en train de baiser la gueule à Lex Luthor. Voilà, il se frite avec Lex Luthor et tu dis, bon, bah ok, il peut pas venir pour ça. Mais tu vois, au moins, c'est un peu mentionné. Et puis après, c'est peut-être le truc qui m'a fait le plus sortir. C'est que moi, j'ai une édition où à la fin, il y a un jeune mec qui bute Batman. Ah, c'est. Ah, ok, c'est le. Comment ça s'appelle C'est la première fois que je le voyais, son mais Urban l'a mis aussi. Urban l'a mis aussi. C'est. Et, oui, et, en fait, et du coup c'est Who Kills the Batman ou un truc du genre, non? Et un mec qui lui shot la gueule. Oui, mais ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est mais pas du coup, tu vois, imagine. Enfin, après, du coup, ça, c'est plus un coup de gueule contre Panini. C'est aussi chez Urban. Comment elle s'appelle cette histoire déjà? C'est pas. Je sais pas. Qui a tué Batman? Ouais, c'est un qui a tué Batman. Et du coup, tu vois, t'imagines, regarde. Enfin, je prends l'exemple du gars qui, comme moi, il y a 5 ans, dit ouais, vas-y, faut que je lise un truc qui est vraiment calme. Donc le mec, il lit ça. Et donc là, il est en mode putain, vas-y, ils ont violé Barbara Gordon, c'est pas ouf. Et puis après, on te met, il y a un mec qui a buté Batman, et t'es là en mode ah d'accord, il se passe quoi? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, et après, du coup, t'en parles avec ton best bro de l'univers. Et il te dit Liber-Mero. Voilà, Liber-Mero à cette époque. Et le mec te dit non, mais en fait, ça existe pas ça. Il te dit non, mais ça existe pas. Cette histoire, elle existe pas. C'est pas Killing Joke, t'as pas lu Killing Joke. T'as lu Killing ouais. Joke plus un autre truc. Donc, mais c'est un autre truc. Si, mais. Ah, attends. Oui, je crois que c'est Who Kills the Batman ouais, ou un truc comme ça. Ouais, c'est du genre. C'est... Ah, mais attends, mais comment ça se fait qu'il y a des. C'est un petit gros obèse. C'est Brian Bolland aussi. C'est ouais, Brian c'est Bolland aussi. C'est Moore ou. Non, c'est pas Moore. C'est Brian Bolland tout seul. Ok, il rajoute du Bolland. Ouais, c'est. Ouais, c'est du coup, mais c'est aussi Urban. Hein, sur moi, j'étais aussi. Là en mode, mais ça sert à quoi? C'est de la merde. C'est vrai que la foi, oui, il croyait vraiment. Enfin, parce que c'est moi qui lui ai dit que bah, non, c'était pas. Bah, du coup, on en parle, enfin, on me dit putain, mais t'as pas aimé King Joe, mais t'es vraiment une sous-merde. Toi, les gars comme toi, on mérite d'aller dans une chambre à gaz, on allume les gaz et tout, tu vois. Donc, on en parle et tout, et je lui dis, mais mais Batman qui se fait buter par un gamin après, c'est nul. Mais il y a pas ça dans King Joe, t'as pas lu King Joe, mec. Et du coup, on était là, on sort de ma bibliothèque le King Joe. Et il montre son truc après, moi j'ai pas lu ça, je connais pas ce truc, j'ai lu juste King Joe. Et du coup, mais j'ai quelle édition? Je crois que j'ai un truc de Urban, moi aussi. Il n'y a pas ça dedans. Hein. Si, dans Urban, il y a ça. Parce que je l'ai lu de toute façon. Mais en tout cas, enfin, on en revient au même point de tout à l'heure. À part la continuité, qu'est-ce qui t'a déplu dans Killing Joke? Puis tu vois, je trouve que genre, le truc, c'est gratuit. Tu vois, genre, il va pas... chez Barbara Gordon, il la bute. Ok, c'est gratuit. Mais enfin, moi, je suis d'accord que Killing Joke ne vaut pas ce que tout le monde en dit que c'est un putain de chef-d'œuvre. Tu vois, parce que, à part, enfin, le deuil de la. Oui, non, mais je veux dire, mais par exemple, genre là, attends, en le replaçant dans j'aimerais terminer la phrase. Genre, dans un day dans la famille, il y a une discussion que je trouve entre le Joker et Batman qui est aussi intéressante que dans The Killing Joke. Mais je trouve que dans The Killing Joke, la conversation qu'a Batman avec le Joker sur la question de qui c'est qui va tuer l'autre, bah, c'est l'une des premières fois qu'elle est aussi clairement posée que ça et que c'est bien traité, je trouve. Et voilà, moi je trouve que c'est un bon comics et je vois pas à part dans ce qui te dérange à part la continuité dans ce comics. Et c'est un run marquant pour la suite en fait, c'est grâce à ça qu'on a eu que tu as du Snyder, que tu as du Puis c'est un point c'est le début de c'est la bataille de Yavin. Ouais mais du coup voilà, si tu dis c'est la bataille de Yavin de Batman, c'est la bataille. Tu peux pas, regarde, on va faire un comparatif. Tu dis c'est la bataille de Yavin, c'est là où tout part, où du coup Barbara voilà, où Barbara Gordon et du coup devient Oracle, que du coup c'est plus ce Joker, c'est un nouveau Joker qui apparaît et que Batman a tué. Non, ça, okay, on n'est pas sûr. Bah si. Selon Là, tu viens de spoiler. Mais du coup, et tu vois, et tu dis, ok, c'est la bataille de Yavin. Et tu lis un autre truc après, et le... c'est comme si tu disais, ah, mais voilà, les... Ça me dérange pas. Genre... Ouais, mais tu l'annonces d'entrée et tu t'en fais pas une pierre angulaire de ton truc. Mais est-ce qu'il y a un truc dans le scénario de Killing Joke qui te dérange? Mais moi, il y a tout qui me dérange. Si tu veux, moi, je trouve ça que le Joker, il arrive en mode, allez, on la tue, on la viole, et enfin, on lui pète le cul et on la viole. Bah, non, dans les comics, le moindre truc qui est un peu qui sort un peu et qui est un peu provocateur et qui sort un peu du mainstream de ce qu'on voit, c'est en deux secondes, c'est retconné parce que ah bah non, finalement, ça nous arrange pas, on n'a pas envie de ça, on refait autre chose. Non, mais là, c'est ça. Enfin, là, c'est... Qui arrive à... Ouais, mais là, du coup, c'est gratuit, tu vois. Genre, tu vois, bah, si on devait faire comparer un truc. Les actes du Joker sont gratuits. Regarde, la mort de Damian Wayne. Mais je la préfère à ça. Morrison a voulu tuer Damian Wayne. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Ah ouais. C'est dans le tome 3 de Batman et Robin. Mais à part le fait que ça soit gratuit, le Joker est un personnage qui inflige des choses gratuitement aux gens. Après, tu vois, à la base, je voulais parler de Mad Love. Et du coup. Du coup, ça m'a gâché tout le truc. Et du coup, parce que. Du coup, à la base, je voulais parler de Mad Love. Et puis. Et puis moi, je suis arrivé, j'ai dit que je voulais parler de Mad Love. Et après, t'as fait un merde. Et à la fin, j'ai pas pris Mad Love. Ouais, voilà. Du coup, je me suis dit, tu vois. Et genre, dans ma. Parce que du coup, on ressort de Suicide Squad. C'est censé être une émission Suicide Squad. Ouais, à la base, on voulait faire un truc. Et du coup, moi j'étais là en mode ah, mais c'est cool de voir les Jokers et tout. Et genre, pour moi, le Joker, c'est le Batman de Mark Hamill. Oui, aussi. C'est le Joker de Mark Hamill. Et ça, tu vois, pour moi, c'est Jared Leto sur 20, tu vois. Ça vaut rien. C'est un mec qui est là en mode ah, bah si on faisait un truc gratuit. C'est pas gentil. c'est toi qui es gratuit. Tu as découvert Batman avec la série animée et tu veux revoir la même chose. Mais non, je veux pas revoir la même chose. Mais j'en ai marre, tu vois, qu'on dise que le Joker, c'est un mec qui a pas de plan. Qui est là, c'est un chien fou, tu vois, qui court sur la rue, tu vois. Genre. Mais du coup, j'aime pas le Joker d'Heath Ledger. En fait, t'aimes juste le Joker de Mark Hamill au final. J'aime le Joker, tu vois, qui fait des blagues, genre il tire la main, en fait, il t'électrise la gueule. C'est dans Killing Joke. Mais non, mais enfin. C'est Adam West, comme le dit. Nicholson, quoi, du coup. Nicholson me fait plus marrer, tu vois, en mode. C'est pas un mec marrant. C'est censé être marrant quand même. C'est la force du personnage et c'est pour ça que Batman est aussi populaire entre guillemets, c'est que le Joker est multifacette totale et c'est pour ça qu'il est aussi intéressant. Ouais, tu vas trouver du Heath Ledger qui est complètement roots, complètement street, complètement taré. Mmh. Tu vas trouver du Nicholson qui est beaucoup plus dans Endgame que tu as aimé et dans ce qui vient de parler le Joker, oui. il est pas du tout comme tu viens de le décrire. Ah non, il est pas du tout comme il fait un peu des blagues dans. Bah, si je me rappelle bien, dans le run de Snyder, il a une relation avec Batman qui est quand même très très très forte. Ouais, aussi. Ouais. Oui, mais voilà, on te dit que la relation est forte, tu vois. C'est genre. Mais là, c'est le début de la relation, tu vois, qui est un peu. Mais là, c'est la fin de la relation. La relation est forte, justement. Donc, moi, je la trouve pas. Genre, tu vas lire Endgame, tu vas voir que Batman et le Joker, c'est les deux faces d'une même pièce, tu vois. Tu vas voir que, genre, si Batman, autant il est autant droit, autant juste. Le Joker, c'est le chaos, tu vois. Ouais, mais je trouve que dans. Et du coup, dans, tu lis ça, tu compares ça à ça. Mais tu te dis, mais c'est pas le même Joker, c'est pas le même truc. Et du coup, maintenant avec Rebirth, je me dis, oh, ok, en fait, ils assument complètement. Pour en revenir à Killing Joke, je trouve que, par exemple, il y a un truc super intelligent qu'a fait Alan Moore, c'est un dialogue au départ entre Batman et Joker qui est repris à la fin. Et je trouve que Batman qui parle au Joker, alors que c'est pas vraiment le Joker, et le dialogue est repris à la fin. Et je trouve que ce dialogue-là. Et vraiment une belle définition de ce qu'est la relation entre le Joker et Batman, et c'est pour ça que je pense que la plupart des gens considèrent Killing Joke comme un chef-d'œuvre et pas forcément parce qu'il a été provocateur en son temps. Mais du coup, tu la sens pas parce que Batman, en fait, dans le comics, il fait la figuration. Honnêtement, si on s'amuse à compter les cases et les pages, tu dois le voir. C'est le seul truc que tu lis pas pour voir Batman, tu lis pour voir le Joker parce que c'est Killing Joke. C'est les origines du Joker. Il faut remettre ça dans le contexte. C'est très difficile de lire Killing Joke maintenant. Ah autant Watchmen peut encore passer du même Moore, autant Killing Joke remettre dans le contexte. En plus, alors moi, je suis un gros fan de Moore. J'ai vraiment Fromel, Watchmen, Top Ten, Promethea. J'ai adoré tout ce qu'il a fait, V.O. Vendetta. Killing Joke, c'est largement pas le meilleur truc que j'ai lu de Moore. Et il y a peut-être justement le point clé du Killing Joke. Alors là, il va falloir fouiller dans les archives, je vais peut-être vous dire des conneries. Alan Moore a toujours eu quand même des relations très particulières avec les gros, avec les éditeurs. Et, tout, ouais. Et alors, je me demande si à un moment donné, il n'y avait pas une histoire de comics à sortir sous contrat avant de partir faire autre chose. Alors là, ouais, je sais pas. Parce que je suis quand même curieux que alors moi je me rappelle l'avoir vu à Guardian Keeper of the Temple il y a quelques longtemps, je me rappelais même j'ai vraiment appris après coup que c'était raccord avec la continuité. Moi j'avais lu ça à l'époque, Moore et Bolland, le mec faisait son truc dans leur coin, il y a pas de fin, c'est la fin de Moore, il en a rien à foutre du reste, comme quasiment d'habitude dans tout ce que fait Moore. De toute façon, il a chié 50 fois sur la profession, et vu que c'est là de Moore, il peut le faire parce qu'il est génial. Voilà. Du coup, là où le truc, c'est qu'effectivement, voir ce que là où on était Moore à l'heure actuelle dans le mainstream, parce que mine de rien, fin des années 80, c'est quasiment les derniers trucs qu'il a fait pour eux, et le rapport à tout ça, c'est clé, je pense, pour comprendre Killing Joke. Du coup, c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup d'à côté. Et là, en 2016, lire Killing Joke, moi, je comprends que les mecs qui arrivent au New 52 kiffent pas, mais carrément. Par rapport à ce que tu disais, par rapport au problème d'édition et tout, ce qu'avaient les rapports avec Alan Moore et DC, dans la préface d'Urban, je ne sais pas s'il est dans ton truc panini de caca. Moi, c'est l'austérité, tu vois. C'est Grèce 2012. Hein. Et ben, en tout cas, il y a une France 2020. Préface dans Urban de Brian Bolland qui explique que c'est lui-même qui a demandé à Alan Moore une histoire sur le Joker parce que lui, il voulait dessiner le Joker. C'est donc Alan Moore qui lui a écrit ce scénario. Et pour lui, Alan Moore, c'est pas du tout une histoire qui est marquante à son goût. Pour lui, il y a des histoires de contrats autour de Swamp Thing et compagnie. Là, j'ai pas les détails, mais ça là pour le coup. Alan Moore, il passe son temps à cracher sur lui. Oui, mais en même temps, c'est Dieu. Ouais, mais en même temps, sur Vendetta, il a raison. Enfin, sur le film. Même. Ah le donc non moi je Tom, Tom, le comic c'est génial, le comic c'est un des meilleurs trucs que j'ai jamais lu, mais le film est vraiment pas génial. Non mais tu peux pas adapter Moore aussi, faut qu'ils arrêtent d'adapter Moore au cinéma, c'est juste. Mais il y a que Snyder qui a en faisant du case par case. Watchmen était tout juste acceptable, mais tu peux très difficilement. Et en plus tu arrives vraiment pas à capter. C'est ce que je dis à chaque fois, que Watchmen c'est vraiment pas le truc que tu dois lire en premier parce que c'est. Mais du coup tu vois voilà, c'est Gardien du Temple, tu vois genre. Je dis une bêtise, mais tu vois, tu vas taper 10. Tu vois, genre, tu commences tes comics, t'as acheté ton Batman 1 parce que du coup, t'as un bon sentiment de Batman. Puis tu te dis, allez, je vais élargir, je vais chercher, tu vois. Mais ça, c'est un truc, tu vas dans tous les gens qui conseillent des comics ou qui parlent, t'as plein de vidéos à la con, le top des trucs à lire, et il y a plein de gens qui mettent des. À chaque fois, je vois des trucs, genre, les gens qui vont les conseiller, tu lis du Batman, tu conseilles Silence, c'est juste. C'est juste débile parce que. Non. À la limite, Silence, non. Non. Silence, t'as tellement. Si tu connais pas Batman. Mais tu. Non. Tu comprends. Enfin, ouais, mais non. Du coup, t'as un aperçu des vilains, tu vois. Ouais. Silence, c'est intéressant parce que tu vois tous les vilains et que c'est intéressant si t'as. Moi, je crois que Silence, c'est un des premiers comics Batman que j'ai lu. Et je connaissais par rapport au dessin animé et tout ça parce que. En fait. Batman, faut savoir que pour tout le monde, c'est une image culte, donc tout le monde a à peu près l'image de qui c'est Batman. Et avec Silence, moi, du coup, j'étais super content parce que déjà, j'avais des super beaux dessins et un scénario assez simple et qui présente tous les personnages bien. Et du coup, je dis Mili comme pas possible, mais, mais en tout cas, c'était géant. Est-ce que vous voulez mon anecdote que je ressors à chaque fois sur Jim Lee. Mais. Mais il faut savoir après que j'ai commencé par Watchmen. Donc Watchmen, c'est un truc qui a tellement de trucs de lecture différents. Tu peux le lire tellement de fois qu'à chaque fois, tu trouves un sens. Il y a plusieurs pistes de lecture. Ouais, voilà. Ouais, moi, lorsque. Donc, Gardien du Temple encore. Lorsque éventuellement, je conseille du comics d'entrée de jeu, je conseille pas Watchmen. Mais là, maintenant, c'est le Wolverine et X-Men de Aaron, c'est Snyder sur Batman. Oui, c'est tellement 2000 et des brouettes. Ouais, mais parce que du coup, tu vois, le truc a changé. Ce que tu conseilles, c'est pas vieux, tu vois. Non, tu peux pas conseiller des machins. Watchmen va parler éventuellement aux 30-40 ans, voire un peu plus. Parce qu'effectivement, lorsque Watchmen est sorti, les super-héros étaient. C'était Superman et compagnie, c'était presque l'âge d'or. Enfin, pas l'âge d'or, mais c'est le Golden Age était vachement avant. Et là, du coup, Watchmen posait la question de oui, mais vos super-héros, si jamais ils pètent un câble demain, qu'est-ce qui se passe? Mais moi. Et c'est très compliqué. Non, mais depuis, t'as les X-Force de Remender, t'as les Suicide Squad. Watchmen a été une pierre angulaire dans les comics parce que c'est passé trashouille un petit peu. C'est le Dark Ages qui commence avec Watchmen. Voilà, et le Dark Knight de Miller en même temps. Oui. Mais là, tu vas proposer ça maintenant aux gens, ça va faire un flop. Non, mais faut savoir, moi j'ai commencé les comics il y a 3 ans en gros. Et faut savoir que quand tu veux commencer les comics, c'est que t'es forcément fan des super-héros dans le genre. Et moi, je connaissais déjà bien tous les super-héros dans l'ensemble. Et avoir commencé par Watchmen, ça m'a pas dérangé. Enfin, tu les connais en surface. Oui. Et puis Watchmen, mais c'est pas si dérangeant. Il faut savoir que ceux qui veulent des. Qui balance référence Dark Knight Returns, je trouve que c'est quand même plus abordable que Watchmen déjà. Oui, ouais, il y a un sous-texte plus. Mais moi, je pense que Watchmen, je le conseille aux mecs qui lisent des comics depuis 2-3 ans. Ouais, mais moi, c'est un des premiers comics que j'ai lu. Watchmen, c'est tellement un bouquin sur les comics qui parle des comics. Oui, voilà, ouais. T'as la bande dessinée de pirates aussi. C'est super bien. Tu regardes chaque groupe de comics présenté dans Watchmen, ça représente un âge du comics. Les Minutemen, c'est le Silver Age. Après, t'as. Et c'est en fait. Oui, mais il y a plusieurs degrés de lecture dans Watchmen, et du coup, c'est pas. Enfin, si tu commences par ça, tu vas pas capter cette. T'auras pas la culture. Moi, j'ai beaucoup apprécié Watchmen sans comprendre tous les degrés de lecture, et ça m'a laissé continuer. Enfin, en tout cas, il y en a pas mal qui. Quand on débute les comics, il y en a pas mal qui veulent nous faire lire des trucs un peu plus modernes, et des fois, le plus moderne, c'est pas forcément le plus intelligent non plus. Et je pense que la plupart des gens qui veulent commencer dans les comics veulent lire des trucs. Qui font réfléchir en tout cas, du style Watchmen ça fait réfléchir, ou Punk Rock Jesus c'est un comics qui est moderne et qui fait réfléchir. Oui, mais... oui, bah oui, Punk Rock Jesus c'est parfait pour lui. Ouais, c'est un truc intelligent et qui fait réfléchir. C'est moins super héros du coup quand même, ouais. mais oui, après tu vois, les agréments que t'as donné, c'est que des trucs hors continuité. Donc si tu veux, tu rigoles, tu vois, mais. Enfin, tu commences, genre tu lis tes 8 tomes de Batman et t'es là en mode bon, ben voilà, ça c'est mon canon. Tu dis, mais le problème avec la continuité, c'est que si tu vas, non, mais tu peux t'en déroger, mais quand t'as, avec la continuité, tu vas rien comprendre. Non, tu vas être balancé dans... laisse-moi finir. Ouais. Tu peux commencer avec un tome 1 et aller jusqu'au tome 8, et une fois que t'as lu ça, tu dis bon, ok, je me lance dans autre chose, mais tu commences pas, tu vois, genre par plein d'histoires. Différent, tu vois, c'est comme si je te dis, ben voilà, tu lis Death of the Family, puis après t'enchaînes sur Zero Year. Tu vas être là, mais tu vas me dire, mais mec, t'as fumé un joint, je comprends rien. Après, moi j'ai commencé par le kiosque, donc forcément, c'est pas grave. Mais ça, c'est un gros problème, la continuité pour arriver à vendre, là, parce que j'avais lu un truc il y a quelques temps, alors peut-être la caution chiffre va me contredire ou pas. Les lecteurs de comics single, donc ceux qui font vivre le média. Ça dure que 3 ans, une connerie. Non mais, moi j'avais lu que tu avais un groupe d'acheteurs d'un demi-million de personnes. Tu as un demi-million. Peut-être... En France, c'est un peu moins. Moi je parle aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, en gros, ils parlent des commandes previews, grosso modo. Quoi. Ouais. Et les mecs qui achètent du single comme ça, tu as un demi-million de personnes qui lisent vraiment du message, qui font vivre le bordel. Quoi. Du coup, on coupe. Tu voulais dire quelque chose ? Non, c'est juste que genre. Ouais, ça va être super. Ah, ouais. Bah attends, du coup, juste pour finir ce que tu dis, vas-y, finis. Oui, donc du coup, la continuité, c'est l'enfer sur Terre à faire vivre, à vendre aux mecs qui découvrent le comics. Et vendre Batman Killing Joke, pour revenir sur ce qu'on disait, comme étant quelque chose dans la continuité, moi je le vendrais pas comme ça. C'est un délire de Moore qui a fait son truc. Après, encore une fois, éditorialement, je sais pas comment ça s'est passé. Je suis pas persuadé que depuis le début, dans le contrat, ils étaient censés rabibocher derrière, quoi. C'est ça, et du coup, tu vois, là, ils rabibochent. C'est vraiment une commande. C'est une commande. Et tu vois, juste pour finir ce que tu dis, tu vois, genre, les mecs sont obligés de partir sur la communauté parce que tu l'as dit. En France, c'est à peu près 10 000 lecteurs quotidiens, tu vois. Enfin, quotidiens, mensuels. Tu vois. Alors, du coup, c'est pas des chiffres vraiment détaillés. C'est acheteurs de comics tous les mois avec un budget de plus de 50 euros. Donc, nous, en fait. Grosso modo. Et du coup, tu vois, genre, en fait, pour capter les gens, pour dynamiser les ventes, ils sont obligés de repartir sur le numéro 1 et dire, ben voilà, ça c'est une saga, et parce que du coup, un numéro 1. Parce que du coup, tu vois, ton numéro 1, il va taper 1 million de ventes, ton numéro 2, il va taper 500 000, ton numéro 3, il finit à 200 000, et au final, ta série, elle finit à 60 000. Mais tu rebootes pas, tu relances un numéro 1. Une fois que t'as fini l'arc, par exemple, de machin, ben bim. Mais après, pour revenir sur Killing Joke, quoi que vous dites, Killing Joke, c'est la rockstar des comics, c'est le comics qui arrête pas de se vendre. Et... C'est Alan Moore qui fait son Alan Moore, et le problème, c'est qu'il y a plein d'artistes de comics qui ont... Enfin, le problème, c'est pas un problème. Il y a plein d'artistes qui ont aimé ce run-là, et qui se basent sur cette base-là pour faire... Je pense que c'est la pierre angulaire, parce qu'il a fait tout Batman... Ah oui, mais du coup, après, maintenant que j'ai 5 ou 6 ans de lecture de comics, je reviens pas là-dessus, c'est ok, c'est une pierre angulaire. Mais tu vois, genre, qu'on te conseille de lire ça et qu'on te dit c'est un immanquable, Ça, les gars, passez-vous. Les gars qui vont comment. Et l'un des comics les plus vendus depuis des années, il a jamais été. C'est jamais arrêté d'être imprimé. Il a jamais eu un seul moment où il. C'est jamais arrivé. Oui, ils en vendent des palettes en continu, mais. C'est jamais arrivé. Mais du coup, tout le monde dit oui, tout le monde. Mais du coup, le. Ouais, oui. Ouais, mais le problème, du coup, c'est que genre, tu vois, genre. C'est le conseil genre, numéro 1. Ça va nous tuer. Genre, le temple, un jour, il n'y aura personne pour prendre la relève et le garder devant, tu vois. Parce que du coup, tu imagines les gens que tu leur dis. Leaking joke, les mecs, ils sont là en mode. C'est quoi ce truc? Et puis, genre, et qu'ils lâchent. Genre, tu vois, t'as le comics, il est là, il tombe des mains. Comme ça. Va conseiller un titre sur le Joker à part ça. Tout le run de Capullo. Oui, Snyder. Oui, mais. Mais à part ça, Snyder, la cour des hiboux. Non, mais oui, Liber Mero. Tu peux lire Dark Knight Returns, c'est abordable. Non, les dessins sont vraiment pas abordables. Dark Knight Returns, c'est pas possible au niveau des dessins. Alors, le tout premier, Miller et Klaus Jensen, ça passe. Après, Miller, il s'ancre lui-même. Ouais, c'est un peu du pipi de chat. Mais c'est vrai que moi, Batman, le premier truc que je ferais lire aux gens, c'est pas ça. Hein. Ça sera effectivement Miller. C'est que vous, c'est tellement. Snyder, c'est effectivement, la force de Snyder, c'est que c'est devenu un classique très, très vite. Et après, le Year One avec Mazzucchelli au dessin, c'est bon. Mais voilà. Mais c'est pas le Joker. Non, c'est pas le Joker, c'est du Batman, quoi. Parce que les gens, ils veulent lire du Joker. C'est pour et par ça contre, moi, j'aime bien Lub et Tim Sale, ce qu'ils ont fait. Oui, voilà. Mais c'est génial. Mais après, c'est plus. Si tu veux lire du Joker, tu peux lire du Mad. Franchement, moi, comment j'ai lu du Batman, et je pense que c'est une des meilleures façons de lire du Batman, c'est tu lis Aaron, tu lis Un Long Halloween, tu lis Amère Victoire, et tu te régales. Un Long jamais. Halloween, c'est dur. Hein. Ah, mais c'est tellement si bien. Tu connais pas ta galerie. Non, mais non, justement, c'est le début de Batman. C'est les débuts de Batman. On te présente comment Double Face devient Double Face, et après, avec Amère Victoire, on découvre comment Robin devient Robin, et je trouve que c'est le meilleur. Tu fais Yaron, Allons Halloween, Amère Victoire, et c'est la chronologie parfaite de Batman en plus. Et pour moi, c'est en plus Frank Miller et Jeff Loeb, c'est pour moi ceux qui ont fondé le mythe de Batman moderne en tout cas. Ah oui, c'est le top. Allez, on va parler de Rumble. Ouais, alors un îlot de non-Batman, hein, c'est la potion rebelle du truc. Mais après, Suicide Squad. Il y en a un peu. Donc Rumble, un comics sorti chez Image Comics l'année dernière. Donc je vais vous parler du premier TPB qui est sorti fin 2015 en VO chez Image. Il est sorti en VF chez Glénat Comics, il me semble. Ouais. En avril. Ouais, j'ai la VO. J'ai la VO. Oui, il faut parler anglais. Alors c'est à la création de ce comics une équipe qui s'est rencontrée chez BPRD, chez Mac Mignola, John Arcudi au scénario. Alors Arcudi, rapidement, c'est un vétéran des comics, il a relancé The Mask tellement correctement que c'est arrivé au film de Jim Carrey, ce qui était quand même pas dégueulasse. Tu lis The Mask Lobo, le crossover. J'ai de la VF The Mask avec The Mask Lobo, qui est sans doute le comic qui m'a fait le plus pisser de rire de ma vie. C'est n'importe quoi, c'est Disney. C'était Disney Sémique quand t'étais pas né, petit. Donc, je voulais pas très l'occasion. Voilà. Et après, il y a un crossover avec Grifter de chez Wellstorm qui était moins bon. Et du off, attention. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de rééditions de The Mask. Mais est-ce que c'est aussi drôle que le comics Batman versus Just Death versus Just Dread? Ouais, sans doute oui, parce que c'est quand même très. Parce que moi, il y a une planche qui me fait marrer. C'est Just Death avec des petits lapins et des arc-en-ciel. Ah oui, je l'ai vu. Ouais. Oh, si, non, mais c'est drôle aussi. Dread contre Death et compagnie. Moi, j'aime bien. Et donc. Ça sentait la blague derrière, ouais, c'est une private joke. Ouais, je m'en doute. En fait, ça m'a fait rire parce que je savais que c'était une private joke, tu vois. Venu de Maxime, c'est. Oui, c'est parce qu'il a pas lu le beau The Mask, c'est le top du top. Mais y a pas eu un crossover entre The Mask et le Joker? Il y a un moment donné où The Mask était hype, il y en avait partout. Mais j'aimerais tellement lire du comics The Mask. Après, ça a l'air tellement bien. Faut se méfier un peu, quoi. Mais Lobo The Mask, c'est le top du top. Lobo. C'est assez difficile à choper, mais. Donc après, Arcudi, il a fait pas mal de franchises chez Dark Horse, notamment du Alien, et là, il supplée Mignola sur notamment BPRD, donc ce qui est quand même pas dégueulasse. Et assez récemment, il a rencontré James Aren, encore une fois sur BPRD, qui est, lui, pour le coup, est un petit jeune, il y a une petite trentaine d'années, et qui a un style graphique hallucinant, j'en parlerai deux minutes après. Et lorsque Arcudi, j'ai eu une interview il n'y a pas très longtemps, lorsque Arcudi a commencé à être avec Aaron, il avait déjà Rumble dans la tête depuis quelques temps, il a dit c'est bon, je veux ce mec-là. Et du coup, ils sont partis faire leur creator own. Alors du coup, c'est pas chez Dark Horse, c'est chez Image, parce que bon, Image, ils sont connus pour avoir peut-être des contrats un peu plus cool. Ouais, c'est un peu les spécialistes du creator. Ouais, creator own, en général, ils sont pas mauvais, quoi. Ils ont embarqué Dave Stewart à la colorisation, qui est le coloriste quasiment officiel de Mignola, là aussi, bon, gage de qualité. Et donc, Rumble, c'est assez barré, alors sans trop en dire. C'est un mélange de notre société actuelle, assez morose, assez triste, avec une espèce de monde fantastique un peu en parallèle. Ça commence genre un bar miteux d'une banlieue, d'une ville américaine ultra classique, qui voilà, qui est pas très excitante, avec les habitués, c'est que des clodos. Et au beau milieu, il y a une espèce d'épouvantail de 2m50 qui rêve avec une épée qui fait 2m50 de haut aussi, et qui commence à taper dans l'art et à taper justement dans un clodo. Et c'est le point de départ d'une espèce d'aventure assez fantastique. Donc voilà, on part d'un truc très très réaliste et on part dans un truc beaucoup plus surnaturel. Les dessins sont un truc de ouf. Alors le Arcudi au scénario, c'est pas extraordinaire, c'est très très classique. C'est assez cartoon le dessin. Il catch l'attention du lecteur très vite avec une scène encore what the fuck, avec cette espèce d'épouvantail qui sort de on sait pas où, qui commence à taper sur quasiment tout ce qui bouge, qui finit par prendre un grand coup de batte de baseball dans la gueule et à s'écrouler comme une merde. Et derrière, t'as le barman, plus un pote à lui, qui sont deux gentils losers, qui finissent par être les alliés de cet épouvantail. Et qui partent dans une aventure complètement barrée, complètement baroque. Ça part en saucisse de partout. Et il faut se laisser porter. C'est un peu le défaut du comics. C'est vrai que c'est super. Je suis en train de le feuilleter là. Ouais, les deux, trois premiers numéros, tu comprends rien. Tu as des scènes hallucinantes avec une hydre à 9 têtes et un mec qui joue avec dans un coin de la ville et il jette des ballons pour que l'hydre le ramène. Tu comprends pas trop ce que tu lis. Et par contre, épisode 3, là pour le coup, tu as une explication quasiment totale de ce qui se passe, qui est cet épouvantail, qui sont toutes ces créatures que tu as croisées, qui sont des créatures complètement hallucinantes aussi. Bon, Arcudi, c'est quand même assez mécanique, il faut reconnaître que voilà, il te catch l'attention du lecteur, et après il déroule. Au bout d'un moment, de manière très bourrine, tu apprends ce qui se passe. Après, il raccroche son fil rouge et puis il finit dans un torrent d'action complètement hallucinant. Alors. Pour le coup, c'est très classique. Par contre, dessus, visuellement, James Aaron, ouais, comme disait Tom, c'est cartoon. Alors, c'est pas cartoon Tex Avery, mais c'est vraiment péchu. C'est ultra dynamique. Les scènes d'action, mais tu sens bien la violence des coups, tu sens bien la vitesse des trucs. Ça me fait penser un peu au truc de Scott Snyder, Six Gun Gorilla, je trouve, les dessins. Les dessins et la patte graphique, c'est un peu, tu sais, ocre. Au scénar, c'est Simon Spurrier. Les couleurs, elles sont jolies aussi. Je trouve les couleurs, mais dans une ambiance. Simon Spurrier. Je l'avais acheté juste parce qu'il y a le bandeau. Mais Spurrier, c'est un gros taré. Moi, les couleurs, toi, t'en penses quoi? Parce que les couleurs, elles sont super immersives. C'est Stewart, c'est sombre, mais à la fois, la palette est. C'est immersif. Et pas extraordinaire. T'as du rouge sang, du vert glauque. Du orange patate, il y a pas c'est vraiment du BPRD et du Mignola dans le style. Aaron, il fait un boulot sur la création des monstres phénoménal, mais t'as tout ce que tu veux, t'as des écailles, des poils, des tentacules, des machins comme ça. Et autant pour le fond, ouais, alors ça, moi j'étais vraiment surpris. Autant pour le fond, c'est du méga classique parce que cette espèce de monde parallèle qui vit en même temps que le nôtre. Nous, on est très métro, boulot, dodo, tu vois rien, t'es dans ton truc. À côté de ça, t'as des créatures fantasmagoriques qui existent. C'est pas nouveau, voilà. T'as peut-être Underworld dans le même genre, t'as plein de trucs assez classiques. Mais la patte visuelle, ça vraiment, ça casse des culs. C'est ultra dynamique, ça envoie du pâté. Et alors, bon, là, c'est un sentiment, c'est difficile à quantifier, mais j'ai vraiment l'impression que les mecs se régalent ensemble en plus. C'est vrai que moi j'adore BPRD, Hellboy, j'en lis beaucoup, et quand il y avait James Aaron au dessin et Arcudi au scénario, putain mais ça roulait tout seul. Aaron il porte vraiment bien le scénario, le découpage des cases, la dynamique et tout, c'est vraiment vraiment vraiment bien foutu. Donc voilà, si pour un peu que vous ayez envie de lire un truc, mine de rien, un peu différent, parce que ça a vraiment un caractère très vite, surtout visuel, c'est très riche, t'as beaucoup d'action. T'as un peu d'émotion parce que mine de rien, c'est épouvantail. T'apprends vite qu'il est assez perdu. T'as deux, trois petites scènes avec son ancien chien de guerre qui sont assez émouvantes. T'as pas mal de drama parce que les deux héros, ce sont les yeux du lecteur, c'est deux gentils losers assez décalé, c'est très drôle, c'est vraiment fun, c'est vraiment fun, c'est vraiment funny, t'as pas mal de scènes vraiment vraiment cool, sans être mort de rire, c'est souvent un décalage par rapport à ce que tu peux lire en comics de super-héros. T'as une scène par exemple à un moment donné où t'as l'un des personnages principaux, le fameux barman, encore une fois qui est un gentil loser qui fait un peu ce qu'il peut. Il y a l'une des créatures qui est en train de lui expliquer tout le background de manière super sérieuse, et tu t'aperçois en fait en lisant que le type il en a rien à foutre, qu'il est en train de mater derrière l'épaule du gars, qu'il y a la gonzesse avec qui il aimerait sortir, qui est en train d'avoir un rendez-vous avec un autre mec, et au bout d'un moment t'as la créature. Ça part dans le spoil. Non, parce qu'elle est. Voilà, sans dire ce qui se passe. Mais en tout cas, Mathieu nous vend du rêve sur chacun des comics qu'il présente. Hein. Ouais. Ouais, j'ai 20%. Ça, tu vends bien. C'est rare d'être une ambiance assez particulière. Quoi. Alors, pour vous donner juste une idée du. C'est la caution gardien du temps. C'est la caution gardien du temps. Je suis obligé de dire du bien des trucs. Et bon, ça va sortir où ça C'est sorti chez Glénat Comics. C'est sorti chez Glénat et il y a eu un petit dossier pour. Autour de cette table, je ne dirais pas qui c'est, mais on a grand fan de Comics Blog. Et sur 9e art, ils ont fait un petit dossier sur les sorties Glénat parce que. Finalement, Glénat, c'est pas mal ce qu'ils font. Glénat, ils sortent des c'est vraiment pas mal. Beach Planet, ils font des bons choix. Ouais. Et ça, c'était dans les coups de cœur. Ils étaient. Mais chez Glénat, j'ai entendu dire que, en gros, je sais pas, j'étais à la PCE, j'étais dans une conversation de fans de comics. Wow. Et j'entendais dire que, en gros, le directeur de Glénat payait mal ses artistes ou des trucs du genre. Et pourquoi il payerait mal enfin, il achète des trucs. Ouais, je sais, il a des traducteurs. Mais du coup, je sais pas, apparemment, il y aurait des. Problème chez Glénat. Là, en termes de production, ils sont pas trop mal placés entre Panini et Urban. Ils ont récupéré 2-3 trucs. Bon, après, ouais, why not. Mais là, après j'ai entendu des trucs. Il achète des titres. C'est pas oui, il achète des titres. J'étais assez étonné qu'ils sortent ça, les gars. Parce que c'est quand même particulier. Hein. C'est quand même assez barré. Quoi. Et juste pour finir, coup, ça te fait chier parce que t'entends de mauvaises. Bah, juste pour finir, donc je conseille aux mecs qui ont envie de. Je m'excuse de te couper. Juste pour dire qu'en fait, Image, c'est un peu le nouvel Eldorado et tout le monde se jette dessus. D'accord. Ouais, mais en fait, moi je suis. Alors, caution gardien du temple, je suis un gros, gros, gros fan de Vertigo, de ce qui s'est fait dans les années 90 avec Karen Berger et compagnie en édition. Il y a du Sandman, il y a du Hellblazer, il y a du Preacher, il y a du Transmétropolitan, il y a du. C'est les meilleurs. Putain, faut que je le lisse. Ah, c'est les meilleurs comics que j'ai lus de ma vie, c'était chez Vertigo. Vertigo, c'est un secret pour personne, c'est complètement cassé la gueule il y a pas très longtemps. Karen Berger, c'est cassé. Celle qui l'a remplacé. Mais c'est après New 52, elle est partie en. Oui, c'est parti. Il y a la fin d'une époque, voilà. Moi, j'ai versé ma larme de gardien du temple à ce moment-là, parce que c'est la fin d'une époque qui se terminait. C'est encore plus rare que les larmes de crocodile, sachez-le. Voilà, ça le vaut du pognon, ça, là, est à la banque. Et du coup, Image a vraiment repris le flambeau et il nous sort des trucs vraiment, vraiment hallucinants. Et ça, pour le coup, voilà, si tu as envie de prendre un petit coup de risque, un peu différent. Alors, le danger de ce genre de comics, c'est que voilà, tu rentres dans un univers complètement nouveau. Il faut que tu t'habitues, voilà, que tu apprennes ce qui se passe. La suite va être peut-être un peu compliquée. Arcudi, en interview, a dit qu'il allait un peu renforcer vraiment le parallèle entre notre monde, encore une fois, qui est assez morose, assez triste, assez artificiel, et ce monde vraiment plus fantastique. Ça sort encore aux États-Unis parce que j'ai vu dans le dernier preview que le 17 était là. Peut-être que le deuxième TPB devrait sortir dans pas très longtemps. Ouais, petit coup de cœur. Vraiment, petit coup de cœur. J'ai été surpris. Et encore une fois, Aaron, bon, bah, allez sur Internet, tapez James Aaron. Si jamais vous adhérez au dessin, prenez Rumble. C'est vraiment. Je pense parler peut-être au nom du groupe, mais je pense qu'il y a un comic que vous devez acheter cette semaine. C'est peut-être celui-là. Stop. Oui, bah du coup, un peu plus de hype que. Voilà, ouais, un peu plus de hype que. Je suis plus hypé par Death of the Family que par Rumble. C'est vraiment vraiment différent. Bah, Death of the Family, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est que le Joker est vraiment bien fait. Il est vraiment sérieux. C'est pas évident de faire un bon méchant. Death of the Family, il y en a un bon, vraiment. Du coup, c'est différent. Tu veux lire du bon mainstream Death of the Family, tu veux prendre un petit risque, t'as peut-être 15€ à lancer sur un truc. Ouais, tente Rumble. En plus, c'est un truc qui va pas durer trop longtemps, à mon avis. Non, je pense que. Ouais, il y a peut-être 3 TPB en VF et c'est fini. Ouais, c'est ce genre de série qui va peut-être se terminer assez vite en fonction des ventes. Hein, ça va pas faire non plus des ventes. Enfin, bon, pour l'instant, c'est pas non plus le top de chez Image. Image, donc ça vont, quoi qu'il arrive bien, tu vois, il y a une communauté ouais, Image. Image, ils ont des ventes en TPB qui sont vraiment, vraiment pas dégueulasses en général. Tu regardes ce qu'ils font en Seagull, ils sont juste derrière les deux grands. Quand tu regardes en TPB, très bien placé. C'est la caution chiffre, mais. Vas-y. Ils sont quand même troisième éditeur du marché et les titres les plus vendus c'est chez Image quand même. Saga et Saga c'est cool. Et Walking Dead c'est chez Image. Et donc Image vont bien finalement. Image ils sont classés combien aux États-Unis? Ils sont 3e. Ah oh, putain. Ah ils sont juste après. Attends, c'est Marvel qui de Non, c'est DC qui devance en ce moment. Non, c'est Marvel. C'est Marvel si toujours. Tu veux, ça va faire... Mais avec Rebirth, c'est toujours pas DC qui devance. Non, parce que en fait Marvel a la chance d'avoir Star Wars. Si tu veux, ah oui, Star Wars, ça imprime des billets, tu vois. C'est vrai. Donc du coup, si tu veux, enfin, si tu t'arrêtes juste à Marvel et DC, c'est DC qui est devant vu qu'il y a Rebirth en ce moment. Ouais. Mais si tu rajoutes Star Wars, c'est Marvel qui les casse qui leur casse le cul. Putain, c'est. Puisqu'il est parti, est-ce que vous avez été bon? Est-ce qu'on peut parler en lui de mal? Est-ce que vous avez été hypé par son titre ou pas du tout? Moi, honnêtement, c'est celui qui m'a vendu le plus du rêve. Moi, je trouve que c'était moi qui ai vendu le plus du rêve, mais en tout cas. Entre Maxime et Mathieu. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un univers assez différent et ça me donne plutôt envie. Franchement, ouais, ça a l'air d'être quelque chose de différent. J'aime bien les petits trucs comme ça. Ouais. Un truc un peu indépendant. Comme quoi? Comme Descender un peu. Descender, c'est cool. Lisez Descender. Est-ce que tu as lu ce sera la question à chaque fois. Je l'ai mis dans le premier, je l'ai mis dans le deuxième et je le remets dans le troisième. Est-ce que tu as lu Descender? Bah alors, en fait, du coup, je voulais lire ça pour cette émission. Mais on nous a dit fais un truc un peu sur Batman et tout. À cause de ça, il a pas lu ça. Voilà. Ah, le petit bipi est terminé. Exactement. Et nous allons pouvoir passer. On va pouvoir passer au gros dossier de. You wanna know my name? Suicide Squad. I can't. Je vais remercier Faye qui m'a fait cet après-midi. Je me suis dit merde, j'étais en train de faire mes news et j'avais pas fait mon plan pour. Parce qu'il faut quand même un plan pour ce petit débat. Intro, conclusion, intro, première partie, deuxième partie. Non. Elle m'a fait un petit plan, on va suivre le plan de Faye. Ah non, et tu n'aurais pas oublié le trailer de Luke fucking Cage? Ah oui, merde, on a dit qu'il fallait en parler. On fallait le faire en news, bon, on va en parler. Je l'ai vu. Génial. Tu n'étais pas là la dernière fois, donc tu n'as pas donné ton avis sur le trailer de la CDCC. Alors, je vais te dire, avant que tu balances une blague raciste que je coupe au montage. C'est très visuel, donc ça passera pas trop en radio, mais. Donc, est-ce que Luke Cage te hype un peu? Est-ce que tu as vu l'assistant du procureur de ce trailer? Non, je. C'était une blague raciste aussi. C'était une blague raciste que je n'assume pas. oui, j'ai un peu d'attente, même si enfin, pour moi, c'était peut-être le personnage qui était le mieux réussi dans Jessica Jones. Moi, j'ai pas trop aimé Luke Cage dans Jessica Jones, mais en tout cas. Je demandais pas ton avis. Donc je vais me fermer ma gueule. Au revoir. Vas-y. Salut. Et du coup, je suis un peu hypé par Luke Cage, parce que du coup, les patrons de Netflix, dont Joe Quesada, a dit que ce serait un peu hip-hop, un peu funky. Mais je ne l'ai pas vu encore. Je te rappelle que je ne l'ai pas vu encore. Ah oui. Parce le teaser de la CDCC, oui, il y avait un petit ambiance hip-hop. Ouais. Comme le disait Mathieu la dernière fois, il y a l'air d'avoir un petit côté hip-hop et tout ouais, qui a l'air sympa. Je viens de le dire à 30 secondes, merci. Oui, je sais, mais. Non, mais en tout cas, moi j'ai confiance en série Netflix parce que pour l'instant, ça m'a vendu du rêve entre Daredevil. Moi, j'ai pas terminé Jessica Jones parce que j'ai un peu décroché au bout d'un moment. L'épisode 10 de Jessica Jones, si tu lis le synopsis, tu casses ta télé. Non mais je vais pas te faire confiance Maxime parce que tu as l'habitude de rager sur. Non, est-ce que tu veux que je l'ai appris par cœur parce que c'est un truc qui hante mes nuits. C'est de la merde ou c'est bien? J'ai du mal à ça. Alors tu vois. C'est équivalent à Liber Nero ou pas? Le synopsis c'est Jessica Jones est en danger. Pour affronter ce danger, elle va devoir faire un ami. Appel à un ami du quartier. Un ami du quartier. C'est le drogué. Et c'est Rosario Dawson. Et tu vois, dans l'épisode, elle lui dit Rosario Dawson, c'est peut-être connasse. Elle lui dit tu veux que j'appelle Daredevil? Tu veux que j'appelle Daredevil? Si tu veux, je connais un gars, il est aveugle et il défonce des gars. Non, c'est bon, merci. Oh putain, ça aurait été tellement classe. Moi, j'ai attendu tout parce que, en fait, quand tu lis le truc IMDB, IMDB, c'est un site où vous voulez voir le casting complet d'un film. Ouais. Quelqu'un a joué. Vous regardez IMDB et vous trouvez tout ça. Et moi, je me suis dit, merde, je commence à regarder machin. Je me dis, putain, merde, j'aimerais bien qu'il y ait Charlie Cox. Donc, Charlie Cox, la personne qui joue Daredevil dans la série Daredevil. Donc, je regarde le IMDB de Jessica Jones. Et tout en bas du IMDB, on voit, et introducing Charlie Cox. Et pendant toute la série, j'ai attendu que Charlie Cox arrive. Il est jamais arrivé. Jamais vu. Et j'avais un peu les boules. Du coup, je comprends un peu sa frustration de ne pas voir Charlie Cox. C'était pas très, très compliqué de ramener un petit Charlie Cox. Surtout qu'en plus, à la limite, ils auraient dit une amie du quartier ou une personne du quartier. Ça aurait passé, tu vois. Mais il y a tu vois, c'est limite, c'est en gras, c'est souligné, ça clignote. Non, mais et ça dit. Non, mais. Mais c'est bien, au moins ça met de l'attente. Ça met de l'attente et. On te, tu vois, quand tu vas après le bac, quand tu vas aller à la fac, du teasing. Tu vois, le. Alors, quand tu vas après le bac, quand tu vas à la fac, du teasing, ton premier cours de teasing, on te montre ce truc de Jessica Jones, on te dit, voyez ça. Ça, il faut absolument pas le faire. Sinon, t'as des armées de fans qui vont venir te casser la gueule. Et puis, tu vois, après, il y a marqué. Sinon, il y a un comptable qui arrive et il y a ma photo qui glisse comme ça. Putain, vous êtes allé beaucoup trop loin là, vraiment. On est en train de parler de Luke Cage. Bon, on va laisser parler Mathieu, parce que Mathieu n'a. Oui, non, mais Maxime, maintenant tu as vu ce trailer de Luke Cage, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu, Je pense qu'il y a encore cette connasse de Rosario Dawson et j'aurais préféré Charlie Cox. Oui, genre, ouais. Non, ouais. Elle fait le fil actrice. Rouge dans les séries, c'est pas mal. C'est une super actrice. Du coup, tu fais quoi le 30 septembre? Tu veux qu'on refasse pareil? On refait pareil. Challenge. On fait un podcast. Du coup, on le fait On fait un podcast avec l'équipe. Parce qu'en fait, le délire avec les séries Netflix et avec moi et Maxime, vous l'avez compris peut-être si vous avez vu nos vidéos sur la première d'avril, on regarde tout d'un coup. Il y a du binge-watching. Et en fait, on fait du binge-watching, on prend plein de bières et plein de junk food à la con. Et de cocaïne aussi. Et on a fait ça pour Daredevil saison 2, c'était très bien. Saison 1 et 2. On n'avait pas fini Daredevil saison 1 et on était arrivé à l'épisode 10 de Daredevil. Et c'est pour ça qu'elle a... Je crois que l'épisode 8-9, on l'a pas vraiment regardé parce qu'on faisait des blagues en même temps. Et que James fait des blagues racistes, faut le savoir. Coupez. Enfin bon, peut-être qu'on vous aurait droit à un podcast spécial autour de Luke Cage, on verra bien. Donc, tu es hypé par cette... Ça me plaît bien, mais le fait qu'il y ait Rosario Dawson, je me dis, pourquoi ils mettent pas Charlie Cox? Ou tu vois, où je me dis, quand même, on te dit que dans les comics, Luke Cage et Jessica Jones, ils sont ensemble, ils ont une petite fille et tout. Genre, mais ils la montrent jamais, tu vois. Mais genre, juste une photo du cabinet d'Alias, ça m'aurait suffi, tu vois. Et là, alors que là, je suis là. Ils sont pas en grand ensemble, ils sont pas en grand ensemble. Plus ou moins, quand même. Ouais, enfin, lorsqu'ils avaient commencé les productions Netflix, ils savaient pas trop où ils allaient. La première saison de Daredevil a tout cassé, ils en ont prévu une deuxième, maintenant une troisième. Peut-être le Punisher maintenant. Enfin, moi, ils sont en freelance aussi. À mon avis, ça va peut-être raccorder maintenant, mais ça a tellement marché. Est-ce que... que le trailer t'a hypé? Je reste un peu circonspect parce que mine de rien, je trouve que c'est le parent pauvre un peu des séries Netflix. Tu as un trailer un peu conséquent maintenant, ça sort dans un mois et quelques, alors qu'avant Daredevil et Jessica Jones, t'avais quand même pas mal de trucs. Avant. Jessica Jones, le trailer est un mois avant aussi, je m'en rappelle. Ah, pas plus, ouais. Non, pas plus. Parce que bah, vu qu'il y a... Ouais, bon, caution marketing me dit que j'ai tort, why not. Après, Daredevil saison 1, c'était bien, ils t'ont bien fait monter la sauce. Mais... En fait, Jessica Jones, il y avait des trailers télé et tout, même à la télé. Oui, mais du coup... Là, je trouve qu'ils y vont un peu sur des œufs. Après, quand même, tu as l'air de l'avoir déjà un petit peu vu, ça. Moi, j'attends plus Iron Fist, en fait. Iron Fist, ça part un peu différent, pour le coup, parce que t'as un personnage qui est complètement différent du reste. Là, t'as un Street Fighter avec Luke Cage, quoi. Un Street Fighter, tu l'as déjà vu avec Daredevil. Du coup, moi, je suis un petit peu inquiet, parce que j'espère qu'ils vont trouver vraiment un angle pour pouvoir aborder la série, pour pas refaire quelque chose qu'on a déjà vu avant. Jessica Jones, à la limite, 1, c'était une femme, 2, elle avait des gros problèmes psychologiques, et puis l'homme pourpre derrière avait une emprise sur elle, ouais. C'était pas inintéressant. Là, effectivement, t'as la caution hip-hop, pourquoi pas. T'as la caution black exploitation, parce que dans le trailer, tu vois bien qu'ils font du black à fond. Alors moi, du coup, il y a deux trucs que j'aimerais, c'est qu'ils changent un peu la photographie, peut-être, parce que là, c'est un peu propre pour vraiment... Mais c'est quand même John Sepia aussi. Ouais, mais qu'ils aillent à fond, quoi. Qu'ils vraiment ils trouvent une colorimétrie. Le méchant, enfin, ce qui a l'air d'être le méchant. Il a l'air pas mal. Ouais. Il a une bonne tête. Dans les 4400, c'est un super pas acteur. Vu, ouais. Après, si on devrait peut-être juste avoir un bémol, tu vois, c'est. Tu n'as pas vu la fin d'Daredevil saison 2, mais. Ouais, je l'ai pas encore vu. Je trouve que, tu vois, les séries Netflix, elles ont un problème, c'est qu'elles essayent de faire 10, 12 épisodes, voire 13 pour Daredevil, et qu'en fait, elles ont max 8 épisodes à raconter. Et j'ai... Il y a un petit ventre mou, ouais. Genre Jessica Jones, à partir de l'épisode 8, c'est la foire à la saucisse, quoi. C'est incohérence, on rallonge l'histoire pour rien. Oui, t'avais des problèmes avec Moi, j'ai un problème à l'épisode 8. Les 8 premiers sont bien. Ouais. Et après l'épisode où ils sont en prison. Après, moi, juste un dernier petit truc qui me paraissait intéressant dans le trailer, pour le coup. Et j'étais un peu déçu par la saison 2 de Daredevil, parce que Daredevil, c'est Hell's Kitchen. C'est un quartier très particulier de New York, ouais. Et tu le vois pas du tout dans la saison 2. Tu as l'impression que, après, bon, je troll un peu, mais ça peut se passer dans n'importe quelle ville. Là, pour le coup, j'ai l'impression que Luke Cage est vachement plus voisinage, vachement plus route dans son quartier. Et ça peut être cool de vraiment avoir une. Bah, Hell's Kitchen, il est à Harlem. Non il est à Harlem, ouais, voilà. Mais du coup, tu peux vraiment avoir une empreinte. Une empreinte, comment dire, de sa ville, de son coin, de là où il a grandi, quelque chose de beaucoup plus solide que, bah, que Daredevil, qui pour le coup là c'est un peu effacé. La saison 2 est vraiment concentrée sur les personnages et pas vraiment sur l'environnement, et Daredevil c'est le kitchen, quoi. Donc du coup ça va, je vais regarder comme tout le monde. J'espère être agréablement surpris, mais bon, pour l'instant ça ressemble quand même à un truc qu'on a déjà vu. J'espère qu'ils vont vraiment trouver un angle particulier et se démarquer du reste. Du coup, on va partir sur Suicide Squad, et comme je le disais, j'ai un plan rédigé par ma chère amie Faye, qui m'a rédigé un plan pour pouvoir... il est tard. Alors, on va partir sur Suicide Squad, on va rappeler le concept du film et planter le décor avec les critiques. Alors, commence pas à lire. Ouais. Alors, pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est la Suicide Squad, c'est Amanda Waller. Donc Amanda Waller, c'est une espèce d'espionne, de super espionne du gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'escadron du suicide. Ça va être relou, sinon. Dans la langue de Garou, c'est l'escadron du suicide. Voilà. Exactement. Et donc Amanda Waller a vu comme Batman que Superman pourrait être dangereux et que peut-être que le prochain méta-humain serait quelqu'un de méchant et qui pourrait venir. Sauf que sa mère, elle s'appelait pas Martha. Exactement. Et donc on pourra pas l'arrêter comme spoiler. Ça, rapidement. Donc elle se dit, merde, comment je vais faire si le prochain méta-humain vient me casser la bouche? Et ben je vais faire une équipe avec tous les grands méchants que j'ai dans ma prison. Et on va faire un escadron avec ça, et on va pouvoir casser la bouche aux méchants. Et donc dans les comics, c'est a priori ça. Et dans le film, c'est un peu ça aussi. Et donc voilà, c'est en fait le film, ça va être. C'est un bel hommage au run de John Ostrander des années 90, un truc comme ça, ouais, qui vraiment a lancé le truc du Suicide Squad, quoi. Ce que j'ai pas lu, mais que vous avez un petit gros clin d'œil dans le film. Carnu Temple qui n'a jamais lu un truc de Suicide Squad de sa vie. Mais si jamais vous regardez bien le film, vous avez le nom du building. Alors, John Ostrander. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est plus Mathieu, il est parti. C'est la deuxième. C'est Jean-Louis. D'accord, Jean-Louis. Parce qu'un gardien du temple a lu Suicide Squad. Voilà, parce que Mathieu n'a rien vu. Du coup, en fait, le film, ça va être cet escadron du suicide. On va faire un petit vote. Est-ce qu'on spoil? On fait un lever de main, ce qui n'est pas très, très, ça, très radiophonique, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on spoil? Ça va être difficile sans spoiler. Bon, mais voilà. On spoil comme ouais, alors, ouais. C'est la Suicide Squad. Ils meurent tous à la fin. Qui crée son propre problème et qui. Et qui malheureusement va devoir aller casser la bouche à la chanteresse qui est devenue méchante, enfin qui est méchante et qui à Cara Delevingne. Ouais, Cara Delevingne qui joue comme une merde. Est-ce que tu pourras raconter une anecdote? On a fini de faire le pitch. Donc, pas je pense anecdote. Que j'ai assez bien pitché le truc, vous avez tous compris. Ouais, t'as pas mal pitché. On va enchaîner avec un petit avis rapide de chacun de nous sur le film, savoir si on a aimé, si on n'a pas aimé, et voilà. Mais rapide, on va commencer par Thomas parce qu'il a envie de parler. Ok, je raconte pas mon anecdote maintenant du coup. Vas-y. Une anecdote quand elle est pertinente. Est-ce qu'elle est pertinente à ce moment? Non, mais c'est sur une échelle de. Non, sur une échelle de Sarah Pichelli à Bill Murray. Elle est pertinente comment? Non, mais je peux en rendre vraiment utile. C'est juste que je suis allé en cosplay du Joker. Ah oui, on a vu les photos sur le multiplex. Ruby m'avait fait un super maquillage. C'est pas le même. Ah, mais c'est Ruby qui t'a fait le maquillage. Oui, Ruby m'avait fait. Normalement, je me le fais moi-même, mais cette fois-ci, c'était Ruby qui me l'avait fait. Non, c'était un autre. Et donc, du coup, quand on est allé à l'avant-première, bon, déjà, on prenait tout le temps sur Snap, et quand on est arrivé à l'avant-première, tout le monde nous a applaudi et tout le monde nous a pris en photo. Et c'était une super séance, du coup, et j'ai vécu. Moi, le mec, quand je suis rentré dans le bar, il m'a reconnu, ok, moment trop famous, ok. Moment fame. Non, bon, mais les vieux qui savent pas ce que c'est Snap, c'est Snapchat, c'est une application où on envoie des photos de bits et elles disparaissent au bout de 10 secondes. Voilà. Non, bon, du coup, j'ai vécu une superbe expérience cinéma. Être en Joker en regardant l'expérience le Joker, c'était plutôt cinéma. Sympa. Non, mais comme Star Wars épisode 7, par exemple, quand j'avais vu la première séance avec tous les... Est-ce que tu étais cosplayé en Podamron ? Non. Alors, tu n'as aucune street cred. Non, mais c'est... ça fait des expériences... C'est des expériences cinéma qu'on n'oublie pas. Et du coup, ça fait partie des choses qui m'ont fait apprécier Suicide Squad. Non, mais... En... Alors, j'ai... Est-ce que Podamron est fort sensible ? Non, mais... On n'est pas sur ça. Alors, mon avis sur Suicide Squad. Alors, vraiment, on dit rapidement chacun notre avis. Un okay. avis rapide, dans 2-3 phrases. Bah, donc, du coup, pour moi, c'est un film rempli de défauts, mais ces peu de qualités me le font beaucoup apprécier. Et en gros, j'ai beaucoup apprécié ma séance de Suicide Squad. C'était un très bon divertissement. Okay. Voilà. On va passer à Mathieu. Alors, moi, je pense que... Arrête de renifler dans ton micro, c'est super casse-couille. Alors moi je pense que Podamron est fort sensitive. Voilà. Je t'aime Mathieu. Voilà, ça c'est le truc. Mais moi aussi j'ai. Je non. Non, non, non, non, on arrête. Ah, d'accord. Podamron est fini. Voilà, voilà, le temps Podamron est terminé. Moi j'ai été déçu. C'est pas un mauvais film, mais je m'attendais à tellement plus funky. Bon, on va enchaîner avec moi parce que on finira avec toi. Alors comme je l'avais dit dans le dernier podcast, je partais du film en mode. Mais ça va être forcément bien. Franchement, c'est Warner, ça peut être que bien. Et en fait, tout rappelez-vous de ce podcast. Rappelez-vous ce podcast. Le moment où c'est la désillusion. Pendant tout le film, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre ? Et j'avais tellement d'attentes par rapport à ce film. Je pense que j'aurais été forcément déçu. Enfin, j'avais tellement d'attentes par rapport à Batman Superman et j'ai pas été déçu, mais là vraiment je trouve que ça manque de plein de choses. Ok, je me calme sur BVS. Ça manque tellement de choses. Sur chaque émission, c'est lâché sur BVS quand même. Ça manque d'un vrai scénario, ça manque de... Le film, je pense que... Ouais, on va être rapide. En un mot, le film n'est pas honnête pour moi, voilà. C'est vrai aussi, mais... Bon. On va passer à Maxime. Pour moi, c'est une contrefaçon... Des Gardiens de la Galaxie, mais une mauvaise contrefaçon. Vous voyez la playlist musicale, bah c'est... Vous voyez, vous avez vu, on a tous vu ces photos sur internet des contrefaçons chinoises où il y a Batman, Iron Man et Shrek, et Spider-Man et Shrek, et c'est la Ligue de la Justice. Mais là, c'est pareil avec la Suicide Squad, c'est les mauvais Gardiens de la Galaxie. Je sors de ce podcast, il m'a tué, c'est bon. C'est... Alors. Au thème premier, alors le thème premier selon toujours le plan de Faye, c'est les persos et le cast et comment combiner les deux. On va commencer perso par perso, on va passer du plus important, je pense, pour le film. C'est moi qui commence Will ou pas Smith. Toujours on a commencé par toi et on a fini par Maxime. On va commencer par Mathieu. Au contraire, donne-nous ton petit avis sur Will Smith, son importance dans le film. Sa performance dans le film. À qui du coup à Mathieu à Maxime. Alors du coup je pense que Will Smith ça serait bien qu'il arrête la Scientologie déjà parce que du coup ça lui aspire toute joie de vivre, j'ai l'impression. Et puis j'en ai un peu marre des films où Will Smith raconte son histoire dans le film. Ouais, du coup vrai. Celle de l'histoire d'un papa je suis un gentil père de famille. Qui fera tout pour ses gosses. Ouais, mais bon, on dirait un peu la recherche du bonheur After Earth. Ouais. C'est vrai. Will Smith, c'est un peu sa filmographie. Mais sinon, est-ce qu'on parle des reshoots ou pas ? Parce que du coup, les reshoots. Ok. Et est-ce que, vu que je suis le seul qui a à peu près aimé ce film, est-ce que je peux te dire mon avis pourquoi j'aime ce film coup, et après on débat dessus. Enfin, je sais pas, se plante sur les personnages, ça va être un peu. Enfin... On va parler vite fait, t'inquiète pas. Ouais, du coup, voilà, moi, il m'a fait ni chaud ni froid et il traverse le film comme il a traversé After Earth. Alors, moi, oh putain! Will Smith. Je pense que Will Smith il aurait dû rester dans les années 90. Je pense que sa carrière aurait dû s'arrêter à Independence Day. C'était le meilleur film qu'il a jamais fait. Et je pense que ce sera le meilleur film qu'il a jamais fait de toute sa vie. Mais c'est ça, c'est After Earth. Non, c'est je suis une légende. Je suis une légende. Non, je suis une légende, c'est une grosse merde. C'est une grosse merde. Tu n'as pas lu le livre? Tu lis le livre? On avance. Bon, je n'aime pas beaucoup Will Smith, j'ai des gros problèmes avec Will Smith. Enfin, j'aimais bien, je suis loin d'être une des seules personnes au monde qui aime Wild Wild West. Je kiffe la musique. Tu kiffes l'araignée mécanique ? Ah, oh, Sonnenberg, non, c'est cool. C'est marrant, c'est marrant. Cool. Et Will Smith était marrant à cette époque-là. Will Smith était marrant dans Bad Boys. Bad Boys, c'était rigolo. J'aime pas, c'était funky. J'aime pas Bad Boys. Mais j'aime bien Men in Black, le 1. Oui. Il y a eu d'autres. Ouais, t'aimes pas le 3 quand ils vont dans le passé ? Non, bizarrement, non. Et je pense qu'il aurait dû rester à ça. Et je pense que, comme disait Maxime, il aurait dû arrêter de faire arrêter la scientologie et arrêter de vivre tout court. S'il peut arrêter de faire des enfants aussi, ce serait bien. Bon, ça, les enfants, à la limite, il fait ce qu'il veut. Il est pas obligé de jouer avec. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est un noir et que. Je vous l'avais dit, n'est-ce pas ? Donc, j'ai pas aimé. Enfin, j'avais confiance. Je me disais, oh, ça, il va peut-être redevenir cool et tout. Dans les trailers, il avait l'air marrant et tout. Et ça reste du Will Smith. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il refait le même rôle qu'il a toujours fait. C'est pas Deadshot. C'est pas un méchant. Il est pas méchant. Et c'est ça le problème. Alors, de mémoire, c'était pas lui à la base, Deadshot. Hein. C'est le deuxième choix en acteur. Non, il me semble que c'était Captain. Il me semble que c'était pas. C'est Captain Boomerang le deuxième choix. Non, Tom Hardy devait faire Captain Boomerang. Ah, ça aurait été cool. Non, Captain Hardy devait faire Rick Flag, pardon, excusez-moi. Rick Flag, voilà, pardon. Tom Hardy devait faire Rick Flag. J'aurais trop aimé en Boomerang. Non, moi, juste bon, pour parler sur les persos, j'ai Corneille, il sauve le film. J'aime pas cet acteur. Boomerang, il a trois scènes. On parle de Will Smith et on est à Dick. On parle de Will Smith. Alors, en fait, non, juste, je suis désolé par rapport au plan de Faye. Je vais pas uniquement parler de Will Smith parce que c'est vraiment un tout sur les personnages qui m'a posé un problème. Suicide Squad, ils nous ont vendu une équipe de tarés, une équipe de psychos. C'est de pas des méchants, c'est pas des méchants. Non, mais une équipe, vraiment une équipe. Et jamais cette équipe, elle fonctionne. Jamais, à un moment donné, moi je me suis dit, putain, elle les gars. Elle fonctionne pour des raisons complètement random et même pas. Ça tient pas la route. C'est même pas une équipe, c'est des duos. Parce que du coup, c'est Harley Quinn et ses potes. Genre, ouais. Tu vois, Harley Quinn et Deadshot, Harley Quinn et Captain Boomerang. On peut parler de Will Smith. Moi, il m'a effectivement, il tire la couverture à lui et Harley Quinn. C'est les deux seuls personnages de la Suicide Squad qui vraiment ont beaucoup de temps d'antenne. Les autres en ont beaucoup moins, ce qui est dommage. Et moi, ce qui va vraiment gêner, c'est pas vraiment le jeu d'acteur de Will Smith, c'est vraiment le déséquilibre que tu peux avoir. Rien que dans le début du film, la présentation de Will Smith va te prendre 10 minutes, Harley Quinn 10 minutes, le reste, c'est escampé. En fait, je sais plus qui, je crois que c'est le joueur de René qui disait ça. T'as 60% de Will Smith, 30% dans les Queens et le reste. Alors après, la vraie question, c'est à quel moment ça s'est passé, ça. Moi, je vais être curieux des rushs. On en parlera tout à l'heure. Mais il y a vraiment beaucoup de rumeurs comme quoi Will Smith aurait fait chier en mode. C'est pas étonnant. Si je suis dans le film, je veux ça, je veux ci, je veux lui, je veux mi. Et apparemment, il y a eu des reshoots parce que les studios pensaient qu'il n'y avait pas assez de Will Smith. Moi, sincèrement, en termes de Deadshot, il m'a pas dérangé plus que ça. Le côté paternel, c'est pas un vrai, enfin, le côté borderline. Par contre, effectivement, encore une. Le côté borderline. À quel moment, Deadshot fait un truc méchant. Mais ah non, mais méchant. C'est le plus. Mais il y a pas de méchant dans Suicide Squad. Hein. La seule chose qu'il fait de. C'est quasiment tous gentils. Même qu'il leur croque, est gentil. Quoi. Il tue juste un mafioso. Oui, ouais, voilà, mais le ton du film est raté. Hein. Enfin, on en parlera peut-être après sur le truc, ouais. Mais au niveau des personnages, voilà, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'il y a un gros déséquilibre. Et quand tu sais que David Ayer voulait réaliser, il a le fantasme de réaliser La Horde Sauvage avec tous ces méchants qui débarquent comme ça, le voir faire un truc aussi déséquilibré, on va avoir le même débat qu'avec BVS. À quel moment David Ayer, c'est sa vision, à quel moment le studio arrive. Petite anecdote, David Ayer avait un projet avec Warner. Pendant la production, pendant Paris, il était en train de produire Suicide Squad et il était en même temps en post-prod pour un autre projet avec Will Smith encore. Et pendant la production, Warner lui a fait « Fuck, on revend tout à Netflix ». Ça veut pas dire grand-chose, mais à mon avis, c'est symptomatique de David Ayer qui... Mais pour revenir au réalisateur qui a pas le choix de faire ce qu'il veut vraiment... Enchaîne sur Will Smith. Ouais, sur Will Smith. Sur Will Smith. Bien sûr, Will Smith, j'ai pas grand chose à dire. Enfin, vous avez presque tout dit, quoi. Will Smith joue Will Smith, rien de spécial. Et après, ça m'a. Enfin, le seul truc qui m'a dérangé, c'est qu'il, comme le disait Mathieu, c'est qu'il prend trop de place dans le film. Mais après, le personnage en soi, je l'ai beaucoup apprécié. Je veux dire, son côté badass, et je trouve. Il... Si, quand il tue tous les. Poum, poum. Enfin, je trouvais que la classe était. Je trouvais que la scène de la NRA, tu vois. Donc, si t'aimes la NRA, oui, c'est badass. Hein. Je trouvais que la scène était classe en elle-même. C'est pas badass. pas trash. C'est, mais j'ai pas dit que c'était trash, j'ai dit que c'était badass. Bad, quelqu'un de badass, c'est quelqu'un qui. Non, qui pas forcément. Si, bah, non. Le badass, ça veut dire quoi? Je sais pas, qui déchire sa race, quoi. Je veux dire. Bah non, badass, ça veut dire. C'est être un non, mais en tout cas, je trouvais que. Oui, il est héroïque, mais je veux dire, en tout cas, j'ai apprécié les scènes où il était. Le seul défaut, c'est qu'il prend. Oui, voilà. En gros, voilà. Mais le seul truc, c'est qu'il prend trop de place par rapport aux autres personnages. C'est ça qui est dérangeant. Parce que j'aurais voulu que chacun des personnages ait un traitement un peu comme Deadshot, quoi. Qu'on prenne du temps sur eux. Genre Killer Croc. Killer Croc est un super bon personnage. Et là, on a que dalle sur lui. Killer Croc ne sert à rien. Il écoute, il regarde MTV et il regarde des boules de noir qui dansent comme ça. Mais bon, après, je rappelle que j'ai bien aimé le film. Hein. Bon, après, j'ai bien aimé le film. Hein, donc, mais voilà, il y a beaucoup de défauts. Ouais. On va parler de Harley Quinn puisque c'est la deuxième personnage. Ouais. Tu vas enchaîner. Ok. Bah moi c'est l'un des gros points forts du film et c'est avant tout pour ça que j'ai aimé le film, c'est par rapport à ces personnages et je trouve que Harley Quinn, j'ai beaucoup aimé sa relation avec le Joker dedans. Le fait. Attends, laisse-moi terminer parce que je sens que je vais me faire engueuler, mais en gros j'aime beaucoup le fait que cette fois-ci le Joker et Harley Quinn soient chacun dépendants l'un de l'autre, un peu comme dans le comics que j'avais présenté la dernière fois, Joker de Brian Azzarello. On voit que le Joker a besoin d'Harley Quinn, et je trouvais ça vraiment classe qu'il retourne la situation, et j'ai tellement kiffé ça, qu'ils prennent le risque de faire ça, et que ça soit bien exploité, parce que j'ai aussi beaucoup aimé sa relation avec Joker, et je trouve que Jared Leto joue Paul, super bien si le tu Joker, nous écoutes, avec un... Je pleure pour toi. En tout cas, D-I-N-I. En tout cas, dans son histoire, quand on raconte son histoire, tout ça, je trouvais que le Joker jouait... Enfin, beaucoup de gens ont critiqué le Joker, mais je trouvais qu'il était excellent avec un côté assez félin et je sais pas, j'aimais beaucoup ce Jared Leto. Tu vois, on va faire la roue de la... pas le, la famille en or. On va l'interroger 100 personnes et tu vois, les gens vont leur dire, quand vous pensez au Joker, vous dites quoi? Félin. On va voir combien t'as de réponses. Non mais il avait un truc animal quand il se rapproche. Enfin, j'aimais beaucoup le jeu de Jared Leto, bien qu'on ait rien du Joker, c'est insupportable. Mais après voilà, moi j'ai beaucoup aimé Harley Quinn, sauf son retournement où on peut spoiler du coup à la fin où elle fait non, c'est mes amis, t'y touches pas. Je fais mais que... ah ta gueule. c'est même pas un retournement, tu t'y attendais tellement. Quoi. Ouais, mais c'est bon. Mais après en tant que divertissement, j'ai beaucoup apprécié ce film et j'ai beaucoup... Et Margot Robbie, je trouvais qu'elle jouait très bien Harley Quinn. Enfin, elle a fait ce qu'elle avait à faire et je trouve que j'ai très peu d'attentes sur le film. Et le peu de ce que j'avais regardé en bande-annonce, bah, je m'attendais à... Je savais très bien que ça allait pas être plus que ce que j'ai vu à l'écran, en tout cas. Okay, moi, je m'attendais pas à grand-chose. Donc Harley Quinn, moi, il y a deux choses qui m'ont dérangé. Bon. Bah, je trouve que Margot Robbie s'en sort bien. Elle est ce qu'on attend d'elle. Elle est faux-folle, elle est excentrique. Elle campe bien le personnage. Même si elle a pas mal de temps d'antenne, il y a quand même beaucoup de personnages. Donc elle le fait pas mal. Il y a plusieurs trucs qui m'ont gêné. Il n'y en a pas que deux en fait. Le premier, c'est que, faut être sincère, tu vas sur une opération paramilitaire, que t'amènes Deadshot, ouais. Que t'amènes Boomerang, ouais. Que t'amènes Killer Croc, ouais. Que t'amènes une gonzesse en mini short avec une batte, non, enfin, qu'est-ce elle a rien. Bon, voilà. Bah, après, bon, c'est pas grave, c'est la caution sexy du film. Why not, on est là pour vendre des tickets. Le personnage est mal écrit. C'est pas la faute à Margot Robbie, mais effectivement, quoi, je rejoins ce que dit Tom. Il y a des trucs intéressants avec elle. Elle est folle alliée. À un moment donné, t'as une scène où les rares scènes de où tu parles un peu de l'équipe, où elle te dit on est des désaxés, on est des asociaux, où personne ne veut de nous, un truc comme on ça. On n'est pas normal, on n'a pas droit à avoir une maison, un crédit et je sais pas quoi. Ah, cette scène, elle est tellement... Bah, moi, c'est l'un des rares trucs où tu voyais qu'elle avait un peu plus de profondeur, mais juste derrière, tu as la relation avec le Joker qui est vraiment basique. Et le Joker, pour moi, j'aime bien Jared Leto, je pense que c'est un bon acteur. Le Joker, pour moi, c'est Doomsday dans Batman Superman, il sert à rien. Il alourdit le film. Give that man an Oscar. Voilà. Non, mais il a... Bon, c'est peut-être la caution vendeur parce qu'il fallait mettre le Joker. Il sert à que dalle. Même pour le personnage de Jared Leto, il n'a pas suffisamment d'espace pour vivre. Il est très, très basique. Bon, il est fou. Voilà, il est fou allié. C'est pas très creusé. Il sert à que dalle. À la limite, j'aurais kiffé de voir Harley Quinn qui envoie des sextos ou un truc comme ça pendant tout le film au Joker, quitte à voir un Suicide Squad 2 où tu le verras en plus important. Là, le mec, il prend l'espace pour rien. Même lui ne peut pas exister. Sa relation avec Harley Quinn est vraiment basique. Elle s'en sort bien, la petite Margot Robbie, mais ouais, c'est, son personnage n'est pas très très bien écrit. Et je me... Vas-y, vas-y, Tom. T'as pas de micro. Et du coup, enfin, personne n'est d'accord avec moi pour dire que le retournement de situation, que chacun soit dépendant de l'autre, ça vous a pas plu, en fait. Si, mais l'idée est pas mauvaise, mais c'est pas le but du film. Le but du film, c'est que t'as une méchante, t'as une équipe suicide, t'as des mecs complètement tarés qui vont peut-être tous rester. Ça, c'est secondaire et c'est too much. C'est vraiment trop. Il y en avait assez avec tout le reste du merdier. On en parlera peut-être après du reste des personnages. Ça, ça aurait été sympa, mais éventuellement, peut-être dans un 2 ou ailleurs ou un truc comme ça. Ouais, mais c'est vrai qu'après, comme l'a dit Jared Leto, il a dit, en gros, on pourrait faire un film complètement sur le Joker avec toutes les scènes coupées qu'il y a. Director's Cut. Ouais, un court métrage quoi, de 20 minutes. Non, mais on l'aura, Director's Cut dans 6 mois. Il y a ce que j'ai dit, apparemment, il y a 20 minutes qui ont été coupées. Ouais, il y a 22 scènes qui ont été coupées. Moi, ça continue, les films de la Warner, je vais pas les voir au ciné, je vais attendre Director's Cut. Est-ce qu'ils vont sortir celle de ailleurs ? C'est pas dit. Parce que les relations que à Snyder avec la Warner, c'est pas la même que celle qu'ailleurs avec. Le film se prend un peu de bashing, visiblement, en termes de critique, vu que... Et puis, en termes de chiffres, ce qui intéresse les gens de la Warner, le mec prend un moins 50% en fréquentation sur son deuxième jour, tu vois. Ouais. Alors genre, le vendredi, il fait un score de fou, et genre, le dimanche, les mecs, ils sont là en mode, bim, moins 50%. Visiblement, ils ont vraiment beaucoup... Oui, non, ça, on en parlera peut-être après. Là, on est sur les persos, mais effectivement... Non, mais sur les mêmes, enfin, ça rejoint peut-être ce qu'on va dire tout à l'heure sur les persos. Il y a vraiment des problèmes de caractérisation, de temps d'antenne et de. Tu sens ce qu'ils ont voulu faire. Pas équilibré. Voilà, tu sens qu'il y avait du potentiel, il y avait plein de trucs. Il y a des scènes qui ne fonctionnent pas avec ces personnages. Tu sens bien que c'est pas nouveau. Ils ont fait pareil avec BVS. Au montage, il y a eu un problème. Alors, moi, je vais passer sur Margot Robbie sur le Harley Quinn. Je pense que c'est un des points forts du film. Harley Quinn est sympathique. Margot Robbie joue bien. Margot Robbie a bien capté ce qu'était, ce que pouvait être Harley Quinn. La relation avec le Joker est pétée. Enfin, pour moi, ce que peut être, ce qu'est Harley Quinn depuis 3-4 ans. Ce qu'elle vend. Ouais, bah, c'est ouf. Il y a un truc qui m'a posé problème que vous n'avez pas encore parlé, c'est son hypersexualisation. C'est à trop appuyer, quoi. D'accord, on a compris qu'elle était bonne, mais pour l'avoir vu en VF, il y a vraiment un moment où en VO, il lui dit ouais, t'es complètement folle, et en VF, il la regarde et lui dit putain, qu'est-ce que t'es bonne. Mais je vois pas pourquoi elle est déjà à moitié à poil. Ça sert à quoi d'appuyer cette avec des vannes sexistes et des trucs comme ça. J'ai trouvé ça tout vraiment hors propos. La scène avec Common dans le bar avec Joker, hein, je trouvais ça nul à chier. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un problème avec ce Joker et qu'il y a vraiment un problème, peut-être pas avec Harley Quinn, parce que je pense qu'une Harley Quinn avec exactement le même temps de trucs, ce serait bien, mais il faut enlever tout le reste avec. Mais pour revenir à la scène du bar, t'as pas aimé la scène du bar ? Non, je connais. Moi, je trouvais que la scène du bar était cool parce que ça reprenait encore. Comme je disais, le Joker de Brian Azzarello. Ça, c'est pas mon Joker du tout. Je trouvais ça cool, moi, justement. Joker, c'est quelqu'un qui manipule Harley Quinn, mais qui sont pas les couilles, en fait. Oui, je sais, mais pourquoi... Le Joker, c'est la némésis de Batman, Et pourquoi rejeter cette interprétation-là? Parce que je la trouve cool. Joker. Bah si, c'est pas ton Joker à toi. Mais c'est un Joker... On nous propose quelque chose de différent. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on nous propose quelque chose de différent avec une interprétation assez proche moment, du Joker de Brian Azzarello. À faire différent, tu perds l'essence de ton personnage. Ouais, tu vois, c'est comme... À vouloir faire trop différent, à vouloir trop coller, tu perds sur les deux tableaux. Tu perds les gardiens du temple qui sont là en mode tu mets des coups de là dans mon temple. Tu m'as perdu, ça y est. Ouais. Et après, tu perds potentiellement les nouveaux lecteurs, les nouveaux arrivants qui sont là, mais... Ah ouais, donc en fait, Harley Quinn, c'est une pute. Moi, la relation que j'ai... C'est l'image que tout le monde a d'Harley Quinn avec les jeux Arkham. Hein, Tu as rejoué aux jeux Arkham il n'y a pas longtemps ? Non, mais je veux dire, par rapport au public un peu plus ouvert, la plupart des gens... un peu plus ouvert, Harley, je veux dire. Harley Quinn, public, dans les deux jeux Arkham, elle a un pantalon. Elle a un pantalon et... elle a un pantalon, putain. Mais non, du coup, non, mais... Mais dans les comics, finis, ça allait en short. Non, je veux dire, pour le public, comment on dit ? Mainstream. Le public. Harley Quinn est une. La tranche d'âge qui vise en ce moment, c'est. Enfin, c'est. Je veux pas être contre toi, c'est pas ta tranche d'âge qui vise. C'est 25-35. Vas-y, t'inquiète, je sais que j'ai une réputation de. De génération d'immature, mais. Je vais citer un grand homme que je respecte beaucoup et que j'apprécie beaucoup, qui a dit un jour. Le grand public a toujours tort, c'est des connards. c'est moi qui dis ça. Non, c'est pour te dire que les gens qui ont du fric, qui sont prêts à dépenser en ce moment, c'est les 25-30 ans, c'est notre tranche d'âge. Et notre tranche d'âge, elle a grandi avec le film, avec le dessin animé de Batman, de Paul Dini et de Bruce Timm. Et enfin, c'est eux qui ont créé cette relation avec le Joker. Et je pense que c'est eux qui auront la meilleure jusqu'au bout, parce que là, c'est pas la bonne. C'est pas celle avec laquelle j'ai grandi et c'est pas celle que je veux voir. Je pense que Maxime est d'accord avec moi. Oui, mais c'est. Mais regarde, moi aussi j'ai grandi avec ce dessin animé de Batman de Tim. Dans ce dessin animé, à aucun moment. Moi aussi j'ai grandi avec le dessin animé des années 90. Mais moi je voulais voir justement quelque chose de différent. Enfin moi aussi j'ai grandi avec ce dessin animé et ouais mais à ce moment enfin du coup voilà tu vois, je voulais voir c'est là où je trouve que t'es pas cohérent parce que tu vois tu dis que le Batman qui bute ça te gêne, que le Batman badass ça te gêne. Mais du coup tu vois et genre du coup c'est un Batman différent. Pourquoi tu l'acceptes pas ce Batman là et t'acceptes Harley Quinn pute et le Joker macapute tu vois parce que pour moi dans la scène du bar oui. c'est limite il lui dit bon vas-y Non mais justement, c'est ce que j'aimais, c'est humaniser le Joker justement. Et pour en revenir à ce que tu disais, c'est que sur Suicide Squad j'avais vraiment zéro attente alors que sur BVS j'attendais vraiment quelque chose de comme je te l'avais dit, comme on avait débattu pendant hyper longtemps, une conversation comme Daredevil avec le Punisher, tout ça. Moi, de Suicide Squad, j'attendais rien du tout. J'attendais juste qu'on me montre quelque chose de fun et de nouveau. C'est la seule chose que j'attendais de Suicide Squad. Alors qu'au BVS, j'avais des grosses attentes dessus. J'ai été grandement déçu par le film. C'est pour ça. Je voulais dire un truc, j'ai oublié de moi. Parce que quand j'ai reparlé de BVS, ça t'a perturbé. qu'est-ce que je voulais dire ? Putain, tu fais chier, c'est intelligent en plus. j'étais toujours sur Harley Quinn et elle est bien mais elle est pas caractérisée comme il faut et bon après je suis d'accord elle est hyper sexualisée de fou ah, c'est ce que je voulais dire tu veux dans le film ils humanisent le Joker. Ah, il veut me clasher encore par rapport à BVS il a encore la rage tu vois ils essayent d'humaniser le Joker mais il faut pas humaniser le Joker le Joker c'est le chaos pur tu sais pourquoi celui du Dark Knight il est tellement bien. C'est parce qu'il a tellement de facettes différentes de jeu que au final, tu sais pas vraiment qui il est. Moi justement, je trouve que rajouter un côté humain au Joker, c'est ce qui le rend encore plus flippant. Parce que le rendre plus proche de nous, ça veut dire que l'être humain peut être encore plus flippant. Est-ce qu'il y a un seul moment dans Suicide Squad où il t'a fait peur ? Et en même temps, le film est classé dans des bas âges de merde, moins de 12 ans, alors qu'il est moins de 13 ans. Donc du coup c'est sûr que ça allait pas faire peur mais je veux dire en tout cas tu vois que le Joker effraie beaucoup les gens et je trouve que enfin moi en tout cas il effraie personne moi en tout cas parce que le mec il le voit il rigole hein. Le mec il chope avec sa chemise à fleurs le mec il est putain vas-y t'es mon pote et pisse hein. Non mais en tout cas enfin c'est mon avis hein. Après vous pouvez ne pas être d'accord mais je trouvais que le peu de scènes où il est le Joker prend vraiment toute la place des scènes où il est, en tout cas. Les scènes où il est, je trouve qu'il prend vraiment beaucoup de présence. Après, c'est peut-être parce que je suis un gros fanboy du Joker et que j'aime beaucoup Jared Leto, mais en tout cas, quand il est là, il prend beaucoup de présence pour moi. Ouais. Pour moi, en tout cas. On va passer à Maxime. Petit avis. Allez, j'essaie d'être succinct et ça va aller très vite, tu vas voir. C'est une pute. Non, tu vois, outre le fait que c'est une pute et que j'aime pas ça et que l'autre, c'est un mec. J'ai l'impression que je pourrais le voir au bois de Boulogne en train de déposer des putes. Enfin, bref, du coup, tout ça pour dire, enfin, je vais en parler, tu vois, je vais venir sur l'hypersexualisation, tu vois. Parce que tu vois, on disait tout à l'heure, ils ont copié Marvel sur les Gardiens de la Galaxie, tout ça. Mais tu vois, à copier une héroïne, mais copier Rey, putain. mais faites une nana que tu vois, que j'ai envie, tu vois, que j'ai envie d'appeler ma petite fille Rey, que j'ai envie de lui dire, mais tu vois, regarde tout ça, ça, il faut que tu sois comme elle est trop bien. J'ai envie, tu vois, enfin, j'ai pas envie, tu vois, de montrer, ça me fait honte, tu vois, de me dire, putain, si jamais un jour j'ai une gosse, qu'elle regarde ça. Moi, j'aimerais tellement pas que ma fille s'inspire d'Harley Quinn, je serais un peu triste quand même. Tu vois, par rapport au dessin animé de Batman, que tu vois, je trouve que dans. Ce serait une mauvaise idée. On parlait de Mad Love tout à l'heure, mais tu vois, je trouve qu'à la limite, la relation qu'il y a dans Mad Love. le moment est super intéressante aussi, où elle est là, où elle est amoureuse et perdue de ce gars, tu vois, je me dis, ok, tu vois, ça va. Pour moi, c'est plus acceptable, tu vois, qu'elle tombe amoureuse d'un gars, qu'elle fasse des conneries sur conneries sur conneries, qu'en fait, non, ça soit juste une meuf qui c'est une pute et qu'elle, dès qu'il y a un gars, elle lâche des barreaux pour le chauffer, tu vois. Et, ouais, moi, je et trouve tu vois, il que... y a copié quelqu'un, mais copié ce qu'ils ont fait sur Star Wars. Une héroïne classe, badass, qui casse des bouches et que, tu vois, tout le monde a envie de... Bah, dans tout ce que tu dis, classe badass, c'est Harley Quinn, hein. Oui, ou Wonder Woman, tu vois, et à la limite, et... à t'identifier à quelqu'un, mais copier ce qu'ils ont fait sur Wonder Woman, enfin, je sais pas. Mais t'as pas ce qu'ils ont pas compris, ce qu'ils font, ce qui est gâché dans le ton, c'est que la Suicide Squad, c'est pas des gens auxquels tu vas t'identifier et auxquels moi, quand je lis de la Suicide Squad, j'ai pas envie de m'identifier à Deadshot ou à, ouais, ou à Killer Croc. C'est des gens qui font peur. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Ouais. Enfin, tu vas t'identifier dans leur, dans non, leur défaut, tu, pas tu, dans oui, leur... Oui, voilà, tu peux t'identifier éventuellement sur le fait que ça soit des... Enfin, c'est un peu hardcore ce que je veux dire, mais des hors-sociétés, c'est pas vraiment... Ils sont pas... Oui, on a tué personne, nous-mêmes, aujourd'hui, en tout cas. Mais je les types pas. Sont... Ouais, non, Thomas, non. A priori, bon, remarque... Est-ce que tu as eu des nouvelles de Liber Mero récemment? Puis je vous rappelle qu'on est quatre, on est dans un endroit qui est fermé, personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne sait où on est. Voilà, personne ne sait où on est, donc... Bon. Il n'y a pas de réseau. Et il n'y a pas de raison. C'est, oui, c'est le truc qui m'a plu sur Harley Quinn, d'accord, elle est hyper sexualisée, mais c'est quasiment la seule qui envoie des ondes justement du fait qu'elle est perdue, ouais, qu'elle ouais, le ouais. sait, qu'elle sera... C'est la seule qui est vraiment vilaine au final. C'est la seule qui est vraiment, je trouve, un peu plus complexe parce qu'elle se raccroche au Joker, parce que c'est son point d'ancrage, effectivement, parce qu'elle a craqué à un moment donné. Mais mine de rien, sur la fin du film, elle se raccroche à tous ses amis de l'équipe. Et elle a une espèce d'appel comme ça, où elle a besoin de quelque chose. Et dans ce truc-là, j'ai trouvé intéressante. Mais encore une fois, pas très bien écrit et pas du tout mis en valeur au cinéma. On va enchaîner sur tout le reste du cast. Du casting de la Suicide Squad. Ah bah... Non mais Captain Boomerang, il vole tout. Captain Boomerang est génial. Il a trois scènes, il est formidable. Kinnaman est pas si mauvais. Moi j'ai beaucoup aimé Slipknot. On le voit 20 secondes. Et tu vois... Ouais, mais Slipknot, c'est vraiment ce qui va pas dans le film. Ouais. Le type fait partie de l'équipe, il a une ligne de dialogue, il tient 4 minutes. C'est le symbole du décalage qu'il peut y avoir. Alors qu'ils ont un gros problème avec ce qu'ils nous ont vendu l'année dernière, entre guillemets, à la Comic-Con, avec des pré-trailers où vraiment tu avais l'équipe qui était, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, très équilibrée. Quand tu vois le film, tu dis non, mais attends, il y a un truc qui pose problème, on va en parler vite fait, parce que je trouve que c'est symbolique de toute l'équipe, c'est la présentation de le début. En training montage, le début, qui a été imposé par Warner, et je trouve qu'il est nul à chier. L'idée est pas mal. Je me dis, tu vois, ça te permet en 20 minutes, allez, même pas 15, t'as expédié tes 10 persos. L'idée est bonne. C'est pas comme ça que j'ai envie de comprendre. Oh, c'est funky. C'est pas un jeu vidéo, putain de merde. Non, mais après, ton film dure 4 heures, tu vois. Non, mais c'est péchu, c'est funky. Ouais, l'idée, je trouve bonne. La réalisation, un peu moins. Je trouvais que t'avais un décalage avec ce qu'on voyait d'habitude dans les films de super-héros qui était assez intéressant. Où là, pour le coup, entre guillemets, tu prends pas les spectateurs pour des cons. Les mecs sont là pour voir un film de super-héros, et ben tu les présentes comme des bourrins, tac, tac, tac, tac, avec points forts, points faibles. En plus, si jamais tu lis, tu as le temps de lire ce qui se passe à l'écran, les points forts, les points faibles, souvent, il n'y a que des conneries. Ça, c'était assez drôle, c'était assez original, mais encore une fois, ils l'ont foiré parce qu'ils te présentent Deadshot et Harley Quinn pendant 25 minutes, et il ne reste que dalle. Mais l'idée était pas mal, et tout le film, c'est ça, des bonnes idées, mais... Et je passe le micro, il trépigne. Non, mais c'est justement ce que je... Non, mais en vrai, je suis pressé, mais j'étais d'accord avec Mathieu à moitié en fait. Enfin, je trouve que beaucoup l'ont dit, mais en tout cas, la première partie de Suicide Squad, moi je trouvais qu'elle était vraiment géniale et c'est vraiment la seconde partie. Du moment où ils arrivent en ville, ouais, c'est vraiment ça. Moi je trouve que la présentation des personnages était. On change de trottoir. Non, mais en tout cas, la partie 1, moi je l'ai trouvé vraiment géniale. La présentation des personnages, je trouvais ça plutôt cool. Bon, bien sûr, Deadshot prend plus de place, mais et j'aimais bien la présentation de Batman, justement, dans... Ah, c'était... Non, et de voir que Batman, c'est une sorte de méchant pour les vilains, je trouvais ça cool. Ouais, mais c'est ce qu'ils avaient promis, et ça allait pas du tout dans le film. Ça allait pas du tout. Moi, justement, je trouvais... Mais tu vois, ridicule. La scène avec... Non, mais... On a fait tout un flanc sur Martha il y a une émission de cela, comme quoi c'était la pire idée du monde et tout. Et là, t'es en train de dire, oui, bah alors Batman qui menace un mec devant sa fille, ça va, c'est normal, ça passe. Ça va, ça va. J'accepte. Non, c'est plutôt l'image qu'ont les vilains de Batman que j'aimais bien. De voir que Batman, pour eux, est vraiment. Enfin, l'idée, bien sûr, après, c'est mal exploité, mais. Il est pas montré vilain, tu vois. Enfin, bah, il si. Il est montré dans l'ombre un peu. Si, il est montré comme un méchant. Non, mais tu vois, genre, tu vois le plan Deadshot, tu le filmes quand il marche dans la rue, tu le filmes de haut, et tu vois ouf, une ombre qui passe, puis une ombre qui passe. Et puis tu vois, genre, tu vois des. Ouais, menaçant, je trouve. Là, c'est pas menaçant du tout. Non, mais je trouve cette scène cool parce que. Une image. Il serait arrivé en mode Deadshot, il serait arrivé derrière lui et il lui aurait fait. On sait pas du tout. Il lui aurait tapé sur l'épaule comme ça. Ça aurait été exactement le même effet pour moi. Non, mais c'est pas, non, moi, c'est pas ça qui m'a. Au Burger King, ils auraient dit. Eh hey, mec, tiens, je vais t'arrêter. C'est exactement la même chose. Non, moi, c'est. Non, genre, à moi, plus impressionnant. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Je parlais pas de sa scène en soi-même, au niveau de la réalisation ou quoi que ce soit, je parlais plus de que le fait que Batman a un rôle de méchant par rapport au vilain et je trouvais ça cool. Il est pas montré méchant. Si, largement, il prive pas Deadshot Will Smith de sa fille et je trouvais ça intéressant. Enfin voilà, c'est un parti pris que j'ai bien aimé. Tant qu'on est sur Batman dans la ruelle, je sais pas si vous avez remarqué, ça m'a sauté au deuxième visionnage, mais Batman bouge pas. Ben Affleck ne bouge pas. Ben Affleck est toujours droit, et du coup, je pense que Ben Affleck a dit non, mais mec, c'est de la merde ce que vous faites. Et du coup, ils ont pris un cascadeur qui a bougé le bras et c'est tout. Non, mais la scène post-générique, rien que l'idée d'avoir fait une scène post-générique, c'est bon, on décide clairement d'imiter Marvel à donf. Ils sont allés trop loin dans le délire. Enfin, comme j'ai dit, après, j'ai bien aimé Suicide Squad en soi parce que c'était un bon divertissement, mais c'est la seule chose. Et les personnages que j'ai beaucoup kiffé, mais après, c'est rempli de défauts. Enfin, ils ont carrément. Warner ont carrément oublié leur parti pris. Enfin, là, c'était pour moi voir un film Marvel, mais en plus basse qualité limite. C'est la première fois de ma vie que je cite cet homme en disant qu'il a raison. Non, mais après ça, le seul. Non. Mais après, c'est la deuxième fois. Par rapport à un film Marvel, c'est qu'on avait le droit à voir Harley Quinn et Joker. Même s'ils avaient mis tout l'argent du monde. C'est mon côté fanboy qui parle. Et tout le meilleur casting du monde. Tu sais pourquoi ce film aurait été nul, quoi qu'il arrive? Non. Dans les Gardiens de la Galaxie, il y a Chris. Avis sur le reste du casting. Reste du casting, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est très déséquilibré, ce qui est vraiment dommage. Moi, j'ai bien aimé Amanda Waller, belle peau de vache, saloperie. Viola Davis, c'est super. Ouais, mais pour le coup, le seul personnage presque, j'ai envie de dire, bien écrit, parce que très peu de scènes, mais il y a quand même une scène hardcore de désingage d'informaticien, très expéditive et peut-être la scène la plus violente du film. J'ai bien aimé l'Enchantresse pour le côté tribal, les effets visuels autour. Ouais, rapidos. Ouais, non, après, bon, c'est pas un vrai acteur. J'attendais rien de plus. Après, j'ai un problème avec El Diablo. J'ai bien aimé le personnage parce que justement, pour le coup, il avait un truc un peu différent. J'ai vu qu'en VO. Alors, mais, il aurait dû réussir dans Warcraft, dans Diablo 3, c'est ça ouais, El Diablo. El Diablo, si. Non, mais c'est symptomatique. Carolone. Je pense que c'est symptomatique du film. On parlait tout à l'heure de la scène des Martha dans BVS. Je pense qu'il y a une scène pire dans celui-là. La scène où il se fait pépon par sa meuf devant ses gosses. Best scène ever. C'est tellement awkward quand elle lui parle en mode viens, on va faire un. Elle lui fait viens, on va faire un câlin, mais elle le regarde en mode viens, je vais aller t'enculer dans. Non, je vais te pépon. Ouais, en VO, la scène est un peu plus chaude, quoi. Mais le gars, c'est ça qui me fait dire qu'il y a un problème avec ce film. Le gars, why not? Bon, le gars, il a un gros pouvoir. Il a buté sa famille. Il est intéressant, en spoiler, plus, moi, le truc spoiler qui arrive à la fin est génial. Bah non, c'est nul, ce qui arrive à la fin. C'est une espèce de deus, enfin... Oui, non, mais sur la construction du personnage, ça tient pas la route deux secondes. Le mec ne veut pas se battre, parce qu'il a des pouvoirs qui le dépassent. Pourquoi pas? C'est intéressant. Will Smith le fait péter un câble en 5 minutes. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Non, je vous abandonne pas, vous êtes ma nouvelle famille. Ouais. Mais non, mec. C'est Mais non, mec. Oui, non, parce que c'est mal écrit. Mais c'est mal écrit. C'est le même mec qui a fait BVS et les deux qui sont potes avec Martha au bout de 2 secondes. Boomerang est formidable. Il y a une scène, la seule scène qui m'a fait rigoler, c'est quand ils sont dans le bar, la scène est ratée, où Rick Flag dit en disant vous êtes libre, barrez-vous. Le mec se casse en 2 secondes. Alors il revient après. Juste. Mais il revient 2 minutes après. Sans aucune raison. Mais encore une fois, là, on parle d'un film qui n'est pas fini, qui n'est pas construit. Et pour les personnages secondaires. Putain, tu sens le potentiel, tu sens le machin badass. La seule scène, pour finir c'est peut-être moi sur les personnages, la seule scène qui m'a fait bander au niveau des personnages, c'est quand t'as Margot Robbie qui revient après la pseudo-mort du Joker, qui est en mode à moitié prostituée sur la voiture, qui s'efface les larmes, qui fait semblant d'être joyeuse devant cette équipe, j'ai trouvé ça sympa, et les mecs se lancent des petits sourires en disant « Putain, c'est cool, elle est revenue, on est à nouveau une équipe. » Mais ça dure 4 secondes dans le film. Mais c'est super mal vendu, et c'est ça que je voulais voir. Je voulais voir une bande de losers finis dans une situation de merde et qui finissent par se créer des liens eux-mêmes parce qu'ils sont tout seuls, ils savent très bien qu'ils vont en prendre plein la gueule, quoi qu'il se passe. Tu le vois un quart de seconde, et c'est super mal construit. La situation de merde, on en parle vite fait, parce qu'on est d'accord que c'est complètement débile d'appeler son... Le fait qu'ils soient avec tous ces paramilitaires, je comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas fait un truc où il y avait une vraie menace, parce que là la menace elle est pourrie, et en plus c'est eux qui se la créent eux-mêmes, ouais, comme des cons. Mais ça aurait été un truc vraiment bien, comme dans, bon, j'ai pas trop aimé l'anime, mais Asu en Arkham, où vraiment la Suicide Squad est le dernier recours pour Amanda Waller et pour les gens, et là ils envoient la Suicide Squad en mode non, c'est, mais... dans, c'est notre dernier truc, c'est notre vraiment la dernière solution qu'on a, on va essayer, mais... c'est soit ça soit on détruit toute la ville. Et là, c'est pas du tout ça. Là, Pour en revenir sur le scénario, justement, pour attaquer bien le scénario, en vrai, il n'y a aucun enjeu dans ce film. Vraiment, il y en a zéro, parce qu'il y a un gros... Au départ, on nous met une grosse question de dilemme de est-ce qu'il doit tuer la sorcière ou pas, quel choix va devoir faire. Et quand il tue la sorcière, et bah, sa femme revient. Oui. Donc s'il aurait tué la sorcière depuis le départ, bah, il ne serait rien passé. Tous les enjeux, et enfin aussi, c'est eux-mêmes qui se créent leur propre enjeu. Et Amanda Waller qui reste dans la ville. Mais aussi, il y a un autre truc qui va pas du tout. Un moment, Harley Quinn se fait désactiver sa puce par le Joker. Pourquoi elle décide de rester? Pourquoi? Il n'y a aucun intérêt. Enfin, il y a des gros problèmes de scénario. Ce qui vient de dire que du coup, c'était sa famille, tu vois. Oui, non, mais un moment, Amanda Waller la menace et elle se sent menacée alors que sa puce est désactivée. Il y a un gros défaut de scénario. Après, je reviens dessus, la puce est désactivée, tu vois. Il est dans le... C'est du caca. C'est... Non, mais il est... Enfin, tu vois, il est... quand... Alors, après, j'ai aimé le film en soi, mais... quand il est là, quand il est dans l'hélicoptère, c'est... Putain, il brouille le signal, tu vois. Il arrive pas à la... Quand ils appuient, tu regardes... Enfin, si tu as la chance de le revoir, elle appuie sur le bouton et il a marqué « Ne fonctionne pas, inopérant », tu vois. Et c'est juste qu'en fait, il l'a brouillé sur un rayon de 200 mètres. Mais après, la grenade, elle est toujours là. Hein. Mais c'est ce qu'on disait, c'est le gros point faible du film. Pourquoi est-ce que Margot Robbie, pourquoi est-ce qu'Harley Quinn revient après la mort du Joker? Pourquoi est-ce que Boomerang revient alors qu'il s'est barré? Pourquoi est-ce que Deadshot... Pourquoi est-ce que Deadshot enterre la hache de guerre avec Rick Flag sur la fin? Non, mais voilà, parce que les mecs, c'est des losers et que pour la première fois de leur vie, ils font partie d'un truc qui a l'air de faire quelque chose de pas trop mauvais. Mais encore une fois, tu sens qu'ils veulent faire ça. Et Warner s'est mis une grosse balle dans le pied. Mais sur le scénario, David Ayer a eu 6 mois pour l'écrire. Non, 6 semaines. 6 semaines, excusez-moi. Ah, oh, c'est bon, je t'emmerde. Donc 6 semaines pour l'écrire, c'est un peu... Et apparemment, ça a été fait dans le rush. Pas possible. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont vendu comme ça. Ils ont vendu une équipe de loose totale qui finissent par trouver un semblant de... Parce que c'est ça la Suicide Squad, mais voilà. Mais encore une fois, moi je reste persuadé qu'ils vont nous sortir une Director's Cut qui va tout péter et tu vas vraiment avoir ça. Après, tu vois, le mec est arrivé à faire un truc. Ah, David, d'ailleurs, moi ce que j'ai vu de lui était pas mal. Il est dans le sombre, dans le glauque, il est pas mauvais. Encore une fois, dans certaines interviews, il avait 2-3 velléités de faire ce genre de truc. Ouais, moi je suis. À mon avis, Warner s'est flingué tout seul, mais tout seul. Ils ont après, s'il y a peut-être pour moi un détail à sauver du film, c'est peut-être moi qui l'ai remarqué, peut-être j'ai fabulé. Oh, c'est pas un mauvais film en soi. C'est pas un film. C'est le. Ils se sont flingués. C'est le Iron Man 2 du DCU. Ouais, et 3. Hein. J'ai bien vu le 3. Putain. Ah, c'est marqué aussi, il y a le mandarin dans le 3, c'est rigolo. C'est le Ant-Man. Non, oui, non, mais on parlait tout à l'heure. Oui, effectivement. Forcément, vas-y. Non, vas-y, je n'en fais rien, monsieur le gardien du temple. Putain, ça, attention, il y a du level. Forcément, tu le compares à Guardian, mais Guardian, c'est le meilleur film Marvel, de très loin. C'est là, on est en train de taper comme des vilains sur Suicide Squad parce que je pense qu'on attendait tous quelque chose d'un peu différent. Oui, sauf Tom qui est comme un ouf. Mais tapes dessus quand même. Donc. Mais c'est, y a, on peut parler très deux secondes du bashing sur Warner sans rentrer dans BVS parce que ça va encore enflammer l'essence. C'est pas un mauvais film, Suicide Squad. C'est que ça pouvait être tellement mieux, oui, c'est vrai. Tellement cool. Ça pouvait être la caution Guardian de chez Marvel. En soi, pour moi, si j'aime ce film, pour moi, c'est comme un film Marvel. C'est un film qui est rempli de défauts. Mais sur le moment, j'ai passé un bon moment. C'était un bon divertissement. C'est pour ça que j'ai apprécié le film. Et pour... Enfin, Maxime m'a dit pourquoi alors tu n'aimes pas BVS. C'est parce que BVS, j'avais tellement plus d'attentes. J'avais cherché un truc tellement plus réfléchi. Je sais, mais je tiens à me répéter parce que plus tard, vous me dites, mais alors pourquoi tu aimes ces films? Parce que voilà, je trouvais que c'était un bon divertissement. Là, pour le coup, je comprends pas Warner. Je comprends la panique sur BVS parce que BVS est la pierre angulaire de ton DCU aussi au cinéma. Batman, Superman, Wonder Woman, beaucoup d'attentes. Je comprends que tu paniques. Je comprends que tu sortes une version édulcorée avec des reshoots et compagnie. Suicide Squad, qu'est-ce que t'en as à foutre? Tout le monde s'en fout, tout le monde veut voir du funky, putain. Quoi. T'as vendu de la Bohemian Rhapsody et des trucs décalage. Ils ont paniqué, les mecs. Les critiques négatives de BVS, ça leur a foutu la pression. Voilà, et le pire. Ça leur a foutu la pression. Ouais, ouais. Max. Ils ont craqué. Mais le pire, tu vois, c'est qu'ils avaient des screen tests excellents. Il y a, oui, je pense, mais je suis persuadé. Il y a plein de tweets qui ont circulé d'un mec. Il y a deux mois, David Ayer a montré une. Ouais. Terrible. En Californie, une cut de, je crois que, de 3 heures et des poussières, qui était dans son délire très sombre. Ouais, mais tu le sens. Et ils ont eu des réactions bizarres en Californie, en mode ah, mais c'est pas. Pourtant, les screening tests étaient bons. Hein. Enfin, il y avait un mec sur Twitter que je suivais, et le mec il disait putain, je l'ai vu il y a 3 mois, le film c'était un chef-d'œuvre. Il disait ça, Jared Leto porte le film. En fait, du coup, du peu que j'ai compris, tu vois, Jared Leto c'était un peu la menace sous-jacente, et du coup, il disait mais ça a porté le film. Et il dit là, je signe le DC, tu vois. Et du coup, j'avais vu ça d'autres. En mode anecdote, Jared Leto, est-ce que vous vous souvenez de la scène dans le trailer? Parce qu'il y a plein de scènes dans le trailer qu'on voit pas du tout. Ouais. Ça, c'est... Et la scène où on voit Jared Leto avec une grenade dans la main. Est-ce que vous avez remarqué que cette scène se passe exactement derrière l'endroit où c'est le climax du film? Oui. Donc, à mon avis, ça veut dire que après climax, tu devais avoir le Joker qui revenait en mode. Oui, mais ils ont saboté leur truc, ça se voit. Tu pars avec un truc funky, avec un truc badass, avec un truc complètement décalé. Tu te retrouves avec un blockbuster supplémentaire, avec un méchant et un effet visuel d'une espèce de tornade qui a dû coûter un bras et demi, qui ne sert absolument à rien. Et c'est ça le gros. Grosse frustration du film. Encore une fois, c'est pas un mauvais film, mais tu sens le potentiel du merdier derrière. Vous parlez d'un truc, je l'ai partagé sur le groupe, mais je crois qu'on l'a partagé sur la page de l'Amitié du Geek aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui devait venir aujourd'hui, mais finalement qui n'a pas pu venir, qui s'appelle Louis, du cinéma du Driver, qui est un mec qui parle de ciné, qui fait surtout de la critique écrite, mais là qui a repris, qui faisait de la vidéo et maintenant qui a repris la vidéo, et qui a fait une espèce de rétrospective, surtout Warner et sur. Pourquoi c'est quelqu'un qui est très très. Je crois que ça doit être le mec qui est encore plus pro Warner que moi. C'est peut-être pour ça que je voulais l'inviter. Et c'est quelqu'un qui est très sur les chiffres et qui est très sur le box-office et tout ça. Et sur les budgets. Et en fait, dans sa vidéo, il expliquait un truc. C'est que vous avez, apparemment, il y a plusieurs types de films. Moi je m'en fous de ce genre de budget, tout ça. Ça me passe un peu au-dessus. Ah oui, oui. Et donc, en fait, apparemment, il y a les gros, gros budgets, très, très gros, un peu comme BVS l'était. Ou comme... ouais. Et en fait... apparemment Suicide Squad est un peu un cul entre les deux chaises. C'est 175 à peu près. Et apparemment les c'est encore plus que ça puisque oui, parce que c'est en hors, généralement ces budgets sont hors reshoot et hors marketing. Et là la promo a coûté super cher et les reshoots ont coûté super cher. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir beaucoup de mal à du coup, c'est ça, il partait sur 800 millions pour être bénéfice, tu vois, enfin pour être un succès. Donc ils en sont loin, tu vois, genre BVS a fini à 859. Donc moi je vous conseille d'aller voir sa vidéo, elle est vraiment intéressante, elle fait comprendre en quoi Warner était dans la. Enfin, Warner est parti du mauvais pied sur ça. Et... Bah, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'ils étaient dans le bon, et puis il faudra quand même à un moment donné qu'on explique à ces mecs-là que tu prends. Un film, tu le re-shootes, tu le recutes, tu fais un montage pérave à 2 semaines de la sortie, ça ne peut pas fonctionner. C'est juste pas possible. Alors, ils vont pas arriver à 800 millions. Ça va faire peut-être un succès parce qu'il y a un merchandising derrière, un marketing pardon, qui est phénoménal. Apparemment, ils vont même pas pouvoir. Il y a du bashing. Déjà, ils sortent pas en Chine. Ils sortent pas en Chine. Ah, mais ils sont morts alors. Non, mais ils ont pourtant, il y a Katana. Ah, pas pareil. Ouais, ils ont fait 264 000. Ouais, mais ça va se casser la gueule. Bah, pour aller dans les chiffres, tu vois, il faut. Il y a pas longtemps que Gareth Edwards n'avait pas son. Mais est-ce qu'on parle des musiques aussi? Parce que. Ouais, voilà. Alors, en fait, tu vois, ils ont pris le top 50, ils ont pris. Ah, ça c'est cool, ça c'est cool. Mais ce qui est drôle avec cette bande-son, en fait, petite anecdote, c'est que la moitié des musiques sont sur ma playlist de portable, je m'y attendais pas du tout. Du coup, ça m'a fait bien kiffer, mais à part ça, il y a pas. Enfin, c'est des musiques originales qui sont cool, genre Sucker for Pain de. Avec Image Dragon Imagine Dragons, Wiz Khalifa et Lil Wayne. Mais après, comme le disait la plupart des personnes, c'est qu'il n'y a pas de justificatif à ces musiques et que c'est un peu envoyé comme une playlist. Non, mais je veux dire, ils ont deux, trois morceaux de gens qui sont. Qui sont genre, le thème d'Harley Quinn est pas mal, tu vois. You Don't Owe Me, I'm Not a Toy. C'est pas mal, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est pas en rapport avec le film. Mais après, ils ont balancé des musiques. C'est les musiques dont tu parles. Espèce de qu'ils ont enfin maintenant ressortent en reprise. Ils ont même pas fait un truc, enfin ils ont même pas fait un truc original. Ouais, ils ont même pas, enfin ils ont utilisé une musique originale dans le film, mais après ils sortent une BO avec ouais, voilà, le Queen, tu vois, c'est Panic at the Disco qui le font, tu vois. Ils ont fait une reprise de Lithium de Nirvana et de Pixies, de Where Is My Mind de Pixies. En tout cas, ils ont pris toutes les musiques. Ces musiques-là qu'ils ont rajoutées, celles de Queen, celles qu'ils ont repompées de. Qui s'appelle comment déjà, qu'on avait vérifié tout à l'heure. Celle-là avec le chopper quand elle tombe là, qui était dans Gardien de la Galaxie. C'est un cantique qui parle de Jésus, tout ça. Je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas, elle était cool dans Gardien de la Galaxie. Là. En plus, le truc, c'est qu'il les balance et très dès le début. Ouais, c'est mécanique. Ils enchaînent comme ça. Prends ça. Ouais, c'est vrai que c'est mécanique. Dans Gardien de la Galaxie, en plus d'être justifié dans le scénario, puisqu'il y avait la cassette, ouais. C'était pas tout un. Ouais, quand il est avec Gamora, tu vois, c'est une petite musique romantique. Au début, c'est une musique pour se donner du courage. Non, mais c'est vrai que c'était mieux fait. Mais elles sont balancées qu'au début, en plus. Après, il n'y en a plus trop. Ouais, c'est vrai, dans les présentations des personnages, on nous envoie toutes les bonnes musiques et après je m'en rappelais moins du coup. Mais je me rappelle que dans l'intro, ça m'avait vraiment marqué. Bah, ça j'avais vraiment l'impression d'écouter ma playlist. C'est fini, et après ça reprend à Queen ou il rebalance du Queen comme ça. Mais en fait, ça m'avait fait rire parce que j'avais vraiment l'impression d'écouter ma playlist que j'ai en ce moment sur mon portable, quoi. Alors je tiens à faire une gueule. Je pense pas que ça peut être mon multiplex. Non, mais je sais pas, c'était exactement les mêmes musiques que j'écoute en ce moment. Je tiens à faire un coup de gueule parce que. J'ai vu le film à la première séance IMAX au Gaumont Multiplex. En VF. Et c'était une mauvaise idée. C'était une très très mauvaise idée. En plus que la VF était ignoble, j'en parlerai après. En plus de ça. Moi j'ai vu en VO. Je l'ai vu 30 minutes avant. Enfin, je suis rentré 30 minutes avant le film parce que j'étais en avance parce que je devais aller à Starbucks. Enfin, mais c'est ma vie, on s'en bat. C'est vrai. On s'en bat les couilles, c'est vrai. Ils étaient en train de faire des tests sur leur écran. Soit je m'en bats les couilles, ils sont en train de faire des tests sur leurs écrans, qui montent des bandes annonces, qui montent des trucs comme ça, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'ils ont fait un test sur la fin du film. J'ai vu la fin du film avant tout le monde, et c'était tout le moment avec Queen à la fin. J'ai vu ça. Donc je savais déjà que les c'est chaud quand même. Et j'avais tellement les boules. Ah, c'est chaud quand même. Non mais quand même c'est horrible, t'imagines, tu vas voir Star Wars épisode 7 en IMAX et on te met la fin de Star Wars épisode 7, tu pètes un câble avec Luke, tu sais, tu pètes un câble. tu vas voir un Marvel, tu te fais balancer la scène d'Ogène. Non mais t'imagines, tu vois l'Empire contre-attaque et juste tu passes le mot. Je suis ton père. Je suis ton père, t'es là en mode. C'est du film. Enfin, du coup j'avais un peu les boules. On était sur ça, donc peut-être je suis le seul à l'avoir vu en VF, je crois. Non, moi j'ai vu en VO. Moi j'ai vu en VO, c'était pas désagréable. Alors, en VO. En avant-première en VO. Déjà que les vannes n'étaient pas. Les vannes ne sont pas. L'humour n'est pas génial dans le film. Moment pipi. On est d'accord que c'est pas fou. Bah, c'est du Marvel. Pour moi, c'est l'équivalent du Marvel. Non, Marvel, c'est plus drôle, je crois. C'est un fan de Warner qui dit ça, attention. C'est ouf. Mais en VF, elles sont encore pires. De ce qu'on m'a dit, oui. Il y a un personnage, le chef de la prison. Déjà, en plus que tu... Je crois qu'à la deuxième vision, Maxime a compris que le chef de la prison est... C'était le mec qui joue au casino et qui se fait choper par le Joker. Et j'étais là en mode, ah ouais, c'est lui. Et j'étais là, ah putain. Et bah lui, il est super sexiste et super... Enfin, il est encore plus... Déjà que le personnage est un peu horripilant en... Bon, c'est pas bien grave. Et depuis 4 heures. Du coup, tu m'as coupé dans ce que Ouais, du coup, tu vois, il est genre super sexiste et genre c'est un peu la caution bof du truc. Ouais. Alors que dans la VO, tu vois, il est un peu... Enfin, pas transparent, mais enfin, c'est le mec un peu désagréable, antipathique de base, tu vois. Et on va faire un petit point sur les incohérences, parce qu'il y a pas mal de trucs complètement... Bon, si vous voulez, je raconte mon incohérence préférée. Et du coup, quand il va la transformer, quand il la jette dans la kiff, quand tu lui dis est-ce que tu vas vivre pour moi, est-ce que tu vas mourir pour moi, elle se jette. Bon, on va dire qu'elle est un peu folle et qu'elle tombe pendant des secondes et des secondes. T'as l'impression que ça fait 10 mètres. Ouais. Lui saute, t'as l'impression que ça fait 3 mètres. Donc tu te dis, c'est à peu près 3 mètres. On parle de la cuve. Hein, de la de la distance entre la distance. Donc il saute de 3 mètres de cuve. Donc tu le vois plonger. On voit qu'il y a de la profondeur. Ouais, tu vois qu'il y a de la profondeur parce que du coup, elle se noie et lui plonge et la rattrape. Et juste après, il est debout. Dans la cuve. Dans la cuve. Avec l'eau qui lui a... Enfin, au genou. Ah, c'est un faux raccord du coup. Ouais. C'est une incohérence. Faux raccord. Surtout faux raccord. C'est pas une incohérence scénaristique. Si, c'est une incohérence scénaristique. C'est pas un faux raccord. Ouais, moi, non, mais c'est assez symptomatique du film. C'est qu'encore une fois, il est pas fini. Moi, il y en a un qui m'a. J'en ai vu qu'un, bien sûr, je l'ai pas fait attention, qui m'a un peu hérissé le poil sur la fin. C'est avec le katana. Vous avez pas fait gaffe? Ah oui! Il tombe pas devant. Margot Robbie, encore une fois, Harley Quinn va pour passer côté Enchantress, prend le katana qui était par terre, transperce la scène d'après, katana a son katana dans la main. C'est un détail, mais ça veut dire que tu l'as pas revu ton film. Un autre truc qui m'a gêné aussi, toujours dans la même scène, on est d'accord que l'Enchantress a le pouvoir de se téléporter. Non, mais l'Enchantress, elle nous fait un truc à la Wing Chun. À un moment donné, elle fait un combat au corps à corps qui est ridicule. Mais même bon, quand elle regarde la bombe qui va aller vers son truc, alors que la meuf s'est téléportée. Elle avait juste à téléporter, récupérer la bombe. T'as pas parlé de l'incohérence, Tindai. Et tu veux parler... Ouais, bah vas-y, fais-le, parce que moi, je m'en bats les couilles de la coiffure de... Parce que du coup... Bah, quand ils sont sur le tarmac, elle est blonde, mais genre blonde platine. Et avec les cheveux qui arrivent jusqu'au cul. Un peu dégueulasse. La scène d'après... Elle a eu le temps de se faire des couettes et un tie-dye bleu et rouge sur les couettes. Bah ouais, on va conclure sur ça. Je suis un peu triste parce que je me sens un peu coupé dans ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. On va finir sur une question. On va aller vite et on va être succinct. Est-ce que tu es quand même hypé par ce que Warner va te proposer plus tard? C'est oui, non, avec deux phrases. Non. Maxime. Non. D'accord. Ça sera en DVD chez moi. Moi, bah, vu mais que. Tu dis ça, mais tu vas être le premier. Attends, ouais. Je dis ça, mais parce que tu vas y aller avec toi, tu vas me sucer la queue et on va y aller, tu vois. Non, bon, après, moi, mes attentes. Enfin, vu que j'avais beaucoup d'attentes sur. C'est pas des attentes. Non, que tu vas... On avait dit succès, oui, non, peut-être. Oui, bon, attends. En gros, vu que BV, j'avais beaucoup d'attentes et que finalement ça m'a déçu, j'ai plus beaucoup d'attentes sur la Warner. Mais en tout cas, je vais aller voir les films et Wonder Woman a l'air d'être plutôt bien. Justice League me dit pas trop grand chose, mais enfin, ça dépend des films, quoi. Parce que j'ai l'impression que la Warner, par rapport à Marvel, prend. Enfin, un point positif par rapport à la Warner, par rapport à Marvel, tu vois, c'est que la Warner, ses films ont des thèmes un peu différents, je trouve. Je veux dire, Man of Steel, BVS et Suicide Squad ne se ressemblent pas du tout. Enfin, c'est des films qui ne se ressemblent pas du tout. Mais t'as entendu, Maxime a dit que Thomas était la caution succincte de ce podcast. On va passer à Mathieu. Succincte. Moi, Wonder Woman, oui, parce que ça a l'air bien produit, ça a l'air plus sérieux et j'espère qu'ils ne vont pas nous rebaisser le pantalon pour faire je ne sais pas quoi derrière et sabrer le film. Je te coupe juste pour dire bien produit. C'est le même producteur que BVS, Suicide Squad et Wonder Woman. C'est parce que c'est Charles Roven. Si vous voulez savoir qui est Charles Roven, tapez sur Google, c'est le mec qui finance les deux parties d'une même guerre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour en savoir le niveau de ce gars. Non, mais je parlais pas forcément en termes de production, mais enfin du producteur. Mais pour l'instant, le film a l'air quand même plus sérieux et pour l'instant, en tout cas, bah, du coup, maintenant, on va voir après Suicide Squad ce qu'ils vont faire. Il a l'air fini, il a l'air d'avoir une ambiance. Par contre, les Justice League derrière, je suis vachement plus inquiet. Ouais, ce sera peut-être DVD aussi. Ça coïncide avec la fin de Charles. Ta théorie avec ton super tableur Excel. Non, vas-y, ça va. Pourquoi ? Parce que il a envie de partir et. Vas-y, t'en as pour 2 minutes. Vas-y. Alors du coup, ma théorie, c'est que Warner se sabote. Parce qu'en fait, du coup, Time Warner, qui est le conglomérat de production de films de Warner. Et en fait, si vous regardez, son chiffre d'affaires fait que se casser la gueule depuis 2008, soit à peu près la fin des Harry Potter. Oui, voilà ce que j'allais dire, c'est le dernier truc. Et en fait, tu vois, ils auraient pu avec... Franchise, ils ont Batman comme franchise, le mec, ça a pris de la monnaie aussi, tu vois. Et genre, en fait, pour moi, c'est ma théorie, après, elle n'est pas partagée, mais pour moi, on voit que leur CA se casse la gueule et en fait, ils ne veulent pas se faire racheter par Apple. Du coup, tu vois, je me demande si au final, tu vois, ils sabotent pas un peu leur film, genre Suicide Squad, est-ce qu'ils ont pas... Ils sont en train de se faire racheter par Apple. Mais voilà, ils sont en train... Apple veut les racheter, mais eux, ils veulent pas, tu vois. Et je me dis, est-ce qu'ils, tu vois, ils sont pas en train de se tirer une balle dans le pied exprès, tu vois, pour pas être vendeur, tu vois, pour pas avoir envie d'être racheté. Et... Ouais, mais du coup, s'ils perdent des parts et s'ils perdent du marché, ils vont être moins chers. Après, ouais, mais moins profitable. Ouais, mais moins profitable. Du coup, si genre. C'est la caution Excel. Oui, oui, non, mais. Ça, non, mais c'est tiré par les cheveux, je l'avoue. Ah, mais ça va être un carnage. Hein, mais, genre, tu vois, tu te dis. Tu vois, BVS, il était estimé à 1 ou 2 ou 3 milliards de dollars. Ce que faisaient les Batman de Nolan, il en fait la moitié. Les mecs, tu vois, les mecs se disent, bon, peut-être que Batman, ça vend plus. Peut-être que c'est plus profitable. Du coup, tu vois, les mecs sont un peu en train de freiner et dire... Pourtant, avec la sortie des nouveaux films estampillés Harry Potter, moi, justement, j'ai un peu l'impression qu'ils tentaient de grappiller un peu ce qu'ils pouvaient. Ouais, mais regarde, le Hobbit, tu vois, ils avaient le Hobbit et le Seigneur des Anneaux qui leur faisaient décoller leur chiffre d'affaires. Là, le Hobbit, ça n'a pas... Enfin, ils avaient le Seigneur des Anneaux. Là, le Hobbit, ça leur a pas... Attends, ça n'a pas été le regain de vitalité qu'ils attendaient. Ils sont pas allés faire chier Jackson. Il avait les mains complètement libres pour son truc. Il a quand même trashé, il a dit que c'était pas la vision qu'il voulait, tu vois. Qu'ils ont imposé de faire 3 films, que lui il en voulait en faire 2. Oui, ouais, à la base, oui, c'était rajouté. Donc il a un peu cassé des bouches, toi. Donc je me dis, est-ce que tu vois, ils ont pas un peu un contrôle en mode bon, il faut qu'on rentre dans nos sous, mais faut pas non plus qu'on imprime de la monnaie, tu vois. Je suis pas d'accord avec cette théorie, je trouve que c'est vraiment trop tiré par les cheveux. Ah oui, c'est tiré par les cheveux, mais. On se dire, ouais, on va gâcher un film exprès. Moi je pense que c'est plus simple, je pense qu'ils sont pas bons. Mais vraiment. Ouais. Mais je pense vraiment, que la tête de Warner sont pas... Ils sont vraiment pas bons, les mecs. Après, ça arrive, hein. Ils savent choisir, entre guillemets, les artistes. Mais là, effectivement, sur le sabotage, sur Suicide Squad, c'est quasiment évident. Mais pourquoi ils ont fait ça, quoi? Le Blu-ray va se vendre par paquet de par millions entiers. C'est pas dit qu'ils sortent une Director Cut, hein. Mais si, ils vont sortir une Director Cut. Non, c'est pas grave. Donc, on va conclure sur ça. Les deux, là, déjà utilisé le... T'as pas donné ton avis sur... Ah si, tu t'as dit que Wonder Woman, ouais. Oui, ouais. Moi, je reste quand même un DC fanboy jusqu'au bout. Donc, j'irai, de toute façon, j'irai voir tous les films, parce que je vais voir tous les films. Wonder Woman me vend du rêve. Justice League me vend du rêve. Man of Steel 2, pas trop. Parce que j'aime pas Superman. Mais, Par contre, un Batman par Affleck, si jamais ouais, il a un peu les coudées franches, là, je suis curieux. À mon avis, Affleck, il va pas. Enfin, le mec est tellement hype en ce moment qu'il va pas. Ça dépend encore. Enfin, comme on en parle depuis tout à l'heure, les problèmes de production, quoi. Genre, il y a une vision du réalisateur et il y a la vision de la production qui gâche tout finalement. Comme, regarde, Wright est vachement hype. Il sait que de toute façon, il va retomber sur ses pieds quoi qu'il fasse. Marvel l'a fait chier, bah, il s'est cassé et il est parti faire ce qu'il voulait faire. Donc, j'étais en train de dire, désolé de ne pas être optimiste avec cette fin de podcast avec Maxime qui essaie de me troller. Donc, n'hésitez pas à venir nous mettre 5 étoiles sur iTunes et de mettre un avis parce que ça permettrait qu'on soit un peu mieux référencé sur iTunes, ce qui serait cool. N'oubliez pas que vous avez toujours la chaîne YouTube de l'Amical du Geek, vous pouvez retrouver la vidéo de Faye qui est un peu plus optimiste que nous sur le film et qui a une petite théorie autour de Jason Todd et du Joker. Tout ça, donc ça, c'est cool. Allez sur la chaîne YouTube de l'Amical du Geek. Un grand merci à la Game Taverne de nous avoir... laisser les clés. Laisser les clés et laisser accueillir à cet endroit qui c'était vraiment. On passera le balai en partant, vous inquiétez pas. Exactement. Maxime passera le balai et rangera tout. Et d'ailleurs, il faudra que tu mettes la pute morte ailleurs. Et bon, on va finir sur ça. On va la manger, j'ai faim. D'accord, moi aussi, je commence à avoir faim, c'est vrai. Donc, j'en étais où donc, si vous avez envie de parler de comics avec nous, vous pouvez nous envoyer un message soit par mail à comicsdiscovery@gmail.com ou soit tout simplement sur Facebook, sur notre groupe Facebook, Le Comics à Montpellier. Alors que tout le monde range et que ça fait un bruit de fou, vous êtes putain de chiant. Bon, moi je vous dis au revoir. On vous dit, je vous redonne rendez-vous dans 15 jours. Bon, je sais pas de quoi on parlera encore, mais ce sera autant animé et autant fun. Et peut-être avec une autre équipe. Mais on sait que dans 3 émissions, on parle de Reborn, donc ça va. D'accord. Et avec des gens plus compétents, sûrement. Allez, bye. Ciao.